01 42 48 5000, allô. Allô. Salut, comment tu t'appelles? Valentin. Ouais Valentin, t'as quel âge? J'ai 15 ans. Ok, t'appelles d'où? Des Vosges. Qu'est-ce que tu voulais dire Valentin? Je voulais passer une dédicace. Vas-y. Alors je vais passer une dédicace à Anaïs des Vosges, Mehdi, Fanny, mon bébé, Alan, Jérémy, Jordan, Eva et tous ceux qui me reconnaîtront. D'accord, t'as oublié personne hein, j'espère? Non. Ok, bah c'est cool, alors tu reviens quand ouais. Tu veux. Je pourrais avoir GTA 5. Ah bien sûr, bien sûr. GTA, alors, je l'ai vu dans le commerce, il est pas cher. Non mais GTA 5 a gagné demain encore, on va essayer d'en choper. Ou tout à l'heure chez Mickaël. Et d'ici quelques minutes, vous en gagnez plein chez Mickaël, nos limites. Attends, tu t'emballes, il n'a pas plein non plus. Hein. Il y en a. Il y a des camions entiers de GTA. Ouais, en fait, on les a fait gagner, mais c'est un fou dire. Ah oui, j'ai offert ton quota de GTA ce soir. C'est pas grave, Mickaël. C'est pas grave, j'ai les t-shirts GTA moi. Ah, pas mal. Est-ce qu'on peut filer un t-shirt GTA, Valentin? 5 euros. À payer sur mon compte PayPal, bien évidemment. Et Mickaël@funradio.fr. Valentin, tu raccroches pas, d'accord? Tu vas gérer avec Mickaël alors. Ouais. Salut Valentin. Bisous. Salut. On accueille c'est Sarah là au téléphone, allô? Allô? Ouais, salut. Ça va, Sarah? Salut. Ça va et vous? Bah, super bien, Sarah. T'as quel âge? J'ai 26 ans. Ah. Et tu voulais dire quoi? Ben, je voulais parler un peu de mon problème avec mon copain. En fait, il n'arrive pas à bander. Ah. Ben, on va parler demain. Dès demain, tu es libre demain à 8h? Oui. 20h? Eh ben, demain à 20h, ouais, 20h, on t'appelle. Demain à 20h, tu sauras pourquoi ton copain n'arrive pas à bander. D'accord, Sarah? D'accord, ok. Est-ce que je peux faire une dédicace? Bien sûr, on t'écoute. Alors, je vais faire une dédicace à Chocolatman, à Donia, Marion et à Arthur, qui est au HAT. Eh ben, le message est passé. Ciao Sarah. Salut. Gros bisous Sarah, c'est fini pour ce soir. Merci encore pour cette soirée. Oui, vous avez été super nombreux là à nous appeler. Pour vos messages, merci beaucoup. Ouais, sur Twitter, sur le Facebook. Merci vraiment. Hein, vous êtes de plus en plus nombreux tous les soirs à nous rejoindre, à écouter l'émission et à découvrir aussi Mickaël hein, qui nous a rejoint il y a peu de temps. T'es là Mickaël? Oui, bien sûr. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Ça va Mickaël? Ça va. Je perds un peu ma voix pour l'instant, je suis un peu dans la merde. Mais il y en a un ici là de la voix, tu veux l'écouter? Oh non. Vas-y. Quoi? Qu'on y croit pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Il est bon quand même quand il fait Stromae, non? On aura disparu. Moi j'aime fait quand il se met à s'énerver. Attends, dans quelques secondes tu vas voir, il donne tout, Mickaël. Je suis sûr que tu peux pas faire mieux. Donc ça peut être pire alors. Écoute. Sans os irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait les bébés, mais personne sait comment on fait les papas. Ah non, il le sent direct. Tout l'on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, merde. Il y a quelque chose. Hein. Ouais, mais il y a juste un petit quelque chose, je crois. C'est pas assez encore. Il manque un seul truc, le talent. Ouais. Et je sais, Mickaël, j'y travaille. Bah oui, mais non, t'inquiète pas. Ça vient pas comme ça. Il paraît. Bon, enfin, écoute, c'est pas grave. Je suppose que le doc va t'apprendre à chanter. Je n'en ai pas une seule seconde. Mais ne t'inquiète pas, nous prévoyons aussi de faire chanter le doc dans cette émission. Parfait. Jacques Brel. Quel est ton artiste dancefloor préféré, doc? Dancefloor, non, je n'ai pas de préféré. Et artiste tout court? Ah oui, bah si je vous dis ça. Bah vas-y toujours, on sait jamais. Allez, vas-y doc. Oui, non, mais. Oh, t'as mis un truc, il non a peur de dire une connerie. Non, j'ai ça doit être ça, à mon avis. Pour j'ai beaucoup aimé Brel. Non, j'étais Léo Ferré, Brel et tout ça. Oh, ah oui, d'accord, ok, très bien. Ouais, on va pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Hein, on va vous laisser rentrer chez vous. Voilà, oui, allez, problème. C'est parti, Mickaël, jusqu'à 2h du mat, amusez-vous. Exact. Bien. Allez, bonne soirée tout le bonne monde. Et puis, bah, nous, on est parti à 23h, c'est jusqu'à 2h, effectivement. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Effectivement, en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon ben j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver là comme tous les soirs de la semaine sur Fun Radio. Soyez donc les bienvenus si vous venez de découvrir l'émission ce soir. Là, ben, je m'appelle Mickaël et je suis là du lundi au jeudi de 23h à 2h. Le dimanche également de 20h à minuit pour venir parler avec moi et avec toute l'équipe. N'hésitez pas, vous faites maintenant le 01 42 48 5000. C'est le numéro du standard de Fun, il y a Sandro qui décroche. Et pour la Belgique, c'est le 02 851 4x0. Là également, c'est Sandro qui décroche et nous allons démarrer avec Laura qui a déjà fait le numéro. Qui est avec nous. Bonsoir Laura. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, tranquille, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va. Bon, alors juste, je voulais te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer en mode lourd? Par des mecs ouais. bien lourds? Ouais, c'est arrivé, ouais. Non, parce qu'il faut que je vous explique un truc. je vais bouffer avec Polo ce midi. Et donc, Polo qui est toujours du style à gueuler sur tout le monde, sur tout et n'importe quoi. Bref. C'est faux. Et donc, on s'installe. Ouais, on s'installe. On est à deux, là. Bon, bref. Et puis, t'as la serveuse qui arrive, qui était gentille, c'était Marie. Et donc, elle nous sert. Et puis, bon, Polo trouvait bien. Et puis, tout d'un coup, il dit, ouais, donc la serveuse dit, mais vous vous appelez comment en fait? Parce que bon, elle sait qu'on était marqué Marie sur son badge. Et donc il dit, ah bah moi c'est Polo, et puis lui c'est Mickaël, et vous pouvez nous retrouver tous les soirs sur France Radio. Putain, je dis. Oh la honte! Hey, Laura, oui. Sérieux, oh, le fou. Hey. Oh, le calmez-vous. Du coup, je l'ai appelé Polo Toff. C'est Toff, c'est son nom de famille. Non, voilà. C'est pas ça, c'est parce qu'elle arrêtait pas de regarder Mickaël. C'est pas vrai? Oh. Mais attends, j'étais en train de commander un truc, elle me regardait même pas, et après je pensais qu'elle nous avait reconnus. Bon, dis-moi Laura, toi t'as un mec comme ça qui arrive et qui te dit ouais, on peut se retrouver tous les soirs sur Fun Radio. Tu craques? Ah, pas du tout. Bah ça a bien fonctionné avec elle aussi. Puisqu'elle a fait, ouais super, allez, casse-toi. Je travaille moi à ce temps-là. Hein, ouais, hop là, ça y est, c'est plié. Si ça se trouve maintenant, elle écoute et elle va envoyer des tweets à Polo. Ben peut-être. Je ne répondrai pas à son invitation. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah Laura, on parle de quoi avec toi dans un instant? Dis donc, tu nous appelles pourquoi? Bah des dangers, des risques sur les sites de rencontres. Ah ouais? Oh oui, bah t'es déjà tombé sur des psychos toi à mon avis, non? Oh oui. Bon parfait, bon on va en parler dans un instant. Sandro qui est en pleine forme également puisqu'elle va rencontrer son futur mec ce soir sur Adopte un mec. Ah oui c'est vrai. Ah oui j'ai dit qu'on l'inscrirait, c'est fait hein, on va l'inscrire. Oui c'est pas dit que je trouve hein. Enfin c'est pas fait, on va le faire maintenant. Là, on va l'inscrire live and direct. T'as déjà fait un Adopte un mec ou pas toi Laura? Oui oui. Ah oui alors c'est là-dessus que t'es tombé sur les psychos? Voilà. Ah bah parfait, bah voilà, ouais, justement, Sandro sera ravie. Elle est ravie, je ne t'explique même pas. Bon et puis bah voilà, comme ça on drague le mec ce soir avec Sandro là, et puis évidemment Toff ira le chercher avec la mobilette. Hein. Évidemment. Bref, en pleine forme, voilà. Et puis pour la rencontre, évidemment, bah Polo pourra faire un petit peu de pipeau comme ça au dîner aux chandelles qu'on aura avec le nouveau mec de Sandro là. Voilà, tout simplement. Bon, et puis il y aura aussi de la musique, évidemment, le son Dance Floor de Fun avec Laura. Tu vas me dire le morceau que tu préfères dans ce que je te mets, Back Your Mat. Avec le saxo là. Tu connais? Ouais. T'aimes bien? Ouais, ça va. Tu peux dire non, hein, ça me pose pas de problème. Non, ça va. On sait jamais. Jennifer Lopez. Voilà, Live It Up. Non? Je préfère celle-là, ouais. Tu préfères celle-là ou alors Fédé Legrand avec No Good, la reprise de Prodigy que je vous balance depuis la semaine dernière là. Alors Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, bah promis, ouais. on te le met dans moins de 20 minutes, d'accord? Cool. Avec grand plaisir. Voilà, et si vous voulez choisir un titre ce soir, n'hésitez pas, vous demandez, vous êtes chez vous, vous tapez le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, il n'y a pas de problème. Et puis on va également, bien sûr, vous offrir des cadeaux puisque ce soir, attention, il y a du lourd. Alors, il n'y a pas du lourd, il y a du très très lourd puisque ce soir, évidemment, je vous offre, comme depuis le début de la semaine, GTA 5 sur PS3, sur Xbox 360. Pour le gagner, il suffit d'aller sur le Facebook de l'émission facebook.com/Mickaël officiel. Et en plus de ça, ce soir je vous offre aussi les t-shirts officiels GTA 5, les Los Santos. Vous pouvez aller voir, on a posé avec, on ressemble à des sacs à patates, mais vous pouvez aller voir sur le Facebook de l'émission maintenant. On est là. Trop sec. Ah, trop là. facebook.com/Mickaël officiel, les t-shirts officiels GTA 5, ils ont la classe. Voilà, vous pouvez aller voir ça et on fera les tirages au sort, plusieurs tirages au sort parce qu'on a, on en a plusieurs aussi, les t-shirts à vous offrir ce soir. T'as un mec toi Laura actuellement ou pas toi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, bah d'accord, ok. Ouais. Parce que j'aurais pu te demander si ton mec jouait souvent à GTA ou à d'autres jeux éventuellement, mais. Non. Là, tu peux pas me répondre, évidemment. Non. Ah, c'est dommage. Bon, bah c'est pas grave. Bon, et puis on aura aussi évidemment le jeu Godens, bien entendu, qu'on vous offre toute la semaine. Des PS3 et des iPads qu'on vous offre également depuis le début de la semaine. Est-ce que t'as Twitter, Laura? Non. Non, t'as rien en fait, Laura. C'est-à-dire que t'es complètement déconnecté, quoi. Non, mais j'ai essayé Adopt, ça m'a suffi, c'est pour ça. Mais c'est pas pareil, hein. Twitter, tu peux communiquer. Adopt un mec, c'est que pour se faire draguer. Hein. Bon, ouais, bah, c'est pas grave. Tellement lourd. Bah oui, non, c'est vrai que tu peux tomber sur des mecs lourds. Hein. Bon, pour ceux qui ont Twitter, il y a le top tweetos aussi ce soir à 2h du mat. On fera l'élection des 5 auditeurs les plus influents avec le hashtag Mickaël. Donc à vous de balancer un maximum, tout simplement, un maximum de tweets. Voilà, maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et on verra quel est le meilleur auditeur de la soirée. Je vous souhaite bonne chance. Bon, on parle de quoi avec toi, dis-moi, Laura? Enfin, on parle de quoi? Je suis con, je pose la question en 10 minutes. Adopt un mec, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu es tombé sur quoi, là, comme mec relou, là? Dis-nous un petit peu plus en détail. Sur un gros pervers. Ah, dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi? Eh ben, en fait, parce que le mec s'appelait Toff. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, je voulais savoir, c'est pour être sûr. Donc, très bien, ok. En fait, il a commencé par m'envoyer une photo de sa queue au début de conversation. Oh, c'est bon, ça. Oh, le dégueulasse. Mais t'as pas donné suite, quand même, ça. C'est bon. Bah, je voulais pas donner suite, mais il m'a un peu harcelé. Du coup, je l'ai un peu cassé. Et en fait, il a pas compris que j'étais pas du tout intéressé. Ah, bah, sans déconner, mais comment... Je me demande dans la tête d'un mec, tu sais, quand il est sur, tu sais, même les pervers, hein, à quel moment le mec, il envoie une photo de lui à poil, bah, sauf si tu ressembles à, je sais pas moi, tu sais, à des vedettes, là, tu sais, l'autre, là, comment il s'appelle, Cristiano Ronaldo, Gérard Piqué, tu sais, le mari de Shakira. Voilà, tu sais, quand le mec, il est bien bâti, plein de chocolat, ok, sauf que ces mecs-là, ils vont pas sur Adopt un mec, mais, tu sais, quand tu ressembles à pas grand chose, ou, tu sais, t'envoies une photo de ta teub, mais à quel moment le mec se dit, avec ça, elle va craquer. Mais oui. Encore un mec, parce que les mecs sont un peu cons. Ils reçoivent une photo de meuf avec une paire de seins. Voilà, si la meuf elle est même pas terrible, c'est pas grave, les mecs ils vont quand même. Mais les meufs c'est plus dans le détail, je pense, non? Bah ouais, mais enfin là, c'était un peu lourd quoi. Ah mais sans déconner, évidemment. Ça, c'est des films porno ça. Mais à force d'avoir vu tout n'importe quoi, les mecs. Peut-être. Peut-être. Et alors un truc qui m'a choqué également, j'ai appris ça avec le doc, c'est que la majorité dans les films porno, c'est des mecs quand ils font des éjaculations. En fait, c'est évidemment pas ça, parce que c'est-à-dire qu'à un moment t'as l'impression que c'est les chutes du Niagara. En fait non, c'est du lait concentré sucré. Oh merde. Bah oui. Vous comprenez pourquoi les filles elles aiment bien, hein, et que quand vous faites ça en vrai, elles sont pas très fans. Bah oui, forcément c'est pas la même chose. Alors oui, évidemment. Il y a plein de techniques, il y a plein d'escroqueries. Ah mais franchement, je savais pas du tout. Donc je me suis couché moins con comme ça. Des escrocs, ardeurs. Ouais, je me suis couché moins du coup. Bon Laurent, on va parler avec toi dans un instant là de tout ça. Dites-nous si vous avez déjà fait des rencontres sur des sites internet. Ça peut être Facebook, ça peut être des sites de rencard hein, comme Adopt un mec ou d'autres. Comment ça s'est passé, les trucs les plus glauques, les trucs les plus improbables qui vous est arrivé, que ce soit pour les garçons ou pour les filles évidemment. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Laura, tu restes avec nous? Oui, oui. Bouge pas de là. On a Willy avec nous également maintenant là. Bonsoir Willy. Bonsoir. Bonsoir Willy, comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va plutôt bien, Willy. Tu nous appelles toi pour la colle? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti pour la colle alors, on y va. La colle ce soir, je vous rappelle qu'elle va vous permettre de repartir soit avec votre PS3, soit avec votre iPad. Et en plus de ça, avec le jeu Godens qu'on vous offre toute la semaine et qui est sorti lundi d'ailleurs chez Sega. Si vous voulez le gagner, il suffit de répondre à la colle que Willy va raconter, plutôt exposer maintenant. On t'écoute. Donc, il y a 3 poissons dans un seau. Il y a 3 poissons dans un seau, oui. Ouais. Les 2 meurent, combien en reste-t-il? Donc il y a 3 poissons dans un seau, l'un meurt, combien en reste-t-il? C'est ça? Voilà, c'est bien ça. Très bien. Bon, parfait. Donc si vous avez la bonne réponse, il y a 3 poissons dans un seau, il y en a un qui crève en fait, et combien est-ce qu'il en reste? C'est ça? Oui. Bon, très bien. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Si vous voulez gagner votre PlayStation 3 ou votre iPad, c'est vous qui choisissez. Et le jeu Godens, à vous de jouer maintenant. Vous inscrivez dès maintenant. Hein. Vous envoyez Mickaël par SMS au 64 900 ou Mickaël par SMS au 63 22 pour la Belgique. Je répète, il y a 3 poissons dans un seau. L'un meurt. Combien en reste-t-il? Voilà. Bonne chance tout le monde. C'était bien ça, Willy? C'était bien ça. Parfait. On te reprend dans quelques instants et on donnera la réponse avant minuit et demi sur Fun Radio, d'accord? Tu bouges pas? Ok, pas de soucis. Parfait, ne bouge pas de là, Willy. Je vais enlever cette musique parce qu'elle est juste insupportable. Et puis on va jouer également ce soir. Bah oui, j'ai presque oublié d'en parler là. Ce soir, évidemment, c'est mercredi. Le mercredi, c'est. Je t'emmerde. Donc si vous voulez jouer avec nous, le principe est simple. Vous vous inscrivez maintenant, vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000. Le 02 851 4x0 pour la Belgique. On jouera dans un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et donc le principe est très simple. Vous appelez des gens au hasard. Le principe. placer un maximum de je t'emmerde dans la discussion la plus normale possible. Si vous gagnez, eh bien vous repartirez avec les cadeaux, soit le t-shirt GTA, soit vous avez aussi des packs fun, soit vous avez des places pour le concert de Macklemore également. Bref, on a de quoi faire. Je pense qu'il reste même un iPod nano en stock. Donc vous voulez jouer 01 42 48 5000. Je vous souhaite bonne chance. On avait promis le son de Gilo qui arrive dans un instant. Et également la chanson que vous kiffez beaucoup là, vous demandez souvent avec le hashtag et Mickaël. Backermat dans un instant sur Fun Radio avec Van Dack. Et il y a Clara ici qui dit hum, et vive les sites de rencontres. Let's Be Freaks qui dit même sur Kik, il y a des mecs qui envoient des photos de leur beat. Et alors il y a Indissociable, apparemment c'est à nouveau, qui dit waouh, les gens sont fous, comment tu peux faire ça pédé de rire. Ah ouais, ils sont complètement barrés, je te le confirme. Allez, bonne soirée tout le monde, il est 23h12, on est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. C'est Mickaël No Limit, prenez le contrôle. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Ah ben, on va prendre le contrôle, hein. J'avais pas vu qu'il y avait pas de pub. Ouais. Bonne nouvelle, nous sommes au cœur d'une heure sans pub. Ouais. Eh ben voilà, c'est la bonne nouvelle. Alors on va se mettre directement back your mat avec Van Dack. Oui, j'ai fait une connerie, attention. Ça fait mal, hein, je m'en étais pas rendu compte comme ça. À force de les mettre à tout le monde, je me suis pas rendu compte que c'était ça. Back your mat tout de suite. On y va, allons-y. Allez, c'est parti. Exact, sur Fun Radio, soyez les bienvenus, 23h16, on est au cœur d'une heure sans pub. Plein de messages qui arrivent aussi, il y a Dédé qui la balance le lien de Sandro là pour adoptadec.com là, pour voir la tête qu'elle a mis comme photo de profil. On va le balancer le lien, t'inquiète pas. Il y a Justov qui a été validé un truc, apparemment il faut appeler, il faut mettre un code, je sais pas quoi. Donc on fait ça dans un instant. Il y a Miss Freeze aussi, Miss Freeze 33 qui dit et toi Mickaël, est-ce que tu es déjà tombé sur une scato? Non Dieu merci, mais moi j'ai jamais été sur les sites de rencontres, ça m'a toujours ça m'a jamais vraiment intéressé en fait les sites de rencontres. En fait je pars du principe, c'est con hein, mais je pars du principe qu'il y a que les gens bizarres dessus. Je sais que c'est pas vrai parce que t'as des gens bien qui au final à un moment se sont dit ouais je sors d'une c'est relation longue, le mec il m'a saoulé, bah je vais essayer. Il peut y avoir des gens bien hein, mais bon. Il y a Clem aussi qui dit jamais inscrite sur des sites comme ça et je comprends pourquoi maintenant. Et alors petit panda qui dit merci pour les autocollants que j'ai reçus ce matin, trop bien. Ah oui oui oui oui, on vous en a envoyé, il y en a plein qui sont arrivés, il y en a plus de 1000 qui sont partis. Donc bah voilà, ils sont arrivés normalement aujourd'hui. Ceux qui l'ont pas reçu, ce sera à mon avis demain. Et donc on en a encore aussi des autocollants à vous offrir. Hein. On va vous envoyer ça si vous voulez les choper. Eh bien vous pouvez envoyer un mail directement sur sandro@funradio.fr. Attention, mettez bien vos coordonnées complètes, sinon ça ne marchera pas bien sûr. Il y a Henri qui dit là, il faut mettre du Linkin Park. Ah oui, je vous l'ai mis le nouveau Linkin Park aussi, c'est avant-hier. Linkin Park avec A Light That Never Come, avec Steve Aoki aussi évidemment. Linkin Park en duo avec featuring avec Steve Aoki. On se le mettra tout à l'heure Henri si tu veux, pas de problème. Il y a Soussou qui dit salut la famille. Eh bah salut à toi Soussou. Gomar aussi qui dit bonsoir Mickaël, Toff, Sandro, Polo et toute l'équipe. Bravo bonsoir. Tu gères Polo, c'est Henri. Clara qui dit bah bravo Polo là. Clem qui dit Polo ça passe moyen. Ça c'était par rapport au plan drague de Polo là tout à l'heure quand on était au resto. Dramatique avec Polo pendant qu'on les déjeunait ce midi. Et Mister Steven qui dit ça y est, c'est l'heure de Mickaël No Limit pour me remonter le moral. Bah, bienvenue tout le monde, en tout cas si vous venez de débarquer. Je vous rappelle que si vous venez me faire un petit follow sur le Twitter de l'émission ou sur l'Instagram de l'émission, vous tapez simplement Mickaël officiel pour me retrouver. Et si vous me faites un follow, eh bien je vous ferai un follow également à mon tour avec grand plaisir. Voilà, passez le message twitter.com, vous tapez Mickaël officiel ou sur Instagram, là aussi Mickaël officiel, vous me faites un follow et je vous followerai avec plaisir. Il y a Dams qui dit les sites de rencontres ne servent à rien, on tombe que sur des faux plans. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a dit est-ce que vous êtes déjà tombé sur des cas un peu bizarres, mais à côté de ça, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des trucs super hein. C'est possible, vous avez peut-être rencontré l'amour de votre vie, je sais pas moi, n'hésitez pas évidemment à venir nous le dire. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Laura qui est toujours avec nous d'Épinal. Oui, toujours. Voilà, oui. Donc c'est toi qui avais donc fait une rencontre avec le mec qui a montré sa bite, qui t'a envoyé sa bite par mail, l'horreur quoi. T'imagines, tu reçois ça. Moi j'avais reçu une fois, c'était il y a longtemps, mais c'était pas sur un site de rencontre, hein, c'était une auditrice en fait à la radio, il y a déjà bon, il y a 7 ans, je crois, un truc comme ça. Mm-hmm. Et en fait la meuf, elle m'avait envoyé une photo d'elle, deux photos même, que j'ai gardé en fait, parce que c'était tellement horrible, je les ai gardées parce que parfois je la montre à des gens qui me croient pas qu'il y a des messages parfois bizarres qui arrivent. La meuf, elle avait posé nue mais en mode sexy, sauf qu'elle ressemblait vraiment à rien, elle ressemblait à un sac à patates. Et donc en fait elle était sur son lit, elle était nue en fait hein, elle avait juste un string et seins nus, tout le bordel, mais elle était juste immonde. C'est méchant je sais, mais ouais, vraiment elle était pas belle quoi, vraiment pas belle. C'était horrible, c'était horrible. Et ça m'a choqué. Oh la violence. Mais elle était pas belle, elle était pas belle. Mais quand t'as un problème physique, te mets pas nu comme ça, avec tout qui déborde, tu t'arranges. Il y a des filles qui ou des mecs qui sont parfois un peu gros, s'ils s'arrangent, ils peuvent être bien, c'est pas le problème. Mais elle était quand même très très dure, quoi. Tu vois, Laura, donc j'ai pas reçu une bite, mais c'est dans le même esprit quand même. Hein. C'est vrai, dans le même esprit. Il y a Caroline également avec nous là. Bonsoir Caro. Bonsoir. Comment ça va, Valenciennes? Ça va très bien, et vous? Bon, écoute, nous on va plutôt bien aussi, hein. On est tranquille, à 23h20, au cœur d'une heure sans pub. On est là jusqu'à 2h, pépère, quoi. T'écoutes depuis longtemps, Caroline? Depuis quelques semaines. C'est pas, sois la bienvenue, Caroline. Merci. Voilà, sois la bienvenue sur Fun. Bon, alors, il y a Dams qui dit, il follow que les filles par derrière. Oui, parce que les mecs, je les follow, mais pas par derrière, quoi. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, Caroline, toi, t'as Twitter, toi, ou pas? Non, j'ai que Facebook. Ah, et t'as déjà fait un like sur la page, évidemment, Caroline. Bien sûr, évidemment. J'ai même reçu les autocollants. Ah, classe. Voilà, tu vois. Très bien, voilà, ils sont beaux. D'ailleurs, merci à Lilou, hein. Bah écoute, de rien, y a pas de problème. Lilou est pas là, elle est malade, là, mais pas de problème. Il y a un message de Dimitri qui dit, vous balancez aussi les autocollants en Suisse. Bah oui, pourquoi pas, oui, il suffit simplement que tu laisses ton adresse. C'est aussi simple que ça. Bon, alors Caroline, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, comme histoire? Moi, c'est un peu comme Laura, mais à part que c'est involontaire. Ouais. J'ai mis une annonce sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, mais c'est un truc de... Tu vends des meubles? Non, en fait, c'est une annonce pour chercher des petits jobs en plus de mon travail. Ouais. Et en fait, j'ai que des fous qui m'envoient des messages, des trucs vraiment bizarres. Mais alors, c'est-à-dire si on peut se voir... Je te lèche le corps de bas en haut. La grande classe. C'est vraiment que ça. Alors au début je répondais non merci, vous êtes gentil. Ouais. Et au bout d'un moment, bon bah je me suis dit bah arrêtez de répondre, et quand je réponds pas, bah des fois ils renvoient. Toi tu continues là du. Ah merde, un truc de fou. Il y a vraiment des fous en fait sur internet. Hein. Et le pire c'est que c'est une annonce pour garder des enfants. Ah oui, c'est pas mal ça. Attends, c'est une annonce pour garder les enfants et le mec il te répond oui, je vais te lécher le corps. Oui. Ça va être bien. Oui, c'est un bon candidat, je vais le prendre pour garder mes enfants. Ouais, exactement. Ouais. Très très bon plan, effectivement. Ouais, c'est ça. Non mais donc, c'est dégueulasse. Bon, on a bien compris que l'annonce était en pipeau, évidemment. Bah ouais, bien sûr. Exactement. Voilà, d'ailleurs un petit coup de pipeau là, histoire de... Eh parfait. Bon, et donc du coup, tu l'as quand même eu au téléphone ou jamais? Il y en a plusieurs en fait, donc au début je répondais, je disais bah non, vous êtes gentil mais ça m'intéresse pas. Ouais. Et là il y a deux jours, il y en a un qui me renvoie l'histoire du je te lèche le corps de bas en haut, j'ai pas répondu. Sans déconner, c'est dommage, t'aurais dû. Ouais. Mais bon, j'ai pas répondu, il me renvoie un message le soir et tout, je peux beaucoup te payer, j'ai pas mis de photos, j'ai rien mis, alors je sais pas, il y a vraiment des gens qui sont en manque de sexe, qui devraient utiliser leurs mains, hein. Ouais, mais moi je voudrais me faire une idée quand même. Donc combien mesures-tu, Caroline? De quoi? Combien mesures-tu? 1m65. Combien pèses-tu? Je pèse 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85B. D comme Denise? Non, B comme bonbon. Ah oui, comme bonbon. C'est on est un peu déçus, mais bon. Ah, tout ce qui est petit est mignon. C'est vrai. Oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Voilà, c'est un petit compliment, Caroline. J'espère que tu l'as pris comme tel. Hein. On va te lécher le corps. Ouais, ouais. Bien sûr. Oui, moi aussi, attends. Je veux te lécher le corps. Ah, oui, je vais te lécher entièrement. Bah non, mais je pourrais très bien être un garçon ou. Ouais, mais là, t'as pas une voix de garçon pour le coup. Hein. Non, je suis une vraie fille. Voilà, tu vois, tu viens de nous rassurer là. Ouais. Et donc du coup je veux bien te lécher avec plaisir. Bien sûr, tout à fait. Bon, et donc du coup c'est la seule expérience que t'as faite sur un site de rencontre, hein? Non, bah non, j'étais sur Adopt il y a quelques années. Ah, et alors, il s'est passé quoi sur Adopt? J'ai rencontré des très bonnes personnes, mon meilleur ami, par exemple. Ouais, des fois ça arrive, hein. C'est bien la peine d'aller sur Adopt un mec pour avoir un ami, ouais, c'est ça. Ouais, adoptunami.com. Non, sinon j'ai rencontré d'autres personnes, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Mais t'es pas tombé sur des psychos quand même, si? Si, mais bon, je le cherchais aussi. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, vas-y, explique. Bah, à l'époque, je laissais entendre que c'était rien de sérieux, etc. Ouais. Et puis bon, bah, les mecs, forcément, hein, ils disent, bon, si c'est rien de sérieux, on peut en jouer, on peut lui envoyer des petites photos. Et il est retombé sur les psychos. Voilà. et elle est retombée sur des psychos. Très bien. Bon, et dis-moi pour un truc, on va en parler encore. Il y a Mickaël aussi dans un instant d'Orléans là qui voulait réagir par rapport au site de rencontre. Et je viens de voir qu'en Russie, il y a les femmes. Dis-moi, Laurent, on sait jamais. Hein, il y a les femmes qui pouvaient suivre des cours pour apprendre. À votre avis, c'est barré, hein. C'est barré. Je vous le dis directement. À draguer. À draguer. Non, mauvaise réponse. Laura, une idée? Aucune idée. Aucune idée. Eh bien, à faire des bonnes fellations. Eh ouais. Alors, est-ce que vous iriez justement suivre des cours pour faire des meilleures pipes ou des meilleurs cunis, par exemple? Ah ben, il paraît que ça rapproche, hein. Bah, il paraît aussi, ça, hein, t'as vu, hein. Ça, donc, ça fidélise le couple. Voilà, donc toi, tu suivrais éventuellement, quoi? Non, pas besoin de ça, moi, ça va. D'accord, ok, très bien. Non, non, mais après, c'est parce que Toff éventuellement se proposait. Grave, moi, je peux. Voilà. Je vais créer ma propre école de fellation, la Pip School. Exactement. Bah, d'ailleurs, je propose qu'on appelle des gens pour leur proposer tes services. Mais évidemment. Voilà, ça arrondira les fins de mois. En tant que spécialiste de la pipe. Parfait. Je pense que je peux donner de très très bons cours. Bon, donc on va appeler des numéros dans un instant, des gens au hasard. Si vous avez des numéros à nous donner, n'hésitez pas. Hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Des gens debout encore à cette heure-ci de préférence, on appellera d'ici un petit quart d'heure. Bon, Caroline, reste avec nous. Laura, tu ne bouges pas non plus? Non, non, ok. Bon, parfait. On va reparler avec vous dans quelques instants. Et puis, on va aussi se faire le jeu du je t'emmerde, là, dans quelques minutes, là. Le jeu du je t'emmerde, comme tous les mercredis soirs sur Fun Radio. Je t'emmerde. Ouais. Je t'emmerde. Ouais. Je t'emmerde. Ouais. Et pour jouer avec nous, il y a Fred et Cindy. Bonsoir. Salut à tous, ça va? Ça va et vous? Ouais, nickel. Tranquille. Bon, alors, Cindy, on va commencer par la fille, c'est normal. 27 ans d'Avignon. C'est ça. Et on va jouer au je t'emmerde, Cindy. Tu vas jouer face à Fred, 23 ans de Villeurbanne, dans le 69, tout près de Lyon. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et Cindy, Fred, est-ce que vous connaissez le principe? On m'a expliqué, ouais. On t'a expliqué, je vais quand même le refaire au cas où, hein. Donc le principe est très simple, on va donc appeler des gens au hasard. Ok? D'accord. Donc vous appelez des gens au hasard. Le but, évidemment, bon, chacun à votre tour, vous avez droit à deux essais chacun. Et le but, c'est de placer un maximum de je t'emmerde. Ok? Okay. Celui qui arrive à en placer un maximum avant que la personne en face ne raccroche repartira avec les cadeaux, ok? Ok, ça marche. Parfait, je pense que c'est bien enregistré, magnifique. On va jouer dans un instant, Fred et Cindy. Laura, t'as vu, je t'ai pas oublié, on va se mettre Jennifer Lopez maintenant. Je n'ai qu'une parole, cool. Comme tu peux le remarquer. On va faire ça maintenant, donc bougez pas tout le monde. Fred, Cindy, vous bougez pas, on va jouer au je t'emmerde dans un instant. On va revenir avec Willy pour la colle, Caroline et Laura aussi par rapport au site de rencontre. Et puis des messages qui arrivent aussi là sur le Twitter. Il y a Clem qui dit des cours de fellation en Russie. Ok, eh ben ouais. Apparemment, hein, il y a qu'en Russie qu'on fait ça. Et puis maintenant ici, évidemment, il y a Petit Panda qui dit, moi sur Badou, je suis resté avec le mec pendant 7 mois. Mickaël qui dit, peux-tu donner un gros coup de lance-flamme à Toff? Avec plaisir. Dans sa sale gueule de merde. Dans sa sale gueule de con. On m'avait manqué. Voilà, et même un coup de pelle. Allez, j'ai vu un message passer tout à l'heure, je sais plus où il est là, mais quelqu'un avait demandé un coup de pelle. Désolé, j'ai plus ton nom, mais en tout cas, voilà, c'est fait. Et Azumi aussi qui dit sur Facebook, moi je draguais sur Badou, je me suis fait escroquer. Pendant 8 mois, le mec m'a volé mon PC portable, mon téléphone, il a disparu du jour au lendemain en faisant croire qu'il a eu un accident de voiture et qu'il en est mort. Je vois le mec, ouais, j'ai eu un accident de voiture, en fait, je suis mort. Mais non, mais tu me parles. Je suis décédé. Et Britannique qui dit, sont super les stickers, merci, ils sont magnifiques. Ah bah voilà, ils sont arrivés, tant mieux. Allez, ne bougez pas de là, promis, Jennifer Lopez et Pitbull, c'est maintenant sur Fun Radio. Et juste après, on jouera au jeu du je t'emmerde sur Fun Radio. Ça c'était Backer, on m'attendait déjà mis. Gilo maintenant, Pitbull sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est au cœur d'une heure sans pub. Et c'est le son de Gilo, c'est Mickaël No Limit. On est en direct avec vous jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Hi Jenny, c'est Fun Radio et Gio à l'instant sur Fun. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Et allez voir sur le Facebook également, je vous ai mis une photo et une vidéo cet après-midi. Je vous ai mis une photo, j'ai mis deux photos et une vidéo pour être précis. Déjà, on a eu la chance avec Polo, on était sur les champs en arrivant à la radio parce que c'est pas loin des champs. Et on tombe sur une meuf, on était au feu rouge, et on tombe sur une meuf dans la bande de l'autre côté, qui est dans le sens inverse de nous, qui était en tenue de boulot en fait. Mais comme il pleuvait, elle avait, tu sais, elle était sur un scooter. Enfin, un scooter, hein, pas le même que celui de Toff, hein, je vous rassure directement, le truc il n'était pas comme ça. Non, il était beaucoup plus pourri le sien. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est le scooter. C'est ça. Et la meuf, elle a sorti sa jambe, on voyait vraiment une putain de jambe et tout, super bon. Bien. Sur le scooter, là j'ai envie de dire, ok, ça c'est la classe, donc allez voir. J'ai mis aussi une autre photo, il y a des auditeurs qui n'ont pas compris. C'est un bébé, un enfant, il a de 3 ans je crois, il est avec sa mère dans un champ, c'est beau, c'est magnifique. Et puis il y a une petite bulle où t'as la mère qui dit, et dire que j'ai failli t'avaler. Et il y en a qui n'ont pas compris le délire. C'est normal, c'est fait. Bah ouais, attends, on va demander à Reda qui est venu. Alors Reda, souvenez-vous, c'était celui qui est passé hier soir dans l'émission, qui était là pour draguer Sandro. Alors, ça va Reda? Ça va et vous? Bon, ça va, tranquille, parle bien devant le micro, Reda, comme okay, ça on entend bien. Voilà, parfait. T'as vu la photo que j'ai mise là ou t'as pas du tout, j'ai pas regardé, désolé. Ah, bravo. Désolé. Bah, écoute, désolé. Tout ce que tu mérites, c'est ça. Dans ta gueule, Reda. Dans ta gueule, Reda. Tout ce que tu mérites. C'est tout ce que tu mérites. Bon, allez voir. Et j'ai aussi mis une belle petite vidéo qui est très, très courte. Une meuf qui s'essaye au pool dance. Malheureusement, le bricoleur a été très mauvais bricoleur au niveau de la barre. Donc, allez voir. C'est sur le Facebook. Tout ça, facebook.com/MickaëlOfficiel. Pareil, si vous voulez gagner vos jeux GTA 5 sur PS3 et Xbox. Et pareil, si vous voulez gagner vos t-shirts, les t-shirts Los Santos, les t-shirts GTA officiels qui sont là. Et Reda pourra confirmer, puisqu'il y a un auditeur qui dit ouais, en fait, vous avez rien à offrir, le t-shirt est bien sur Toff et on en a d'autres. Ils sont un là. Mytho. Voilà, c'est ça. Comment ça, un mytho? Non, on les a. Ouais, lui, c'est un mytho. Ah, ouais, d'accord, ok. Je me dis, il est con ou quoi? Ils sont sous son nez, le t-shirt. Bon, donc voilà. Et Clem qui dit aussi, elle est jolie d'ailleurs, la demoiselle, sur son scooter. Ouais. Ah, écoute, on n'a pas vu sa tête malheureusement, mais en tout cas, le reste était. Elle avait belles jambes. Ah, bah le reste suivait bien, effectivement. C'est le principal. Ouais. Ah, bah ouais, je te confirme, effectivement. Ouais, parce qu'à quatre pattes, tu vois pas la tête, de toute façon. Ouais, aussi. Ah bah, merci, Toff. Un coup de lance-flamme dans la gueule de Toff. Ça, sale gueule, ouais. Allez. Voilà, c'est tout ce que tu mérites là, encore un peu une fois. Dégueulasse sur le côté ah droit. Oui, merde, attends. Voilà. Voilà, ça va. Parfait, voilà. Là comme ça je pense qu'on est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais, je pense qu'on est bien. Bon, Reda, on fera la présentation avec Sandro dans un instant. Ah, j'espère. Bah, je que ça, t'es pas fait pour rien, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis Reda, je rappelle également qu'on a inscrit Sandro sur adoptamec.com. Et nous avons déjà 4 produits à tester. 4 produits. Ah, 4 hommes. Oui, vous êtes des produits. Mais j'appelle hein. Ça produit à tester. D'accord. C'est quoi il y a une adresse, il y a un pseudo, c'est comment on la retrouve, Sandro? Je sais pas s'il y a un truc pour la retrouver, mais tu cherches Sandro. De toute façon, tu peux pas te tromper, j'ai bien expliqué que c'était elle. Donc, ah, d'accord, ok. Bon, voilà, vous y allez. Vous y allez, Sandro, grosse chaudasse animatrice radio. Non, attends. Attends, où est-ce qu'il est, ma page? Voilà, hein, ils vont voir, voir. Voilà, c'est la description. Alors, Fred et Cindy, vous avez déjà fait Adopt un mec? Oh, t'as déconné, je vais passer pour. Ah, oui. Ah, Cindy a déjà fait, très bien. Il a écrit, je suis la. Salut, je suis la belle gosse de l'émission. Oui, visiblement, les mignons sont pas d'accord, mais bon. Mais t'as pas bien regardé parce qu'il y a la deuxième partie de la présentation. C'est quoi? C'est quoi? Oh non, putain! Y'a quoi? Bah, je cherche un mec, je suis grave en chien. Alors manifestez-vous. Parfait. Je suis ouverte à toutes les propositions les plus cochonnes. T'as déconné? Très bien. Mais c'est ta famille, parce que j'ai un cousin qui est là-dedans. Bah, il sera content de savoir qu'il a une cousine chaudasse. Bon, Cindy, toi t'as fait un date à mec, ça s'est passé comment? Oh, on a bien rigolé. Ah, donc rien de concret, quoi. Oh, rien de concret, mais c'est juste pour s'amuser, en fait. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Bon, on va en parler dans un instant avec Laura également, avec Mickaël qui voulait donner son avis. On va le prendre dans quelques instants. Et puis, évidemment, avec tous les messages, il y a Frenchy47 qui dit « Ah, de retour, Reda. » Ouais, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, il n'était pas à l'antenne. Et comme il était en chien, un peu comme Sandro sur Adopte un mec, il a essayé de pécho et bah elle a proposé que tu viennes ce soir. On verra, la soirée n'est pas finie encore. La soirée n'est pas finie. La soirée à l'usure, n'est pas finie. Hein. Ouais, exactement. Et en plus, bonne nouvelle, Sandro, Reda et Barman. Ah, je vais picoler toute la nuit. D'accord. Alors, ça peut être un bon plan. Alors, ça va. Bon, allez, on va jouer au Je t'emmerde maintenant sur Fun. C'est parti. Je t'emmerde. Yeah. Je t'emmerde. Ouais. Je t'emmerde. Exactement. Bon, alors, Fred et Cindy, on va jouer maintenant. Vous allez vous affronter, vous deux. Le principe, arriver à placer un maximum de Je t'emmerde dans une conversation normal, d'accord? Donc si quelqu'un décroche, okay. Pas dire je t'emmerde, ça ne marchera pas. Il faut avoir une vraie conversation, ok? Ok, ça marche. Bon, on y va, qui veut commencer? Non. Bon, allez, pile ou face, Cindy, tu prends quoi? Face. Face, bah forcément. Allez, c'est parti, je lance la pièce. Elle est lancée. Eh ben c'est pile. Ah. Alors c'est qui avait choisi pile? C'est moi. Ah bah très bien. Eh ben voilà Fred, c'est toi qui passe sur le billard en premier. On y va, on appelle le premier, donc t'as bien compris le principe hein? Ouais ouais. Non, donc, je pose la question. Ouais. Tu dis? Ouais, c'est un monsieur ou une dame déjà. Ah je sais pas, on appelle au hasard, je ne sais pas du tout. D'accord. Qui ça va être. Okay. Donc voilà, ben, un vieux, un jeune, un j'en sais rien. On y va. C'est quelqu'un pour toi. Okay. Ouais, c'est quelqu'un pour toi. On y va, c'est parti, on appelle le premier. Bonne chance Fred. Un maximum de je t'emmerde, le record okay, était de je ne sais plus combien, mais c'est pas grave. Beaucoup. Oui, c'était beaucoup, mais c'est pas ça, c'est pas ce record-là à battre. Hein. Sinon pour le sport quoi, mais. Allô. Allô, bonjour monsieur. Oui. Oui, donc vous avez été sélectionné pour le jeu Une famille je t'emmerde. Pardon? Donc c'est une émission La famille je t'emmerde, vous connaissez? Vas-y, répète-moi. J'ai pas la compris. La famille, je t'emmerde, c'est le nom de l'émission qui vient de sortir. Est-ce que vous connaissez? Ouais. Et ta mère, donc, tu vas l'emmerder, ta mère. Mais non, c'est ta mère qui va m'emmerder d'abord. Petit con, moi. Tu as que ça à foutre. Mais non, c'est la famille, je t'emmerde. T'as que ça à foutre, petit con. Mais non, j'ai pas que ça à foutre. C'est juste qu'au bout du compte, en plus, tu peux gagner 1 million de je t'emmerde par jour. Ouais. Bah ouais. T'es un rigolo, toi. Bah non, je suis pas un rigolo, je te dis que tu peux passer à la télé et devenir une star en disant juste je t'emmerde. Ouais. C'est de la chance, c'est de la chance. Ouais. Qu'est-ce que t'as à perdre avec le mot je t'emmerde? C'est bon, tu as fini? Tu t'es amusé? Bah non, j'ai pas fini parce que du coup, après, faut que je te donne l'adresse pour que t'ailles au casting. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, il y a un casting qui est prévu demain pour la famille je t'emmerde, les meilleurs qui sont élus demain. Bon. Mais c'est toi qui vas gagner, hein, parce que la famille je t'emmerde, c'est toi le boss. Hein. Ah bah non, parce que c'est vous qui avez été sélectionné, c'est moi qui ai fait les sélections, monsieur. Donc c'est moi qui vous emmerde d'abord. Ouais, bah c'est tout ce que t'as à faire. Bah non, parce que justement, vous avez 1 million de gens, je vous emmerde tous les jours à gagner. Donc qu'est-ce que vous avez à perdre? En plus, vous passez à la télévision. Ah ça y est, hop là, wow. pas mal. Ah t'as bien joué Fred, hein. J'avais préparé, hein. Ah ouais, mais là, non, mais c'est bien. Cindy. Donc y a, oui. J'ai un problème pour le comptage. Quoi? Est-ce que le je t'emmerde du mec, il compte pour un en plus? Ah non. Ah non. Ah non, il n'y a que les je t'emmerde. J'ai à le toi. Règlement ici présent, voilà. Et le règlement stipule que ça ne compte pas. Exactement. D'ailleurs, et de toute façon, si jamais tu chipotes, dans une ta claque. Gueule. Bon, on y va. Ça fait 9 alors. Cindy, à toi, on appelle quelqu'un d'autre. Il y en a 9 à battre, ok? C'est bon. Allez, après, et après, on fera un rappel, de toute façon, hein, pour essayer de faire mieux, on sait jamais. Vas-y, Cindy, bonne chance, honneur aux filles. Hein, représente les filles ce soir, Cindy. Hein. Compte sur toi. Allez. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ouais, ben, je t'appelle parce que voilà, tu m'as dit au téléphone, je t'emmerde. Donc, tu m'as laissé un message et tu m'as dit, je t'emmerde au téléphone. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi tu m'emmerdes. Non. Bah, attends, écoute, ton message, ça stipulait bien que tu me disais, je t'emmerde au téléphone, quoi. Donc, non. Je voulais savoir pourquoi tu me disais ça. Non. Parce que moi aussi, je t'emmerde, quoi, du coup. Non. Bah si, tu m'as laissé un message tout à l'heure. Tu m'as dit, écoute, avec tout ce que tu m'as fait, je t'emmerde. Ah, ouais. Donc, allez. Alors, c'est qui, ça, madame? Pourquoi? Ah, 7. Madame, s'il vous plaît, vous êtes qui, là? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'aimerais bien savoir pourquoi tu m'as laissé ce message. Non, c'est pas nous. J'ai pas compris pourquoi tu m'as dit, je t'emmerde. Allô? Oui, donc dis-moi pourquoi tu m'as dit je t'emmerde, quoi. Égalité. Vous êtes qui, là? Bah, c'est moi, c'est celle que t'as appelée tout à l'heure. Non, c'est pas nous, vous êtes trompée, madame. Ben non, j'ai fait 5 sur mon téléphone. Ah, non, il est parti. Oh, on est à combien? On est à combien? Oh, c'est pas vrai, 9-9. Eh, hey, Fred. Oh non. Fred, si, c'est pas grave, vous avez droit à 2 appels chacun, on remet le couvert dans un instant, d'accord? Allez, bougez pas de là. Je vous cale aussi Fédé Legrand dans un instant sur Fun Radio. La bonne soirée. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Arrête de me faire chier. Mickaël nos limites, 23h, 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, la bienvenue si vous venez de débarquer, 01 42 48 5000, on est en direct dans toute la France comme tous les soirs de 23h à 2h du mat. Et ce soir, attention, j'ai évidemment le jeu GTA 5 à vous offrir sur PS3 et sur Xbox 360. Et en plus de ça, on exclut, je vous offre aussi le t-shirt qui va avec. Et même si vous gagnez pas le jeu, vous pouvez choper le t-shirt également. Le t-shirt officiel Los Santos de GTA, hein, tout simplement, t-shirt officiel. Vous allez pouvoir le gagner si vous allez maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/ et Mickaël officiel, faites un like sur la photo où on est avec les t-shirts ou simplement la photo où il y a les jeux. Et si vous êtes tiré au sort d'ici quelques minutes, on va appeler quelqu'un pour offrir le t-shirt et les jeux là. Si vous êtes tiré au sort, et bien vous repartirez donc avec le t-shirt Los Santos GTA 5. Je vous souhaite bonne chance. 23h46, retour dans un instant avec le jeu du je t'emmerde. On va reprendre Laura aussi pour parler des rencontres et des sites de rencontres. Et puis on aura bien sûr les appels pour voir si Toff éventuellement peut donner des cours de pipe. Exactement. On fait ça dans un instant. Après le son de Fédé Legrand sur Fun Radio, c'est No Good et c'est la nuit sans pub jusqu'à l'arrivée de Bruno dans la radio demain matin. C'est Fun Radio avec la reprise de Prodigy à l'instant. C'était Fédé Legrand sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde. Mickaël. Limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et vous balancez toujours vos messages, bien entendu. Si vous voulez venir discuter avec nous, vous êtes les bienvenus. Prenez le contrôle de la radio. On vous le propose, donc vous auriez tort de vous en priver, évidemment. Il y a le Twitter qui fonctionne également, avec du monde aussi sur le Twitter. Là, il y a Florian qui dit « Tof va donner des cours de pipe à des particuliers ». Intéressant. Oui, on fait ça dans un instant, Florian, sur le Twitter. Il y a Frenchy qui dit « Comment avoir des stickers ?» Il faut envoyer vos coordonnées complètes sur le mail de Sandro, sandro@funradio.fr. Si vous voulez... Non, non, on dit pas ça, parce qu'après on envoie vraiment deux, c'est une galère. Donc sandro@funradio.fr, vous laissez vos coordonnées, sinon vous les aurez pas, avec évidemment. Avec votre nom de famille aussi, hein, juste l'adresse, on peut pas envoyer. Hein. Voilà, nom de famille, coordonnées, etc. Enzo qui dit « Ça fait plaisir, hein, je t'emmerde aussi serré ». Ah oui, là pour le coup, il est bien serré le « Je t'emmerde ». Odile qui dit « Les mecs généralement pensent qu'à une seule chose sur ce genre de site, c'est à baiser ». Effectivement. Et Jean-Benoît qui dit « J'ai déjà dragué sur Badou, mais elles répondent pas, mort de rire ». Ah ouais, après... Change de prénom, Jean-Benoît. Bah, oui, il y a peut-être de ça aussi, effectivement. Ouais. Bon, en tout cas, on en parle dans un instant. On va reprendre également Willy qui est avec nous maintenant, là. Willy pour la colle de ce soir. Allô, Willy ? Oui, tu l'as aussi. Bon, tant mieux. Alors, Willy, on va jouer ensemble maintenant pour que tu puisses peut-être repartir avec tout simplement une PS3 ou un iPad et avec, évidemment, le jeu qui va bien. C'est le jeu Godens qui est sorti depuis lundi. Voilà, chez Sega, on te l'offre ce soir. Peut-être si tu arrives à poser cette colle et que personne ne trouve la bonne réponse, ou du moins si personne ne décroche quand on appelle quelqu'un. Vas-y, on t'écoute. Donc, c'est... Il y a 3 poissons dans un seau. L'un d'eux meurt. Combien en reste-t-il ? Voilà, et donc il y a 3 poissons dans un seau. Il y en a un qui clame. Donc combien est-ce qu'il en reste ? C'est ça ? Voilà. C'est voilà. Ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez simplement « Et Mickaël » par SMS au 64 900. Ou pour la Belgique, vous envoyez pareil « Et Mickaël » et la réponse au 63 22. Je vous souhaite bonne chance. Donc je répète encore un coup, il y a 3 poissons dans un seau. L'un des 3 meurt justement. Combien est-ce qu'il en reste au final ? Voilà. Je réfléchis un tout petit peu. Vous envoyez Mickaël au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Si vous êtes tiré au sort avant minuit et demi, eh bien vous repartirez peut-être avec votre PS3 ou votre iPad. C'est vous qui choisissez la tablette ou la console. Et le jeu, évidemment, Godens, qu'on vous file d'office. Bonne chance, Willy. On te reprend d'ici un petit quart d'heure, ok ? D'accord, petit. Parfait, je t'en prie. Allez, salut Willy, à tout de suite. Bon, on va terminer le je t'emmerde là maintenant là. Hein. Je t'emmerde. Eh ouais. Je t'emmerde. Ouais. Je t'emmerde. Yeah. Bon, allez, c'est parti. On a fait un. Bah, juste avant la pub, il y avait un premier appel pour chacun. Ça a fait un 9-9. C'est quand même assez exceptionnel. Faut c'est rare. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Donc on y va. On va rappeler Fred. Honneur à toi puisque t'as commencé. Bah, ouais, hein, j'ai à toi. Commencé, hein, c'est parti. Alors attention, si tu fais moins que 9. Tu fais moins que 9. Ah non, je vais faire plus. Non mais, c'est con ce que j'allais dire. Puisque de toute façon, on prendra votre meilleur score. Donc si tu fais moins que 9, on dira que c'est 9. Si tu fais plus, on gardera ton meilleur score. Avec tous ces 9, on peut faire une omelette. Tu sors. Attends, je me chatouille sous les bras. Oh, c'est... Ouais, bah tu peux. Chatouille-moi aussi. Chatouille-moi aussi sur le bras là. Bon Fred, on y va, c'est parti. Allez, on appelle quelqu'un d'autre. Cindy, tu bouges pas de là. On en appelle un autre là. À toi de placer un maximum de je t'emmerde. Plus de 9 évidemment, puisque vous avez fait 9 et 9 chacun. On y va. Discussion évidemment la plus naturelle possible. J'espère que ça va décrocher encore. Allez. Bon, je vais en appeler un deuxième en même temps, on sait jamais. Bonjour. Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Non. C'est alors, pas vrai. C'est pas putain, vrai. Il me l'aurait pas dit là. Bon, on appelle un autre, parce qu'on est tombé sur le répondeur, c'est pas grave. Au pire, on en a encore un autre qui est calé là. Allez. Ah ben, pourquoi t'as pas parlé, Fred ? Allô ? Mais il fallait parler, là, quand tu as plus rien entendu, c'est que ça a décroché. Moi, un blanc. Bah oui, c'est blanc. Bien pour ça, donc quelqu'un qui avait décroché. Fred ! Ouais. Bon, allez. Bon, je te laisse encore une chance, je t'en appelle encore un. Bon. Le correspondant ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Enculé. Allez, on y retourne. Allez. Donc quand t'entends plus rien, c'est que tu dois y aller, Fred, tu dis allô. Ok. Allô. Allô. Vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour monsieur. Donc vous m'avez fait une commande sur le site internet jetemmerde.com. Donc du coup, ce site, c'est des fringues jetemmerde.com. C'est un logo, du coup. Et du coup, vous avez commandé des strings je t'emmerde.com pour... Hop, terminé. C'est bon. Que 3, c'est qu'est-ce pas énorme. On les rajoute au 9. Eh ouais. Bon, Cindy. On les rajoute au 9. Non, on les rajoute pas au 9, non. Cindy, à toi de faire mieux. Donc, alors, par contre, effectivement, comme c'est un cas qui n'est jamais arrivé, si jamais tu ne fais pas mieux que 9, bah à ce moment-là, on va considérer que c'est égalité, puisque normalement, on prend les deux meilleurs scores. À ce moment-là, effectivement, c'est la différence du deuxième appel qui jouera. Donc, si au deuxième appel, tu fais 2, bah ce sera Fred qui gagne. Si tu fais plus que 2, que 3, c'est toi qui gagne, Cindy, d'accord? Je t'en supplie, fais pas 3, Cindy, sinon on est dans la merde. Oh, il est méchant. C'est 2. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Bonne chance, Cindy. Comme avec Fred, hein, dès que t'entends plus de musique, t'entends plus rien, c'est que quelqu'un a décroché, donc faut y aller. Hein. Ça roule. Allez, vas-y. Allez, Cindy. Ouais, oh, t'emballe pas. Allez, ça va décrocher, là. Votre correspondance n'est pas joignable. Oh, c'est bon, là. C'est quoi cette vieille voix, là? Pas joignable, genre. On rappelle. Enfin, on en appelle un autre. Ouais, un peu, il est presque minuit, là. Bientôt l'heure des teubés. Les teubés de la télé qui arrivent dans un instant. On a encore du lourd, là, ce soir, dans 5 minutes, là. Restez là. Voire peut-être 10 minutes, hein, si ça continue comme ça. Et bon, attends, on en appelle encore un autre en même temps, on sait jamais. Oui. C'est le répondeur, vous inquiétez pas. Je me suis pas trompé de bouton. T'as la poisse, Cindy, là. Hein. Ouais. À cette heure-ci, les gens dorment, apparemment. Allô? Allô? Oui? Ouais, ça va, c'est moi. C'est qui? Bah, tu m'as laissé un message tout à l'heure sur mon téléphone, tu m'as dit je t'emmerde. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi tu m'as laissé ce message en me disant je t'emmerde. Attention, on est à 2. Parce que c'est pas très sympa de me dire je t'emmerde au téléphone, quoi. 3. Moi je suis au boulot, tu le sais, donc je me demande pourquoi tu me dis je t'emmerde, quoi. 4. Allô? Oui. C'est qui? Bah c'est moi. C'est toi, ouais, c'est toi quoi? Bah c'est moi, tu m'as laissé un message, tu m'as dit je t'emmerde. La lanterne. Tu gueulais et tout au téléphone, tu m'as dit ouais c'est pas possible, écoute voilà c'est fini, regarde, je t'emmerde. Bien. Regarde bien tes numéros de téléphone parce que tu dois te tromper là. Non je me trompe pas. Eh ben dis-moi ton nom. Ben, c'est moi, c'est Séverine. Séverine, tu parles. Comme si on connaissait des Séverines. Tu ben sais oui, pas tu m'as laissé un message. Là. Tu m'as laissé un message au début de la semaine dernière, tu m'as dit je t'emmerde. Ouais, c'est fini entre nous, je t'emmerde. Oui, allez, je t'emmerde. Moi, je t'aime, hein. J'aimerais bien savoir pourquoi tu me dis ça. Hop là. Ah ouais ouais. Alors, combien 10. Waouh. Eh, la classe, Cindy. Fred, ouais. Elle t'a atomisé, là. Elle t'a atomisé. Elle pas, là. Elle d'ailleurs, je lance le bazooka. Non, moi je lui relance un coup de flamme avec c'est un coup bon. De t'emmerde. D'accord. T'as bien joué quand même, Fred, t'as bien joué. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as bien joué. Franchement, c'est bien. Malheureusement, ça ne suffira pas et c'est bien dommage. Mais le coup des téléphones, c'est bien, les femmes, c'est facile, hein. Ah oui, oui, ah, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai que ça raccroche moins vite. Encore qu'elle est tombée sur une femme et en général, une femme avec une oui, femme, voilà. Ça marche moins bien au téléphone, hein. Non. Ah ouais. Moi, j'aurais fait la fille qui aime les femmes, c'est pas grave. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Fred. Ouais. Bah tu retournes chez ta mère les mains vides, hein. Ah bah j'y suis les... Voilà, bah c'est parfait, comme bah, ça tu vas pas pour nous. Voilà, tu dois pas faire un long chemin comme ça, c'est parfait. Et bon, un coup bah... de marteau-piqueur sur toi, hein. Tu veux un... Ah d'accord, ok, si tu veux. Il y a quelques boutons à enlever. Ah oui, c'est vrai, t'as remarqué aussi toi, putain, je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Qu'ils soient apparus hier. Attends. Attends encore un coup là, puisqu'il y a du truc à faire. Hein. Et puis un coup de lance-flamme pour les cheveux. On confine notre œuvre. Voilà, et tu disais un coup de lance-flamme, un coup de lance pour les cheveux qui dépassent. Bon, il a été chez le coiffeur, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas grand... Quoi que... Ouais, mais rasé, ça serait... Ça voilà. Un peu plus. Voilà, et ben, je lui mets un coup de pelle. Aussi dans la gueule, tiens, comme ça, c'est parfait. Voilà, c'est voilà. Parfait comme ça. Comme ça, il est vachement mieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Cindy? Il est quand même plus joli, là, non? Ah oui. Bon, allez, tu veux faire un tour sur sa mobilette, Cindy? Il te ramène? Allez, oh, une seconde. Mets ton casque. Cindy, combien mesures-tu? 1m65. Combien ouais. Pèses-tu? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Des apprécés, quoi. Comme David, comme. Comme Doudou, comme. Comme culture. Comme dingue. Comme dingue. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Comme Danone. 36. Oh là là! Attends, on va la remettre. Allez. Voilà, on va la remettre. Merde, attends, il reste coincé. On aura dit la mobilette de Toff. Eh bah écoute, moi j'ai envie de te dire, à mon avis, la Toff il va débarquer là. Oh là là, on peut faire deux tours. Mais... moi aussi je vais venir. Et il y a Raïda, l'auditeur, qui est venu aussi. Ah, du coup, il est tellement dégoûté là, Freddy s'est barré, donc c'est dommage. Bon, bah Cindy, bah bravo à toi. Et puis, mes félicitations à ton mec, si tu en as un en tout cas, parce que Toff il t'a pas posé la bonne question. Bon, on s'en fout de ça. Bah voilà. Une fois qu'on est sur scooter, il n'y a plus que nous. Ah, il est pas jaloux? En plus. Non. Alors voilà, alors c'est parfait. Alors nickel. Bon, et bah Cindy, je te fais des gros bisous. Tu vas gérer avec Sandro au standard ce qui est en stock. Il y a des places pour le concert, il y a des packs. Je crois qu'il y a encore un iPod Nano, mais sans certitude, on va vérifier. Et donc voilà, bah tu vas faire tes courses quoi. Merci beaucoup. Bah je t'en prie, avec plaisir et bravo encore. Merci Cindy, t'écoutes depuis longtemps? Tous les soirs. Mais ça répond bien à ma question, c'est parfait. Ouais. Très bien, gros bisous Cindy, à bientôt. Gros bisous, ciao ciao. Allez, ciao à toi Cindy. Bon, retour avec Willy dans un instant là pour la colle de ce soir qui va vous permettre de repartir avec le jeu Godance, la PS3 et ou l'iPad, pas vous emballer non plus. Et on va également récupérer Laura qui est avec nous, qui en début d'émission nous avait parlé du site de rencontre où elle était tombée sur un mec qui lui avait envoyé une photo de sa bite dégueulasse. Et en parlant de site de rencontre, Mickaël, t'es là? Oui, je suis là. Ça va bien? Ouais, et toi? Bon, oui, ça va très bien. T'appelles d'Orléans, toi, Mickaël, 23 ouais, ans. Ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Ouais. Je suis travailleur handicapé, en fait. D'accord. Est-ce que t'as déjà été sur adoptamec.com? Oui, une fois, mais je dois payer, en fait, pour... En fait, les garçons doivent payer, en ouais. fait. Moi, j'ai pas carte bleue. Non, j'ai pas carte bleue, c'est mon père qui gère mon argent, donc je peux... Ah, d'accord, ok. Bon, bah tant pis. Ouais, c'est vrai que pour les mecs, ils doivent douiller, ouais. Parce qu'on a inscrit Sandro, là, sur Adoptamec. Ouais. Alors, on en est où, là? Parce qu'il y a Reda, qui est l'auditeur, qui est passé nous voir. Oui. Ouais, il est passé nous voir ce soir, justement. C'est on en avait parlé hier. Liste, hein. Ouais, t'es le premier dans la liste. Mais on est quand même tombé sur deux bien lourds. Hein, ah, là, oui. Donc, j'ai Germain. J'ai Germain qui a envoyé un petit message à Sandro sur Adopte un mec. Alors accrochez-vous parce que c'est de toute poésie. Alors ouais. Sandro, la chaudière, tu veux que je te rentre ma bûche? Ah, il est bon. Oh, il est pas mal là, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Alors sinon, il y a Wiz qui lui demande s'il est dispo après le taf. Bien sûr. Et sinon, t'as dit qu'on était sur fan là? Ouais, bah oui, c'est écrit dans sa description. Ah bon, parfait, très bien. Et sinon, il y a Greg qui a bien compris. Hein. Et ici, on peut gagner GTA 5. Quel connard alors celui-là. Ah, il est pas mal, il a mis. Lui mérite au moins. Ah, il est bon. Voilà. Bon, sinon, je vais trouver un super beau gosse. Hein. Il s'appelle Arto et franchement. Il est canon? Ah, il est canon, elle peut pas passer à côté de lui. Ah, bah c'est parfait. Mais il ressemble à quoi là, grosso modo là? Fais-nous une petite description. Alors... Hey, Laura, si jamais t'es intéressé par un des mecs, tu nous dis. Hein. Nous, on te rencarde. Un beau gosse, chauve. Ouais. Ouais, ça veut rien dire, il a l'accent bien. Non, c'est pas. Allez, il est pas chauve quoi, mais il a juste la touffe devant et puis tout le reste, c'est dégarni. Ouh, ah oui, ça c'est pas non, terrible. Il est beau gosse, hein, je te montre. Ah oui, j'ai vu, ouais. Ah, voilà, oui, il est classe. Regarde comment il est beau gosse. Ouais non ça va. On dirait qu'il revient de la chasse. Non mais attends ça va, il y a pire. Attends, t'as vu ta tête? Bah ouais. Bah c'est quand même plutôt laid. Je préfère la mienne à la sienne. Ah non. Faut voir. Sandro, regarde le mec que Toff t'as trouvé, tu préfères Toff ou le mec? Non mais sois sincère. Hein, sois sincère. Il va pas. Tu préfères Toff ou le mec? Toff ou le mec? Vas-y. Bah Toff. Tu préfères Toff? Ah non. Attends, on proche du micro parce qu'on entend rien là où t'es. Toff. Ah ouais d'accord, ok. Ah, moi je trouve pas. Hein. Non mais Toff en photo aussi hein. De quoi? C'est-à-dire Toff en photo aussi. J'ai pas compris ce que tu essaies de me dire. Tu l'as en vrai, pourquoi tu le vends en photo? Parce que en photo tu passes mieux. D'accord. Ah ouais. Et Toff en photo, avec Instagram tu fais des miracles. Hein, ah ouais, avec Instagram, ouais, évidemment. Ouais. Bon, il y a DJ Bourbru qui dit adopte un Mickaël, nos limites. Ah, on devrait lancer, tiens. Il y a Fred qui dit aussi, Mickaël, je vous écoute du Québec, Canada. Maudit que vous êtes sur le fun, là, écoutez, je vous trouve meilleur que les radios de Québec. Ouais! Eh ben, c'est bien gentil. On viendra également à l'occasion, évidemment. Avec on viendra plaisir. À Québec, on fera de la radio ensemble. Il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, on viendra en Mauricie. Comment donc? Comment? Vous me faites un chien chaud. Et un breuvage. Exactement. Qu'est-ce que vous prendrez comme breuvage? C'est du Coca-Cola. Voilà, du Coca-Cola, exactement. Avec et alors, n'oubliez pas que si vous voulez prendre le service au volant, oui. Il faut évidemment aller sur le côté, hein, bien sûr, pour avoir le service au volant. Alors, il faut que je lise le message. Donc, un Canadien ? Non, le Alors, ça nous intéresse pas. Oh, c'est dommage, parce qu'il est très très lourd. Alors, vas-y, vas-y. Donc, le fameux Arto dont on parlait, il a envoyé un message à Sandro. Ouais. Vu qu'on est là pour ça, pas la peine de se mentir. J'adore les longues caresses, les longs cunis et la levrette. Oh là là, Sandro, on va pas finir seul ce soir. Bon, alors, Mickaël, c'est toi, toi, qu'est-ce que t'as à dire là par rapport au site de rencontre ? Bah, en fait, je suis sur Badou. Ouais. Sur mon, j'ai une indication sur Badou sur mon téléphone. Mmh. Et en gros, je cherche avec des filles, en fait, en gros. Et, bon, je cherche quelqu'un en ce moment, ça fait 2 ans que je suis plus en couple avec mon ex et tout. Enfin, bref, ah ouais, ça fait 2 ans que tu cherches, ouais, la chasse est pas bonne. Hein. Ah ouais. Et puis, certaines filles dorment leur skate. Moi, je fais attention, donc si j'ai trop profit, tout ça, moi, j'ai supprime, moi. Et hop, ouais, non, mais t'as raison, c'est vrai qu'il y en a plein qui mettent des faux profils, justement. Mais en général, les mecs, ils galèrent plus que les filles, évidemment. Bah, mais attends, bouge pas. Bah, Mickaël, ouais. bouge pas. Il y a Laura encore, il y a Amy également qui est avec nous, là. Bonsoir, Amy de Rouen, comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien, sois la bienvenue, Amy. On va parler avec toi des sites de rencontre, t'as déjà tenté l'affaire? Ouais. Parfait, bah alors reste là, on va faire ça dans un instant, juste le temps d'écouter le son de Davichi avec Wake Me Up. Ça te branche, Amy, ou tu préfères autre chose? Alors si tu veux, qu'est-ce que j'ai Selena Gomez avec Slow Down. Ouais, c'est mieux. Ouais, ou alors Florida Pitbull. Non, Selena Gomez. Ou alors Linkin Park avec Lie That Never Come. C'est mieux Selena Gomez. C'est mieux Selena Gomez. Ouais. Ah, tu m'as bien mis dans la merde. Attends, faut que je trouve. Alors. Attends, bouge pas. Alors, ouais, Selena Gomez. Oui, parce que là j'ai un extrait, j'ai pas le titre en entier. Alors, bougez pas. Sinon, en attendant, je voulais savoir si Sandro est intéressé par une fille. Ouais, par une fille, bah oui, certainement. Ouais, elle est pas fermée, Sandro, là. On prend tout. Parce qu'il y a Cathy qui te trouve plutôt mignonne et qui dit ne t'inquiète pas, je ne mords pas. Ah bah très bien, là, parfait. Voilà, t'as vu, tu vois, pour lui, il est déjà là pour te faire la petite chanson, ouais. Quand tu seras en repas avec lui. C'est mignon. Mais oui, c'est pas. Pour l'instant, tu préfères les mecs qu'on t'a trouvé sur Adopt un mec ou Reda qui est venu nous voir ce soir, l'auditeur d'hier soir? J'ai pas regardé tout, hein. Bah, va faire le tour, va faire le tour. C'est comme un véhicule, quand tu vas l'acheter, tu fais le tour. Va voir, installe-toi dedans, teste le volant, le cuir. Voilà, teste le moteur. Reda, voilà. C'est du cuir authentique, ça rigole pas ça. Exactement. C'est du vrai, ça, c'est du vrai, du pur sang d'arabe. Voilà, bah fais le tour du propriétaire là, dis-nous à quoi ça ressemble. Fais le tour du propriétaire là, dis-nous à quoi ça ressemble. Reda, tu peux me faire un petit défilé s'il te plaît? Oh là là. Oh. Attends, mais pas là. Mais tu marches bien et tout, hein. Bon, alors attendez. Pour ceux qui veulent aller voir, vous allez sur l'iPhone sur fanradio.fr. On va mettre les caméras comme ça, vous allez pouvoir voir. Allez-y les filles, il est pas mal. Hein. Voilà, comme vous êtes souvent nombreux et nombreuses à vouloir voir à quoi ça ressemble à l'intérieur du studio, bah, on va vous les activer 5 minutes là, le temps que Reda fasse un petit défilé de mode. Ouais, il est venu avec son garde du corps aussi, c'est ça qui est bien. Bon, alors ça marche, top. Pas beaucoup payé, hein. C'est bon. Alors voilà, funradio.fr. Vous allez sur le live et vous allez pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le son de Selena Gomez, comme ça vous avez le temps de vous brancher sur funradio.fr avec le live, et puis on va revenir juste après. D'accord, Amy? On se met Selena Gomez? Merci, c'est gentil. Eh ben, avec plaisir. Selena Gomez maintenant avec Slow Down. Et puis vous allez pouvoir voir ce qui se passe en direct ce soir sur funradio.fr. Maintenant, on va activer les caméras là quelques minutes, le temps que Dit que ça allait être censuré. Mais non, t'inquiète. Sur le web, on n'est pas censuré là, t'inquiète. Allez, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. Bienvenue, si vous venez d'arriver, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Selena Gomez sur Fun, c'était Slow Down. Et bienvenue si vous venez de débarquer là. On va se mettre tout à l'heure le son d'Avicii avec Wake Me Up, ça va débarquer. C'est You Make Me. Confronte tout, moi. On est au top. Ouais, mais t'as le droit, toi. Ouais, je sais, ouais. Ça va arriver sur Fun Radio, là. Restez bien là. Exactement. Et puis, on aura aussi tout à l'heure le son de Linkin Park, hein, nouveau que je vous ai fait découvrir. Linkin Park et Steve Aoki. Avec A Light That Never Come sur Fun Radio. Et on aime bien, nous. Et moi j'aime bien, effectivement. Ouais. Donc allez voir également, si jamais vous voulez choisir vos titres, vous tapez le hashtag et Mickaël sur le Twitter. Je vous rappelle également qu'on fera le top tweet tout à l'heure avant de partir. Avant 2h du mat, on y lira les 5 meilleurs auditeurs de l'émission, les 5 plus influents sur le Twitter en mettant le hashtag et Mickaël. Donc si vous voulez faire partie des 5 premiers, et voire même peut-être le premier, à vous de jouer. Vous mettez un maximum de hashtag et Mickaël dans vos messages. Message d'Enzo qui dit: je vous ai découvert il n'y a pas longtemps là. I love it. Merci Enzo, soit le bienvenu. Banana qui dit, je pense que vous êtes des purs cinglés. Oui, on peut voir ça comme ça. Il y a Frenchy qui dit, le mec veut pécho un jeu sur Adopte un mec. Oui, en fait, c'est Adopte un GTA qu'il voulait faire. C'est ça. Il y a Kikiria qui dit, il y a pas plus beau gosse que toi, pardon, Mickaël. Merci, Kikiria, c'est bien. Au moins, toi, tu as bon goût. Et alors, il y a Victor qui dit, tu fais tellement bien le Canadien, à chaque fois, je suis mort de rire. Je sais pas si je dois prendre ça comme un compliment, le fait que tu sois mort de rire, mais bon. Merci Victor. Clem qui dit mort de rire, l'accent canadien, vous êtes trop bon. Megumi aussi qui dit moi j'adopte Mickaël quand il veut. Merci Megumi. Mr Steven qui dit bravo Cindy, t'as bien joué là. Oui, ça c'était par rapport au jeu du je t'emmerde qu'on refera évidemment la semaine prochaine. Et puis Samuel qui dit ce serait super cool de pouvoir écouter tout en jouant en GTA 5, bis à toute l'équipe. Je me marre à fond grâce à vous. Ah ben j'imagine, ce serait très très bien effectivement Samuel. Je vous rappelle qu'il y a GTA 5 et le t-shirt qui va bien. GTA 5 avec le t-shirt Los Santos, c'est le t-shirt officiel GTA 5 qu'on vous offre ce soir sur Fun Radio pour le gagner. Rencard sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Tirage au sort dans quelques minutes sur Fun. Je l'ai dit, mais on va en faire plusieurs pour vous offrir vos t-shirts ce soir. Donc bah voilà, si vous voulez gagner, on fera un premier tirage au sort dans quelques instants. Le temps de sélectionner quelqu'un, facebook.com/MIKL officiel. Alors un petit peu de retard pour le défilé parce qu'on a un petit problème avec la caméra live. Normalement, on devrait réparer ça, on a appelé la technique, mais parce qu'en fait, vous avez le logophone, ce qui est pas super intéressant. Oui, parce qu'on voit moins bien du coup. Ouais, donc Reda, t'as le temps de réfléchir un peu à un défilé que tu vas faire pour Sandro. Parce que Reda, qui était l'auditeur qui est passé hier soir, qui voulait draguer Sandro, et donc il est venu ce soir pour essayer d'avoir une chance parmi tous les prédonnants qu'il y a sur adopteunmec.com. Ah bah ouais, il y a du monde. Bon, en attendant, Amy qui est toujours avec nous. Toujours. Bon, t'avais demandé le son de Selena Gomez, t'as kiffé? Ouais, grave. Ah, t'as vu un peu? T'as vu, t'arrives ici, tu demandes, hop là, on change tout, on bouge les meubles pour toi. C'est gentil. Mais je t'en prie, écoute avec grand plaisir. Bon, Amy, t'as entendu au début de l'émission, est tombé sur une info comme quoi les Russes, ils avaient la possibilité, les Russes filles avaient la possibilité de prendre des cours de pipe, enfin de fellation. J'ai vu ça sur Facebook il y a pas longtemps. Bah donc du coup avec Tof on s'est décidé qu'on allait appeler des gens pour voir si éventuellement ils seraient ouverts à s'inscrire dans la nouvelle école de Tof là. La Pip School. La Pip School, bien sûr. Bon, on va donc appeler. Tu penses qu'il va y arriver ou pas, toi? Tu penses qu'il va refourguer ses abonnements? Les Français sont un peu plus cons que les Russes, en fait. Écoute, on va essayer. On va appeler en Belgique, on va appeler en France, on va peut-être appeler en Suisse aussi. Si vous avez des numéros, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. On y va, on appelle, c'est parti. Le premier. Let's go. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, je voulais savoir si votre mari était content des pipes que vous lui faites. Écoutez, vous êtes un petit peu con, monsieur. Ah bah oui, t'es un petit con. En même temps, elle avait raison. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a juste eu les yeux en face des trous. On va la rappeler parce qu'elle avait l'air charmante. On y va, c'est reparti. Allez. T'es d'accord, Amy, toi, t'es un peu con. Ah oui, tu peux le dire. Ah oui. Oui, allô? Oui. Oui, bah, enfin madame, faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelle pour vous rendre service. Je vous écoute là. Oui, bonsoir monsieur. Voilà. En fait, je vous appelais pour savoir si vous étiez content des pipes que vous fait votre femme. Bah, je suis pas heureux, mais que voulez-vous, on fait ce qu'on peut. Bah, parce qu'en fait, je viens de monter la Pip School et donc peut-être que je pourrais venir lui donner des cours. Oh, c'est bon ça, je suis pas heureux mais on fait ce qu'on peut. C'était parfait. Bon, bah on en appellera d'autres hein. Si vous avez des numéros là, on peut les appeler. N'hésitez pas à vous partager tout ça évidemment. Vous appelez le standard, vous appelez Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va encore faire d'autres appels évidemment tout à l'heure. On va se faire aussi maintenant les teubés. Voilà, c'est oui. Ça, les teubés que nous allons faire maintenant sur Fun Radio. Et les teubés, sachez qu'il y a évidemment pas mal de gros dossiers en termes de teubés, puisque nous sommes tombés sur du caviar. Vous savez qu'on aime bien regarder la télé. Oui. Ben voilà, c'est ça. Et que nous sommes donc tombés sur des... Est-ce qu'on peut appeler ça des... Oui, des teubés de télé, concrètement, oui, c'est ça. C'est dans les amours, en fait. Hein. Voilà, dans les amours, en fait, on a un mec qui sait qu'il ne doit pas faire pour faire plaisir à sa femme. Alors écoutez, c'est si vous voulez rater une Saint-Valentin, vous êtes au top. Quel cadeau devez-vous éviter d'offrir à Nina? Pour moi, à mon avis, je pense qu'il vaut mieux que j'évite de lui offrir un pèse-personne. L'enculé. Bon... Tu trouves, t'apprécierais toi Amy un petit pèse-personne comme cadeau de Saint-Valentin, d'anniversaire ou quelque chose? Non, je pense que je le prendrais très mal. Ah, c'est dommage. Sinon, il y a l'île des vérités également. Là, on apprend à reconnaître des légumes. Prends des concombres. Prends des concombres. Pourquoi des concombres? Parce que c'est des courgettes. Des ah, bah oui, c'est pas pareil. Hein, concombre et courgettes, si vous voulez, ça se ressemble pas hein, en même temps. Hein. Prends des concombres, c'est des courgettes. Ouais. Et puis, chez nos amis les ch'tis à Hollywood, c'est Adixia qui nous fait un petit cours de français. Je m'en suis trompé. Coralie et moi, on est super stressés d'organiser cette soirée parce qu'on veut pas que. Ils soivent déçus de nous. Ils soivent déçus. Oui, c'est. Attends, on va le remettre. Coralie et moi, on est super stressés d'organiser cette soirée parce qu'on veut pas que. Ils soivent déçus de nous. Oui, voilà, on veut pas qu'ils soivent déçus. Le Adixia, qui du verbe soiver, effectivement. Je soive, tu soives, ils soivent. Voilà, Adixia, n'hésite pas, tu passes nous voir, évidemment, quand tu veux. Bien sûr, on t'apprendra le français avec plaisir. Oui, une petite révision. Voilà, on t'apprendra les langues. J'emmènerai mon bécherel et puis mon dictionnaire. Voilà, ça viendra ici. Ouais, bah comme par hasard, à côté de Polo. Avec plaisir, Adixia. Mais oui, bien sûr. Bon, Amy, alors avant de. Pendant qu'on répare la caméra live, là, on fait un petit tour du côté d'adoptamec.com. Oui, parce que j'ai reçu un très très bon message. Ah oui, parce que je rappelle qu'on a mis Sandro à adopter hein, sur adoptamec.com puisqu'elle est en chien là. Oui. Et donc bonjour, je me présente, Vincent, 29 ans, Paris, 1m93, yeux noirs, cheveux bruns, origine franco-égyptienne. Et j'aime bien faire la vaisselle. Mais comment vous expliquez C'est bien ça. Mais comment vous expliquez qu'à 1m93, ça fait 3 fois la taille de Sandro hein. Donc note pour la pipe, c'est parfait. Oui. C'est-à-dire que tu t'abîmeras pas les genoux, quoi. Oui, en plus, je dis oui, moi, oui. Bah, c'est ça. Bon, Amy, alors, toi, oui. tu voulais réagir, toi, par rapport aussi des sites de rencontres. C'est ça. Mais alors, je voulais juste te dire un truc avant. Dis-moi. Il y a 7 ans, je suis passée dans une autre radio où c'était toi. Oui, c'est possible, il y en a beaucoup. Et en fait, je te cherchais partout. Je me cherchais partout. Elle avait déjà détective. C'est-à-dire. Parti dans la radio et après j'arrivais plus à trouver. Ah oui, c'est normal. On va faire un site trouveunmec.com. Ouais, voilà, trouveunanimateurradio.com. Ouais. Donc très très heureuse de. Oh bah c'est gentil, Amy. Mais il y a 7 ans, t'avais 15 ans, donc c'est cela. Je me suis pas lavé depuis 7 ans, je suis sale. Et à l'époque, j'avais pas pu te faire un chiffre et les lettres. Oui, parce que t'avais 15 ans. Alors aujourd'hui, je vais me rattraper. Combien mesures-tu? Moi, 1m64. Combien pèses-tu? 78. Ah oui, quel est ton tour de poitrine? 95C. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 42. Eh ben t'aurais mieux fait de faire du sport que de nous écouter. Oh, espèce d'enculé, mais t'as vu ta tête? Quel salaud. Quel connard. Alors, Amy, tu peux l'insulter, hein. Parce que déjà, t'avais dit que c'était un bazooka. Con, mais tu peux lui dire deux fois, là, maintenant. Bazooka. Pelle. Ouais, attends. Lance flamme dans sa gueule. Amy, tu dois même pas l'insulter, je m'en occupe. Et je passe dessus avec mon paquebot. Ouais, mais en ce moment, il fait froid, donc ça tient chaud. Ah oui, ça tient. Ouais, bah oui, bah exactement, ouais. Ah, je suis pas obèse non plus, hein. Non, mais t'inquiète pas, on passe sur Toff, là. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Non, mais attends, espèce d'enculé, bah. Grave. Mais oui. Bon, Amy, en tout cas, sois la bienvenue. Contente que tu nous aies retrouvés ce soir, comme quoi tu vois, on n'était pas si loin. Donc, ouais. Tu voulais réagir par rapport au site de rencontre. C'est ça. Très bien. Eh bah, écoute, bon, on t'écoute. J'ai essayé plusieurs sites de rencontres, je n'arrivais pas à trouver en fait, et je me suis dit pourquoi pas essayer des sites libertins, ouais. Les gens sont un peu plus ouverts. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, ils sont plus ouverts. Tu les trouvais trop fermés déjà? Non, mais les gens ils sont coincés, je sais pas. Mais c'est bizarre, pour une fille, putain. Sur des sites de rencontres, moi déjà, pour moi, Badou c'est pas un site de rencontres. Pourquoi? C'est quoi alors? Pour moi c'est un chat en fait, c'est comme... Ah, c'est un chat pour toi? Ouais, pourquoi ouais, pas, ouais. Voilà. C'est enfin voilà, pour moi des sites de rencontre c'est comme Adopte un mec, Mythique ou quoi que ce soit. Et les sites libertins sont beaucoup mieux. Même si la personne ne cherche pas forcément du sexe que ça ou quoi que ce soit. Ils sont plus polis du coup ou pas parce que c'est libertin? C'est ça. Ils sont vachement polis et très respectueux. Mmh, c'est bizarre. Vraiment. Vraiment, moi ça fait... Après t'as peut-être eu de la chance hein, parce qu'il y a des y a quand même des gros pervers aussi. Hein. Ça se voit que t'es jamais tombé sur Toff, sur un site libertin. Hein. Si, ça. Y a, oui, y a mais beaucoup. Oui, mais écoute, mets-toi un 4 pattes, oui. Oui, je vais te fouetter. Oui, tu verras. Je vais te fouetter maintenant. Oh, tu ne fais rien. Mais oui, ne t'inquiète pas. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Oui. Attends, je vais prendre mon eau pétillante. Oui, voilà, exactement. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Oui. Est-ce que tu as déjà vu un monsieur tout nu, Amy? Tous les jours. Ah bah, très bien. Écoute, ça mérite d'être clair, au moins c'est bien. Et donc du coup, toi t'es jamais tombé comme sur comme Laura par exemple qui a reçu la photo d'une bite d'un mec, quoi? Non, sur des sites libertins, on réussit à faire des choses à des hommes bien dégueulasses. Ouais. Mais sinon, on m'en envoie pas, vu que c'est des cams directs, donc on voit ce qu'ils font, on leur voit de la tête aux pieds. Donc, c'est dégueulasse des fois, ça, c'est très très moche. Ouais. Il y a des papilles ou des hommes où tu leur fais faire n'importe quoi dans des bocals ou quoi que ce soit. C'est dans des bocals. C'est marrant. Ouais, ça a l'air super drôle, ouais. Ouais, ça a l'air bien classe, effectivement. Quelle horreur. Quelle horreur. Non, mais c'est vrai que les sites libertins, c'est aussi des gens qui respectent pas les autres. Donc, Ah oui, clairement, clairement. Attends, il y a Chris aussi qui est avec nous là. Bonsoir Chris de Brest, comment ça va? Ouais, salut, ça va? Bah oui, tranquille, et toi? Ouais, super, ouais. Bon, super, bienvenue à toi alors, Chris. Merci, tu voulais réagir aussi à Amy, alors à toi? Ouais, attends, je me garde deux secondes. Ah vas-y, garde-toi. T'es avec quoi? T'es avec un camion, avec une voiture, avec quoi? Ah, avec un camion, je suis au taf là, je travaille pour la SNCF. Non, avec un camion, la SNCF, d'accord, ok. Tu peux conduire les trains parce qu'ils sont toujours en retard. C'est mieux, ouais. Et klaxonne un peu pour voir. Attends, je peux pas là, je suis sorti du camion du coup. Ah merde. J'ai mes collègues dans le camion donc. Et en fait t'es contrôleur hein? Non, pas du tout, non. En fait je suis taxi en gros. Je conduis les gars d'un chantier à un autre. Ok, d'accord, très bien. Bon bah alors Chris, tu voulais réagir aussi de rencontre toi, dis-nous tout. Ouais, bah en fait, moi j'étais sur Badou il y a longtemps. Ouais. Et en fait, il y avait un gars en fait qui était un transsexuel en fait. Mm-hmm. Et il ressemblait vraiment à une nana, mais comme deux gouttes d'eau quoi. Et franchement, on s'était rencontrés et tout. Et avant d'aller jusqu'à l'acte en fait, j'ai senti en fait que il avait pas. Qu'il avait un truc dur entre les jambes quoi. Voilà, il avait autre chose que ce qu'il aurait dû avoir. Du coup, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis parti. C'est ça, et avant ça, t'as fait. Ouais, carrément. Très mal le vivre. Hein. Je connais une histoire sur ça, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, attends, c'est Reda l'auditeur qui était passé hier soir et qui est venu draguer Sandro ce soir. Alors vas-y Reda, c'est quoi l'histoire toi? Alors en fait, j'ai un pote à moi, enfin c'est pas un pote à moi, mais c'est un mec qui va. J'ai un pote à moi en fait, non. C'est celui qui est assis à côté de moi là. Ah, c'est celui qui est assis à côté de toi. D'accord. Encore que en général, c'est j'ai un pote à moi qui s'est. Ah bah en général, c'est soi-même. Non, voilà. Alors en fait. C'est un mec qui va en Thaïlande. Bon, il voit que c'est... Déjà en Thaïlande, hein. Voilà, en Thaïlande. Lady boy. Il drague, je sais pas, un homme, une femme, bref. Un lady boy. Il se rend compte qu'il y a un sexe et il demande au... Bah, c'est bien s'il y a un sexe, hein, mais ça peut être un sexe féminin. Il lui demande, tu connais des mecs de Saint-Denis? Et l'autre, il lui fait... Le lady boy, il lui dit, non, je connais pas. Après, il regarde, fait, bah, c'est bon alors. Ah, d'accord. Pas compris. Bah, il lui demande s'il connaît des gens Saint-Denis parce qu'en fait ils vont coucher avec Lady Boy. Ah oui, ok, d'accord, très bien. Une histoire vraie. Histoire vraie. Ouais. Ah putain, j'avais pas percuté, dis donc. Je me suis mis à la place de ceux qui n'ont pas compris la photo que j'ai mise sur le Facebook tout à l'heure avec l'enfant et sa mère qui dire que j'ai failli t'avaler. Donc c'était évidemment si elle avait sucé son mec et que en gros le sperme n'était pas arrivé au bon endroit, si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça j'ai fait l'explication. Bon, Chris. Ouais. Donc toi du coup on en était où? Ah, on en était à la fin, ça y est. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, j'ai... Parce que j'étais perturbé par le lady boy. Ouais, voilà. C'est ça. D'accord, donc toi, c'est fini. Si tu rencontres, t'arrêtes. Ouais, c'est clair, ouais. Non, mais t'as raison. Bah, merci en tout cas, Chris. Merci, Amy. Ouais, merci à Laurent. Je voulais intervenir vite fait sur la question du jour, enfin, sur le... La colle. La colle, voilà. Vas-y. Bah, moi, je pense qu'en fait, il reste trois poissons dans l'aquarium parce qu'il est peut-être mort, mais au final, il est peut-être encore dans l'eau, dans l'aquarium. Bah c'est possible, ouais, je sais pas, c'est possible Chris. En tout cas quoi qu'il arrive tu gagneras pas parce qu'il faut jouer par SMS ou via le Facebook. Donc on verra si t'avais ou pas la bonne réponse Chris. Quand on a pas de Facebook ou ni de... Dis pas que t'as pas de téléphone portable, t'es en train de m'appeler, me la fais pas à l'envers Chris. Non, j'ai pas de Facebook, c'est tout. Ouais, non mais ouais, tu peux jouer aussi par SMS, c'est pas grave, hein, les deux marchent. C'est quoi le numéro de... 64 900 et 63 22 pour la Belgique, faut démarrer le message par Mickaël et envoyer la réponse derrière. Ça marche, voilà. Tous les soirs et c'est eh ben c'est gentil Chris, et tu reviens quand tu veux, t'embrasses tout le monde à la SNCF. Hein. Ça marche. Bon allez, salut à toi. Salut. Et sois à l'heure. Hein. Ouais, il rigole, il fait moins le malin. Bon, salut Chris, salut Amy, salut Laura, gros bisous les filles. Bisous Mickaël. Bisous salut. Vous deux, à bientôt. Et on va prendre Alexandre aussi dans un instant de Levallois. Salut Alex. Salut Alex. Comment ça va? Salut Mickaël. Et Alex salue lui-même. Salut Alex. Salut Alex. Ça va ou quoi? Tranquille. Tu vas bien? Pépère à la cool. Ouais. J'ai envie de te dire. Bon Alex, on parle de quoi dans un instant avec toi, dis-moi? De mes enfoirés de potes qui ont fait semblant de m'offrir un iPhone 5. Ah oui, des enculés, ouais, parce que si tu l'as pas eu, par contre, effectivement, je peux comprendre que t'es la rage. Bon, et très bien, on va en parler dans un instant, là, bouge pas, Alexandre. On va revenir avec Willy également, là, Willy repose vite fait la colle maintenant, là, avant de donner la bonne réponse dans moins de 5 minutes, vas-y. Donc, c'est, il y a 3 poissons dans un seau, ouais. Les deux meurent. Combien reste-t-il? Si Si vous avez la bonne réponse, il y a une PS3 ou un iPad à gagner avec le jeu Godens qui est sorti depuis lundi chez Sega. Alors, je répète, il y a trois poissons dans un seau. L'un meurt. Combien en reste-t-il? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Bonne chance. Willy, on te reprend dans un instant. On va encore faire des appels là pour que Toff puisse proposer sa Pipe Academy. Mais oui, allons-y. Ben voilà, c'est juste après le son de Florida. Je l'avais promis tout à l'heure. On va se le mettre tout de suite sur Fun Radio. Florida avec Can't Believe It. Florida et Pitbull sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. On est au cœur de la nuit sans pub. Maintenant, bonne soirée tout le monde. I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Et le son de Florida à l'instant sur Fun Radio avec Can't Believe It. Et si vous voulez nous voir là, on a ouvert les caméras exceptionnellement. Parce que bon, on fait de la radio à la base, pas de la télé hein. Mais là, exceptionnellement justement, puisqu'il y a Reda l'auditeur qui va nous faire le petit défilé là pour Sandro, puisqu'il est venu pour draguer Sandro. Live and direct. Eh ouais, la pression est là. Si vous vous connectez maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, vous allez pouvoir suivre ça en live tout de suite. Voilà, allez voir ça maintenant donc, facebook.com/mikaelofficiel. Et profitez-en parce qu'après, hop, on coupe. Ah oui, bah normal. Évidemment. D'ailleurs, on va mettre la lumière plus fort là, comme ça on verra mieux, parce que là il fait un peu noir là. Donc voilà, comme ça on sera mieux. Le temps que t'es prêt Reda, ou tu préfères qu'on fasse encore 2-3 appels? C'est comme vous voulez hein. Bon, on fait 2-3 appels. Chauffe-toi, et après on va faire le défilé. Non, c'est mieux de faire le défilé, c'est vrai. Des abdos, des pompes. C'est vrai. Voilà, ouais, c'est vrai. Attends, il faut que je trouve une petite chanson là. Une petite chanson. Bon, bah écoute, il va la faire à la cool. Allez, c'est parti, on y va. Hop là, oui, vous voyez bien. Facebook.com/mikaelofficiel, on a mis la vidéo en live. Là, vous pouvez suivre ce qui se passe dans l'émission en direct. On y va, attention, et vous voyez Reda en ce moment même d'ailleurs. Allez hop, c'est parti, hein, tu vas être suivi par les caméras, t'inquiète pas. La musique quand même. Ah, mais tu veux quoi comme musique? Un petit truc sexy quand même. Un petit truc sexy. Alors attends. Putain, j'ai pas de jeu. Attends, il faut que je vérifie là. Ouais, mais écoute mec, comment t'expliquer que Joe Cocker, on n'a pas tout ça ici. Hein. Joe Cocker. Et je crois qu'on l'a pas. Merde. Oh, tu peux jouer du pipeau s'ils veulent. Ouais, c'est vrai que tu peux faire éventuellement un peu de pipeau là, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors attends, une seconde, on va essayer. Et pipeau. Voilà, on peut te mettre ça. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Backer Matt. Allez hop, c'est parti. Défilez maintenant en direct sur le Facebook. Vous pouvez voir ça, facebook.com/mikaelofficiel. C'est parti. Alors attention, on va commenter. Vous pouvez voir aussi hein, sur le Facebook là, l'image live. Et attention Sandro. Oui, je regarde. Mais non, mais regarde là, tu l'as en vrai. Pourquoi tu regardes dans la caméra? Bah, je sais pas. Elle regarde dans l'écran alors que... Oh, c'est pas vrai. Oh merde. Un petit alerte voilà. Toi hein. Mais c'est pas un défilé ça Reda là. Ah, un défilé. Un défilé mannequin. Ouais, tu passes par là et tu l'as fait à la mannequin genre. Voilà. Alors allez, vas-y. Parle pas trop parce qu'on t'entend pas. Voilà, attention. Voilà, attention. Vous le voyez là, il est sur le côté gauche là, vous pouvez il voir croit, là. Reda, là. Ouais. Voilà, c'est parfait, on le suit et tout en direct live, c'est parfait. Bon bah voilà alors Sandro là, tu l'as bien vu là, qu'est-ce que t'en penses? Non bah roule un peu des fesses. Ah, oh, mais t'es sérieuse Sandro là? Bah c'est un défilé hein, ça va. Non mais roule un peu des fesses. C'est elle de rouler des fesses. Tu pas fais moi. Tu fais du sport un peu non quand même? Je crois que t'allais dire tu fais du 90. Tu faisais quoi? Boxe. Oui, ça se voit. Hein. Merci, un peu de muscu à côté. Oh putain, Reda. Ça se voit. Tu peux mettre une patate à Toff, mais une vraie. C'est vrai? Ouais. Je gagne quoi? Je peux t'offrir un truc, je sais pas quoi, mais on va voir. Un t-shirt, c'est bon. Tu peux mettre un t-shirt? Ah, d'accord. T-shirt GTA 5, pas de problème. Hein. Aucun problème. Bon, ouais, si tu peux mettre une vraie patate. Sandro, tu veux pas toucher du muscle pour voir? Bah, si tu veux, viens, Reda. Vas-y. Bien sûr, tu peux aller là-bas si tu veux, hein, c'est pas un problème. Hein. Et rédaction. Ça, c'était nul par contre, hein, putain, oh putain. Bon, alors tu attention. Tu peux enlever ton t-shirt? Non, t'es sérieuse, ouais, ça. Bon, ouais, Reda, t'es sérieuse. Calmez-vous, là. Ouais, genre, elle fait pour la vidéo. Ouais, c'est comme si y avait une meuf. Tu peux te mettre seins nus, c'est pour la vidéo. Ouais, mais c'est bien ça. Sûr, c'est pour les filles on qui fera la prochaine qui ont cliqué sur la vidéo. Ouais, bah bien sûr, on peut. Ouais. Bon, allez, allez facebook.com. Fais quelque chose, Reda, fais le muscle. Oui, voilà, le toucher. Ah oui, il est musclé. Ah ouais, t'as vu, hein? Ah ouais. Bon, ça va, c'est pareil chez moi, t'es sérieuse, hein? C'est la même chose. Ça, ouais, exactement. Franchement, c'est, il est c'est... formé, il a des pecs et tout. Moi, je veux bien voir en dessous. Hein. Tu crois que c'était un adolescent? Oh, regardez, il est formé, il a du poil au zizi. Ah, bah, exactement, ouais. 21 ans quand même. Hein. Ouais, 21 ans, ouais. C'est-à-dire que quand il aura 30 ans, j'en aurai 50. Hein. Tu sais pas compter, toi. Oui, 40. 40. Bah, tu seras une MILF. Une quoi? Une MILF. Oui, alors c'est quoi? Bah, c'est non, une meuf qui. Ah, non, pas encore, ouais, c'est vrai, pas MILF, plutôt Cougar. Cougar, Cougar, je me suis mal exprimé, Cougar. Ah, la MILF, c'est une mother I like to fuck. Exactement. Une mère de famille que t'aimerais. C'est pas mal, c'est pas mal. Et une cougar, c'est une meuf âgée qui se prend pour une jeune et qui essaye de pécho de l'adolescent. Exactement. Voilà, ça termine. Et ben moi, je veux bien le prendre en coach sportif. Coach sportif. Ouais, non, c'est vrai pour muscler mon fessier, justement. Ouais, ouais, ouais. Bah, en plus, écoute, affinité. Eh ouais, et t'inquiète pas, il va te le muscler ton fessier, hein, tu vas voir. Pas... Attends, il y avait pas de sous-entendu. Bah oui, non, t'inquiète pas là, t'inquiète pas, il y a pas de sous-entendu aucun. Coach pour muscler mon fessier. Ouais, tu vas voir. Il y a Megumi aussi qui dit la toffe le pervers, ça lui va tellement bien avec de vieilles lunettes et du gel sur les cheveux. Il y a Petit Panda qui dit c'est ma fête aujourd'hui, c'est la Sainte-Émilie. Ben voilà, bah, bonne fête Émilie, hein, mais crois pas que tu vas recevoir un cadeau. Il y a Maud qui dit heureusement que Mickaël est là pour finir la soirée en beauté. Bah on est là pour ça aussi Maud. Et Lulu qui dit aussi c'est mon anniversaire aujourd'hui, c'est pas vrai. Bon, on va te mettre une petite musique d'anniversaire évidemment, comme à tous ceux qui passent et qui ont leur anniversaire avec plaisir. Attention, c'est parti, let's go. Voilà. Bon anniversaire à toi. Jusqu'au bout. Il y a Younes qui demandait aussi sur le Twitter qui dit je peux défiler moi aussi. Bah ouais mais bon de chez toi ça va être moins sympa hein. Il y a Kikiria qui dit tu m'as trop manqué, ça fait plaisir d'être de retour. Anonyx qui dit aussi je comptais me coucher tôt mais maintenant j'écoute Mickaël donc c'est mort. Et puis Clara qui dit la nuit sans pub, ça c'est cool. Eh bah t'as vu, et il y a que sur Fun que ça se passe hein. Florian qui dit un pote sur Mythique avait rencontré un mec, elle a pas voulu le revoir, il l'a harcelé, menacé de contacter Anonymous. Et Sébastien qui dit moi un site gay m'a escroqué 2000€ depuis 2 ans et je n'ai toujours aucune nouvelle. Il a pris les numéros de ma carte bleue. Je suis vénère grave. Mais t'avais pas d'assurance là-dessus là. Parce que putain ça c'est quand même la galère. 2000 boules quand même, c'est le cas de le dire. Bon allez hop, on va bon du coup Sandro là par rapport à Reda là. Bah oui moi pour le sport je veux bien. Ouais pour le sport c'est un bon début hein. C'est déjà pas mal. À l'usure tu m'avais dit. Ouais ouais t'inquiète pas, mais il faut y aller jusqu'au bout hein, t'inquiète pas, tu à un moment ou à l'autre bah, franchement, en même temps, je t'ai non, pas demandé. Si mon âge, oui, pourquoi pas, mais. Attends, mais il est plus vieux, il a 30 ans là. Ouais, 32. Il a 30 ans là, il a 30 ans, t'inquiète. T'inquiète. Et toi, Sandro, c'est ta cam ou pas? Ah pourquoi pas? Plus si affinité, comme on dit. Et plus si affinité. S'il avait dit non, j'étais dans la merde. Ah ouais, là ouais. J'aurais été ouais. Vexé quand même. Ouais, un peu, ouais. Enfin bon, en même temps, ça il faut assumer parfois. Hein. Bah, oui, c'est clair. Nombre de fois où Toff il se prend avant. Bon, Alexandre, qui est avec nous là? Tu bouges pas, Alexandre? Alex? Ouais, ah bon, très bien. On va juste faire le gagnant ou la gagnante là de la colle avec Willy qui est avec nous là. T'es là, Willy? Monsieur Gouré. Oui, toujours. Parfait, Willy, on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante, celui ou celle qui s'est inscrite par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique en mettant Mickaël dans le message. Willy, on y va, on appelle, si la personne décroche, si elle a la bonne réponse, tu perds, elle gagne. Si elle a la mauvaise réponse ou qu'elle ne décroche pas, eh ben c'est toi qui gagneras, Willy, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Allez. Parfait, déjà ça sonne. Si ça ne décroche pas, c'est toi qui gagne, Willy. Hein. Ok. Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Teddy. Teddy, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, ça va? Oui. Je t'appelle parce qu'il y a Willy qui a une colle à te poser, là. Oui. Vas-y, Willy. Donc, il y a 3 poissons dans un seau. L'un d'eux meurt. Combien en reste-t-il? 3. Willy. Eh ben, il reste 3 poissons. Eh ben, voilà! Bravo, Teddy! Félicitations Teddy, tu repars avec le jeu Godens comme promis qui est sorti depuis lundi avec Sega. Et puis tu vas repartir aussi bah, avec tu vas gérer avec Sandro ce qui reste là, iPad ou PS3. Bravo Teddy. Merci. Eh ben je t'en prie, avec plaisir. T'es en train de dormir ou quoi? Non. Ah bon d'accord, on aurait dit. Oui, écoute. Eh ben très bien, eh ben c'est parfait, Teddy. Eh ben bravo à toi, tu restes au standard, on prend tes coordonnées, d'accord? Ouais. Salut Teddy, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Et Willy, bah désolé, hein, malheureusement c'est perdu, mais c'est pas grave. Tu retentes ta chance quand tu veux. Salut à toi, oui. Excusez-moi. Mais oui, que se passe-t-il, monsieur? Oui, je voudrais dire un mot à Polo. Qu'est-ce qu'il a, Polo? On m'a dit de lui dire bouffon. Bouffon? Qui t'a dit de lui dire ça? Qui a dit ça? Sandro. Ah, c'est Sandro qui a dit ça? Oui, oui. T'as dit à Willy de dire à toi, Apollo, que c'est un bouffon? Mais c'était en rapport avec le début d'émission, là. Ouais, ouais, ouais, d'accord, ok, ouais. Mais tu sais, parce que la serveuse, ça se la raconte. Oui, oui, oui. C'est celle qui a joué le jeu, parce que tous les autres, il n'y a personne qui a rien dit. Normal. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Du grand Polo. Bon, bah, le message est passé, Willy. Passe une bonne soirée. Enfin, bonne nuit, plutôt, écoute de fun. De quoi, Willy? Allez, vas-y, il y a une seule personne, hein. Donc, c'est pour ma copine. Très bien. Et c'est pour lui pour la demander au mariage. Oh, eh, c'est mieux de le faire en live, Willy, hein, quand même. T'es un bouffon. Faut l'appeler là, Willy, hein. T'as son numéro là, forcément. Willy. Attendez. Mais je te repasse Sandro là, attends de reprendre le numéro de téléphone là. Bouge pas de là, oui. Bon, en attendant, on va reprendre Alexandre qui est avec nous là de Levallois. Allô Alex. Ouais, salut, ça va? Bon, ça va bien? Bon, bah, très bien, et vous? Bah oui, très bien. Il y a Florian qui vient d'envoyer un message sur Twitter qui a vous êtes beau à la cam. Oh, merci Florian. Il y a Mickaël aussi qui dit peux-tu lancer un long P ce soir? Ah, bah, le P, en fait, il est là pour faire démarrer la mobilette de Toff. Donc, on peut pas trop en abuser non plus, c'est quoi. C'est du nitro, quoi. C'est du nitro, effectivement. Mais bon, si t'insistes. Bon, allez. Tour et puis s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Maud aussi qui dit sur le Facebook juste la possibilité de trouver des personnes pour un soir, mais jamais pour une longue histoire sur les sites de rencontres. C'est faux, il y en a déjà qui ont trouvé des personnes et avec qui elles sont mariées, tout ça. Hein. Ça peut exister, ça peut arriver aussi. Bon, Alexandre. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu voulais nous dire que ton pote, il t'avait offert un truc sans te l'offrir. C'est quoi l'histoire exactement là? Mes salauds de potes, en fait, m'ont fêté mon anniversaire le 3 septembre. Et ils m'ont donné une boîte iPhone 5, et moi je croyais qu'il y avait un iPhone 5 dedans. Sauf qu'en fait, il y avait juste une craie avec une pauvre ardoise. C'était plutôt vénère. Et nous aussi, pour le coup, on a déjà fait ça. Je me souviens plus à qui on avait fait ça, mais on avait offert aussi une boîte d'iPhone à un mec qui bossait pour nous. Si, tu lui avais offert un iPhone en mousse. Non, un iPhone en mousse, ouais, la laine. Ah oui, ouais, un iPhone en laine qu'on avait mis dans une tricoté, boîte de vrai iPhone. Quand il l'a reçu, il a dit ouah putain. Et puis quand il l'a ouvert, le pauvre, il était déçu. Et il a insisté, non mais il est où le vrai? Mais il est où le vrai? Il pensait qu'il allait avoir un vrai derrière, en fait que dalle, il s'est rien passé. De toute façon, c'est donc un bouffon ce mec. En plus. Bon, et du coup, Alex, t'as eu la rage toi? Oui. Bah oui, surtout que derrière, j'ai pas eu de cadeau non plus. Ah oui, là c'est plus la rage alors. Ah ouais, donc ils t'ont vraiment offert un cadeau pour se foutre de ta gueule quoi. Voilà. Ah putain, la rage. Ah oui, clairement, ouais. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous avez déjà reçu comme cadeau de merde, vous? Je sais plus. Toff, moi, ma mère, elle m'a offert le truc. Des pulls tricotés, je parie, non? Non, ça, c'était ma grand-mère. Ah, la grand-mère, d'accord. Ouais, mais non, en fait, c'était l'époque où je déménageais tout le temps, parce que voilà, je supportais pas de rester où j'étais. Et donc, ma mère, elle m'a offert un minibus Playmobil. C'est sérieux ça? Oui, sérieux. Et donc elle me fait voilà, cette année t'as un minibus Playmobil. C'est pas de la merde, t'es ouf toi ou quoi? Mais non, mais c'est parce qu'il déménageait, il avait 20 ans déjà. Et ben alors? Enfin, un minibus Playmobil à 20 piges. C'est cool. Je l'ai toujours dans la boîte, il est jamais sorti si tu veux, je te le Non, est-ce que vous vous souvenez ce qu'on avait fait, la blague qui a duré des années où on se renvoyait tous la tête de Bouddha? Oui, c'est vrai qu'on avait reçu un Bouddha dégueulasse. Et chaque année, tu vois, finalement, Alex, il y a pire. Hein. Chaque année, en fait, donc imaginons, moi, c'est moi qui l'avais reçu. Du coup, bah, je l'avais gardé. Dès qu'il y avait un anniversaire dans l'équipe, je l'offrais à l'autre. Voilà. L'autre l'offrait au suivant, et ainsi de suite, jusqu'au moment où il est revenu. Ouais. Et voilà, donc tu vois, finalement, une tête de Bouddha ou un faux iPhone au final, hein, l'un dans l'autre. Il y a de quoi faire. Reda, ouais. Tu vois, l'auditeur qui est passé nous voir, t'as reçu quoi comme cadeau pourri toi déjà? Rien eu, alors ça va plus vite. Ah, tu reçois jamais rien? Non, mais je reçois pas grand chose donc. Ah ouais? Ouais. Bon, d'accord, ok. Moi j'ai réfléchi, mais. Ouais, j'ai jamais reçu. Ouais, si, tu sais, t'as déjà reçu parfois des chaussettes. Ouais, des pierres chaussettes, des trucs comme ça, des trucs à la con quoi. Surtout quand elles sont moches, c'est tricoté en laine. L'horreur. Tiens, il y a Jordan qui dit un coup de lance-flamme sur la gueule de Toff avec plaisir. Exactement, voilà. Bon, Alex, du coup, toi, t'as la rage, tu leur parles encore ou pas? Ouais, c'est un peu con, mais voilà, quoi, c'est mes potes. Ouais, mais après, voilà, ça part d'un bon sentiment, c'est rigolo à la base, quoi. Ouais, mais surtout que j'avais pas arrêté d'en parler depuis longtemps, dès que j'ai su qu'il allait sortir, je me suis dit direct, je le veux. Ouais. Donc j'étais plutôt content, et en fait, non. Voilà. Écoute, bah oui, t'es plutôt content. Voilà. Dites-moi si vous avez déjà reçu des cadeaux un peu merdiques là. Et justement, je voulais vous poser une question aussi, rien à voir avec les cadeaux, mais par rapport avec l'iPhone, oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez aux chiottes? Tu fais quoi toi quand tu vas aux chiottes, Alexandre? Je prends mon iPhone. Que plus de 70% des gens reconnaissent qu'ils envoient des SMS, lisent leurs mails ou en même jouent à des jeux débiles. Donc venez nous dire ce que vous faites quand vous êtes aux chouettes. Mais grave. Je ne peux pas, moi, faire quoi que ce soit dans les chiottes. Ah, moi je joue à FIFA. Mais c'est pas possible. Bah si. Moi j'ai fait mon record à Mignon Rush là sur les chiottes. Mais t'es en train de faire caca, Tof. Mais non, mais parfois t'as un peu mal au ventre, alors du coup ça passe. Oh là là. Mais non, mais c'est vrai. Je poussais, et plus je poussais, plus il allait loin. Ah, mais pousse caca quoi, petit pousse caca de retour. Bon, et tu fais quoi toi quand t'as ton iPhone avec ce chiottes? Subway Surfer. Subway Surfer. Je suis seul mec au monde à juste à chier dans les chiottes. Non, moi aussi. Reda non plus. Dégueulasse, je trouve. Après. D'accord, ouais, mais après il faut te laver les mains, tu laves un peu le téléphone. Oui, non, mais, ça. Ouais. Mais non, mais tu te torches pas avec le téléphone. Bah non, mais bien merci sûr. Tof. Merci parce que. Encore heureux que tu précises. Bon, bah dites-nous ce que vous faites. Avec le mien ou pas? Dites-nous ce que vous faites, vous, quand vous êtes sur les chiottes pour passer le temps. Est-ce que vous lisez un livre? On sait jamais. Les magazines? Est-ce que vous jouez à des jeux? Vous êtes sur internet avec votre téléphone? Je connais même un pote, il a son téléphone porte, son ordinateur portable 17 pouces et il est sur les chiottes avec quoi. Mais qu'est-ce qu'il est con ce mec? Comme il est grand en plus, bah je sais pas. Parce que là, forcément, t'es dans une position qui est pas confortable pour chier. Ah bah je te confirme, ouais. Bon, Alexandre, reste avec nous, on va revenir avec toi dans un instant. On va également se refaire des appels pour voir si Tof, éventuellement, il peut arriver à refourguer ses cours, la Pip School. Dans un instant, le temps d'écouter Muttonheads, maintenant sur Fun Radio avec Snow White. Il est 00h47, on est en direct sur Fun Radio. Avec dans un instant, le tirage sort juste après Muttonheads, des t-shirts GTA, si vous voulez les gagner. Rencard sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/MIKL officiel. C'est Muttonheads à l'instant sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Bon, on va reparler dans un instant de ce que vous faites quand vous êtes sur les chiottes. Est-ce que comme 70% des gens vous reconnaissez d'envoyer des SMS, lire des mails ou même jouer à des jeux débiles ou autre chose, qu'est-ce que vous faites? On en parle dans un instant. Vous nous appelez si vous voulez participer à l'émission, si vous voulez réagir et prendre le contrôle, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Allez, c'est parti, on appelle maintenant un des gagnants là pour le t-shirt GTA. On va l'envoyer ce soir, on les en stock, donc ils partent demain matin au courrier et vous les recevrez après-demain, voire lundi en fonction. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, comment tu t'appelles? Théa. Théa, très bien Théa. Et dis donc, tu t'étais inscrite là pour choper le t-shirt GTA 5? Ouais, voilà. Exact, bah, on va te le filer sans problème, le Los Santos. C'est pour toi ou c'est pour qui? Non, c'est pour moi. C'est pour toi, on sait jamais, très bien. Eh ben voilà Théa, on va te l'offrir. Tu l'as vu là sur le Facebook de l'émission tout à l'heure, là, facebook.com/MIKL officiel. On va te le mettre au courrier dès ce soir, il part demain, tu l'auras après-demain normalement Théa. Ok, merci, c'est avec plaisir. Je te fais des gros bisous, salut Théa. Merci aussi, vous. Allez, salut. Ciao Théa, reste au standard. Et si vous voulez, il y en a d'autres, hein, des t-shirts GTA 5 là en exclu ce soir. Vous inscrivez maintenant, facebook.com/MIKL officiel. Voilà. Et dimanche soir, il y aura une surprise aussi en termes de cadeaux. Je n'en dis pas plus. Oh là. Je ne vous en dis pas plus, mais il y aura du lourd. Mais je ne vous mais, en dis pas mais plus. Mais lourd comment? C'est pas très lourd dans l'absolu, mais en termes de cadeaux, c'est du lourd. Enfin, je vous expliquerai. Bon, on va peut-être encore passer quelques petits coups de fil, Tof. Hein. Allons-y, appelons. Bah, ça me paraît pas mal, ça. Puisque je rappelle que les Russes, apparemment, ont proposé un nouveau système de une école pour apprendre à sucer. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai décidé de monter ma Pip School. Très bien, la Pip School. Pour moi donc aussi gagner un peu d'argent sur bah sur les oui connaissances. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, on y va, on appelle. Allons-y. Allez, c'est parti, on appelle. C'est parti. Oula, c'est parti. Allez. Puis alors, Martin Garrix tout à l'heure et Linkin Park aussi, on l'avait demandé avec Steve Aoki. On va vous le mettre avant une heure. Enfin, je dis avant une heure, à peu près. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous étiez satisfait des pipes de votre femme. Vous êtes malade? Non, pas du tout, en fait, voilà, je sais... Comme, voilà, oui, je viens... Ben, écoutez, moi, je vais porter plainte si vous continuez, hein. Enfin, je vois pas pourquoi vous allez porter plainte, monsieur, je vous appelle pour vous rendre service. Oui, bien sûr. Au revoir, monsieur. Ah ben, au revoir, monsieur, hein, mais... Ça ne va pas en rester là. Mais non. On rappelle, faut pas déconner quand même, allez, c'est parti. On y retourne. Bah alors, pourquoi ça marche plus? Pourquoi ça ne sonne pas? Je ne sais pas. Ah bah ça ne sonne pas, c'est pas grave. Bon, écoute, on va appeler à l'autre, hein, si ça sonne plus. On rappelle quand même encore un petit coup pour voir. Non, ça ne marche pas, c'est pas grave. On va rappeler à l'autre pour voir, c'est pas grave. Ah, l'autre ça marche, très bien. Parce qu'il a foutu avec son téléphone, mais bon. Allez. 1854, c'est vrai qu'il est un peu tard, mais bon. Ouais, allô. Oui, bonsoir monsieur. C'est quoi? Oui, je vous appelle pour savoir si vous étiez bien sucé à la maison. Pourquoi ça t'intéresse? Bah parce que en fait je viens de monter la Pip School et donc peut-être que si vous n'étiez pas satisfait, je pourrais donner quelques cours à votre femme. Branleur, oui, pourquoi pas, effectivement, branleur, on va le rappeler, lui était sympa et hop, c'est reparti. Bon, on t'a traité de branleur, toi, enfin, donc ça c'est la première chose déjà. Ah. Allô? Oui, bonsoir madame. Ouais. Oui, j'étais en communication avec votre mari, mais on a été coupé. Et ben en fait non, parce que je l'appelais pour savoir s'il était satisfait des pipes que vous lui faisiez. Merde. Ah c'est sympa. Ah ouais, très sympa, ouais. Bon bah du coup on s'en remet encore un petit là. Thibaut qui est avec nous là, ça va Thibaut? Salut, ça va, ouais. Ça va. Dis, on rappelle encore un petit coup là pour la Pipe Academy? Ouais, allez-y, ouais. Bon, là, Pip School, pardon, je m'emballe, là, je change mais le nom. Oui, Pip School, faut. Ah oui, oui, désolé, attends. La Pip Academy, c'est les stages. C'est vrai. Bon, bouge pas, Thibaut, on appelle encore un coup de Boulogne-sur-Mer, là. Attends. Alors, personne veut jouer là. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si votre mari était satisfait des pipes que vous lui faites. Mais espèce de gros bâtard, ça t'amuse d'appeler à cette heure-ci? Oh là là. Enfin madame, faut pas le prendre sur ce ton-là, moi je vous appelle pour vous rendre service. Sérieux? Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Mais enfin madame... Alors, mon mari est satisfait de ce que je fais, ça te plaît ou non, j'en ai rien à branler, gros bâtard. Eh, depuis... Eh, gros enculé, t'es mort. Bah, excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait de ce qu'elle vous fait avec sa bouche? Eh, ta mère, elle est satisfaite, fils de pute, de mourir. Mais je veux pas le rapport, monsieur. Non, moi je veux un rapport que je vais t'enculer ta grosse mère, bâtard. Mais enfin... Tu t'encules ta race? Mais non, monsieur, enfin... Écoute-moi, espèce de branleur, t'es pas content, tu viens sur Lens, tu veux que je donne mon adresse, tu viens tout de suite, t'encules ta mère. Mais en fait, non, mais je ne fais que les cours de fellation, monsieur, parce que moi, Tu vas faire le cours de ta grand-mère, fils de pute, parce que j'ai t'enculé, moi. Non, mais en fait, voilà, moi, j'ai monté la Pip School, monsieur, et je n'apprends qu'à faire des pipes. Toi, fils de pute d'enculé de ta grand-mère, t'as vu ton numéro, moi, il a été inscrit chez moi. Je te promets, je te dis tout de suite, je m'en vais porter peut-être sur ta gueule. Mais je vois pas l'intérêt, monsieur. Moi, je tu vois pas l'intérêt, je vais t'enculer ta mère, fils de pute. Moi, je t'appelle pour mon service. Vas-y, rigole bien, espèce d'enculé de ta grand-mère. T'es franc de loin derrière le téléphone. Viens. Mais monsieur, moi, je veux bien venir, mais je ne viens que pour donner des cours à votre femme pour qu'elle monsieur, vous fasse... Monsieur, je vais t'enculer ta mère, fils de pute, vas-y. Arrête, vas-y. Va baiser ta grosse mère. On peut venir à deux. Je vais t'enterrer, fils de pute. Bon. On peut venir à deux. Merde, il répond pas. On va le rappeler, il avait l'air c'est cool. C'est magnifique. Ah, c'était ta grand-mère. Cette enfilade d'insultes. Oui. Ah, vas-y, tu lui parles, moi j'y parle plus. On y va. Ce qui est bien, c'est qu'il a insulté toute la famille de Toff. Attends, on le rappelle. Ouais. Nique ta mère. Va te faire enculer, salope. Tu parles de faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Quoi? Tu me dégoûtes. Et quoi? Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant? Oh, mon petite pute. Tu me dégoûtes. T'es qui, toi? Te faire enculer au PD, va. Vas-y, va baiser ta race. J'ai dit ça, mais je pensais pas vraiment. Ouais, bah attends. Vas-y, t'es qui, toi, déjà? Nique ta mère. T'es qui, toi, déjà? Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Quel Valentin? À te faire enculer au PD, va. Et qu'est-ce que tu fais, toi, espèce de branleur? Connard. T'es qui, là? T'es qui, la bande de bouffons? À te faire enculer au PD, va. Branleur, va. Connard. Espèce de tarlouse. Vous êtes froid derrière téléphone, venez là en face. Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant? Ouais, toi je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Connard, va. Bon, t'es qui là? Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Lequel de Valentin, espèce de tarlouse? Non mais calme-toi. Bande de pédales, va. Tu peux aller te faire foutre? Ouais, si tu veux. T'es qui toi déjà, espèce de poufiasse? Suce ma bite. Ah ouais, t'en as, c'est bien. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Ah putain, ça y est, on l'a usé. Le mec il a tenu plus d'une minute quoi, avec que des bruitages. Le mec il s'est pas rendu compte que c'était toujours les mêmes expressions et que c'était des voix différentes quoi. Ah putain, il était bon lui hein. Oh là là, t'inquiète. Faut pas le chauffer lui hein. Ah ouais non, lui par contre enculé de ta grand-mère, je vais tuer ta mère, enfin bon bref. Là, au champ, je vais laisser passer. Hein. Ah ouais ouais, au champ tu peux le laisser passer ouais. Bon Thibaut. Salut. Ça va? Ça va, tranquille. Hop, excès de mollesse. Ouais. Direct là. Thibaut, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es endormi? Allô? Ouais, t'es endormi, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, ça va, je suis là, c'est bon. Ah bon, d'accord, ok, alors très bien. Bon, il y a Monsieur Panda qui dit aussi, c'est un fou le mec, là, je vais baiser ta grosse mère, le ouf. Ouais, c'est marrant. Ah ouais, non, mais il était au taquet. Il y a Victor qui dit, quelle violence, mon Dieu, on n'a jamais eu un aussi violent et vulgaire, je suis plié. Il y a Clem aussi qui dit, fils de pute, donc tu es ta grand-mère, quelle violence. Et Jordan qui dit, je vous adore, vous êtes toute ma vie, vive Fun Radio et Mickaël, ouais. No Limite, à coup de lance-flamme sur la télé. Allez, lancez ça, gueule de merde. Voilà, de toute façon, c'est tout ce qu'il mérite. La participation de Lilou aussi. Oui, de Lilou, effectivement, ouais. Qui était encore réveillé à cette époque. Bon, Thibaut, toi, tu nous appelles pour quoi, toi ? C'est... Ah oui, par rapport aux chiottes. Ouais, par rapport aux chiottes. Ah, alors, qu'est-ce que tu fais sur les chiottes, toi ? Mais je mange, je fais un barbecue. Ça dépend, ouais, c'est ça. Des fois, je regarde des magazines un peu, on va dire... De cul, quoi. Ouais, bah dis-le. Ouais. Et puis, des fois, ça m'arrive de... Bah, de penser à ça, et puis... Mais bon, sinon, c'est principalement... Les jeux vidéo sur le téléphone ou... Et jeux vidéo, tu joues à quoi ? Oh, ça dépend, bah j'ai téléchargé FIFA le 13 et puis... Ah vas-y, viens, on fait une partie Thibaut là. Ah, les deux sur les chiottes. Tous les deux sur les chiottes et on joue ce soir ou demain. Ouais, pourquoi pas, ouais. Moi je te mets ta race, hein. Pour l'instant j'ai joué contre plein d'auditeurs, j'ai joué 4-5 fois, 5 fois j'ai gagné. Hein. Ouais, bon on verra bien. C'est parce que t'es trop fort. Mais oui, mais bien sûr, tu joues avec quelle équipe ? Ça dépend, le Real Madrid. Ah non, ça c'est moi, ça. Tu peux pas jouer avec celle-là, c'est moi qui prends. Ok, bon, on verra bien. Bah très bien. Oui, bah si tu veux, pas de problème. Et non mais sérieux, tu peux taper Mickaël No Limit en un mot sans le hashtag sur FIFA 13. D'accord. Et sur l'iPhone, je précise, sur l'iPhone, enfin l'iOS, parce que si vous me trouvez sur PS3, ça marche pas évidemment, parce que j'ai pas de PS3. Donc voilà, donc sur iPhone, vous tapez Mickaël No Limit et on fera des matchs éventuellement la journée, hein, là ce soir c'est pas possible. Ouais, okay, mais, okay. Mais avec plaisir, ouais, très bien. Et donc toi tu joues. On va réagir aussi sur les sites de rencontres. Attends, oui, avec plaisir. Attends, c'est qu'est-ce qu'il y a, Polo ? Et à un moment donné, tu fais caca dans les chiottes ou tu fais que jouer ? Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Il y a aussi un temps pour faire ses besoins. Voilà, dès qu'il met un but. Ouais, voilà. Hop là, ça y est. Ça me soulage. Exactement. Les coups francs, ils pissent. Voilà, c'est ça. Et puis ouais. Les pénaltys, alors là tu germes, là, ça c'est le total, ah c'est ouais, le jackpot. Ouais, tu m'étonnes. Il y a Florent qui dit pété de rire, j'en peux plus, je suis KO, ils vont me tuer là. Et Megumi qui dit moment magique, j'ai failli me faire pipi dessus avec l'autre psycho là. Ah putain, ouais, non mais faut qu'on me trouve le son de ça, on va le remettre. Hein. Attends. Une petite question en fait. Ah, c'est Reda l'auditeur qui était venu pour draguer Sandro. Ouais, juste j'ai une petite question. Comment il fait pour regarder des magazines porno, je pense, pendant Kishi quoi. L'odeur, ça ne casse pas. C'est parce que je me mets dans les toilettes pour être tranquille et puis et des fois je regarde aussi des vidéos, enfin il y a pas de... Ah ouais, l'odeur ça te casse pas, je sais pas. Bah non, je mets du déodorant avant. Ouais, comme d'accord. ça sent vraiment les chiottes là pour le goût, c'est le Air Week. Et puis je prépare mon petit déj des fois. Voilà, ouais. Je me beurre les tartines en chiant. Bah ouais, il y a Oliver qui dit aux chiottes, l'iPad c'est encore mieux. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, mais vous avez qu'à mettre votre 82 pouces aussi hein, dans les chiottes, hein, franchement, en tant qu'affaire. Vous êtes bien comme ça, vous avez un grand écran et tout, vous êtes au taquet. Hein. Bon, Thibaut. Oui. Alors, tu voulais réagir à quoi sur les sites de rencontres ? Parce en que fait, je rappelle qu'on a toujours mis. À chaque fois que je vais sur les sites de rencontres, je tombe sur des connes. Et là, la fois dernière, la dernière ex que j'ai eue, elle m'a piqué 6000 euros en fait. Oh merde ! C'est bon ça ! En fait, si tu veux, elle m'a fait comment tomber dans le piège. Elle me dit ouais, j'ai envie de qu'on se mette ensemble et tout. On s'est mis ensemble rapidement. Ouais. Et en fait, après, bon, bah, elle m'a fait quitter toute ma famille et tout, puis elle m'a dit, elle m'a jamais aimé, en fait. Elle m'a juste dit, ouais, achète-moi ça. Et en fait, dès que pendant 5 mois, elle m'a trompé, elle allait en boîte sans moi et tout. Et dès qu'il me restait, 100 euros sur mon compte, j'ai perdu 6000 euros. Elle me dit, finalement, en fait, je t'ai jamais aimé. Je suis sorti avec tes sous, et maintenant, il faut que tu dégages, je veux plus de toi. Oui, toutes les pièces sont tombées. Voilà. Non mais à un moment, tu... Attends, Normine. Voilà. Y a pas un moment où tu t'es dit qu'elle se foutait quand même de ta gueule avec 6000 euros ? Attends, Normine. Si tu veux, moi quand j'aime une fille, je suis à fond Parfait. Dans elle et tout, je suis prêt à... Ah oui, t'es à fond dans elle, non, mais moi aussi, mais... Moi aussi, je suis à fond dans elle, t'inquiète pas. Hein. Non mais moi aussi, tu sais, quand je suis avec une fille, je suis à fond dans elle, c'est mieux. Ouais, mais... voilà, tu vois, je suis prêt à tout et elle m'a rendormi, quoi. Puis à chaque fois qu'on en a en ville, c'était ouais, tu m'achètes des parfums, tu m'achètes ci, tu m'achètes là, je vais acheter un chien, elle s'en occupe même plus. Le chien, coûte 1000 euros, quoi. Non mais il y a un moment, il faut que tu sois... Thibaut, il y a un moment, faut que tu ouvres les yeux, Thibaut. Là, t'es en train de te faire niquer, enfin, trop tard, mais pour les prochaines. Maintenant, je fais attention avec les filles. Maintenant, je limite à 3000. Ouais. Voilà. Non, maintenant, non, c'est même plus, c'est, on sert foot, et puis pour avoir des sous, il faut le mériter, quoi. Bah, il faut faire une petite pipe, tout ça, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Avec la fille, j'ai même pas fait de sexe rien. Non, oh, mec, non. Ah, putain. Pas, elle m'a dit, bah non, j'attends que ça dure et tout, puis en fait, pendant 5 mois, bah... Elle m'a complètement baisé. À cause d'elle, ça devient triste parce que le discours que t'as, tu dis maintenant faut le mériter pour avoir des sous. Bah, ouais, maintenant, ouais, tu dis, j'ai même pas sauté quoi. Bah, les filles, même s'il y a encore des filles sérieuses, bah, il faut remériter parce que. Je comprends, moi pour 6000 euros, je pensais que tu l'avais au moins sodomisé une ou deux fois. Hein. Ouais, voilà, bah, maintenant c'est vrai que il va falloir montrer que. Enfin, montrer pas de blanche! Ouais, voilà. Ben oui, exactement. Non, mais soyez moins crédules quand même, là, pour le coup, oui. Thibaut, là, quand même. C'est pas sérieux, quoi. Bon, en tout cas, fais attention pour les prochaines fois. Hein. On a un petit message, là, éventuellement, pour Sandro sur adoptamec.com. Bien sûr, il y a un monsieur qui lui demande si elle veut une rencontre coquine. Ben bien sûr. Et sinon, il y a Astronaute qui dit bonsoir, jolie speakerine. Speakerine. Oh, le bouffon. Oh, une speakerine. Mais sinon, Sandro se plaignait de l'âge, mais heureusement. J'ai réussi à lui trouver un mec vachement bien. Ah. Il s'appelle Lip Story, il a 50 ans. Ah, ça c'est bien. Voilà. C'est très bien ça. Je suis pas un papa non plus. Ah, dans 10 ans, il clame, tu récupères toute son. Bon, il a 60 ans, c'est toi quand même. Hein. Par contre, tu dis des trucs, mais il est pas trop mal. Et surtout, il a l'air blindé. Ah ouais, c'est bien, ça, ouais. Ah, du coup, elle s'approche. Hein. Non, vénale. Il commence à me lever quand il a dit pas trop mal. Ouais, arrête. Ouais, vénale. Regarde. Non, il est. Pour un mec de 50 piges. Il est grisonnant, mais il est charmant, mais non. Il est trop vieux. Il est blindé. Mais je m'en fous, moi, de l'argent. Bah, toi, tu as déguisé en meuf. Je veux un amoureux. Oh là là, quel chiant, toi. Ouais, moi, je suis une bisounours. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, continuez. Hein. Adoptamec.com, vous cherchez Sandra. Sandro, fin de radio, vous la trouverez. Ah, hein. L'info adop. Sinon, il y en a un qui fait moi, je suis en mode chat. C'est pas ce qu'il veut, mais. Bah, une chatte, à mon avis. Ah, peut-être. Je pense. Parce que dans la description, tu as mis que j'étais en chien. Non, parce qu'il y a une suite au message. Il fait genre, j'arrive en ronronnant, je me frotte un peu, traverse la salle à manger en courant, puis vient des petites lèches avant ma langue râpeuse. Oh là là. Essaye, ça sent drôle. Ça m'excite, tu m'as demandé ? Ah non. C'est comme il vient de parler de chat, là. Non. Un petit ronron. Non. Hein, bon. Putain, t'es relou, hein, quand même. Je suis chiante, ouais. Oui, effectivement. À quel moment le mec qui a encodé les sons a mis ça ? C'est un chat qui crache. Parce qu'il faut le savoir que les chats, parfois, quand ils sont vénères, ou tu sais, quand ils disent « Ouais, je te jure », tu vois, ils crachent pour prouver. Bah, c'est pareil, le chat. Je sais pas, celui qui a encodé ça, à quel moment il s'est dit « Tiens, le chat, il peut cracher ». C'est bizarre, quand même. Bon, bah, Thibaut, merci à toi d'être passé, en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Bah, c'est gentil, pas de soucis. Avec plaisir. Je voulais juste vous dire que vous déchirez tout et vous allez détrôner Skyrock, je pense. Ouais, bah, écoute, merci pas d'argent à Thibaut. Pour nous, là, parce qu'on a besoin des 6 euros, nous aussi. Eh, t'as pas un peu d'oseille ? Pour acheter quelques auditeurs. Thibaut, je t'aime, on peut être. Ah, y a pas de soucis, moi aussi. Et en plus, à cause de mon ex, je peux même pas m'acheter GTA, ni rien du tout. Non ! Je perds des économies dès que je travaille. Ah, bah oui, forcément. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, bah, hey, bon courage, Thibaut. Hein. Bon, merci. À bientôt Thibaut, salut à toi, salut, ciao. Salut, merci. Bye bye. Bon, c'était bien essayé. Envoyez-lui 2-3 autocollants, c'est pour moi. Bon, merci Polo, montez même. Vous voulez une blague pourrie de double U sur Adopte un mec ? Vas-y. Alors comme ça, tu aimes les micros ? C'est naze. Ouais, le mec il a mis que ça pour. Ah, c'est tout ? Ah oui, c'est tout. Et tu réponds ces gens ? Non. Ah bah tu devrais, bah, son drôle va faire ça ce soir, ça va être bien ça. Bah t'inquiète pas, il y a déjà 100 personnes. Hein. Ah, nous voilà rassurés. Bon, allez, dans un instant, la demande en mariage avec Willy là, qui nous avait fait la colle, qui voulait demander sa copine en mariage. Willy, t'es toujours là ? Toujours. Bon, on fait ça juste après Linkin Park, d'accord ? Juste après, ok. Eh bah c'est parfait, bouge pas de là, c'est Mickaël No Limit, on continue à parler de ce que vous faites sur les chiottes. Est-ce que vous lisez, est-ce que vous êtes sur votre smartphone, vous êtes sur internet, Facebook, Twitter, etc. Venez nous balancer vos messages, prenez le contrôle, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On fera également un gagnant pour GTA 5 tout à l'heure, le jeu sur PS3 ou sur Xbox 360 si vous voulez le gagner. À vous de faire un like maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je vous l'avais fait découvrir il y a 3 jours maintenant, au nouveau son de Linkin Park et Steve Aoki, A Light That Never Comes sur Fun Radio. Bonne soirée. C'est Fun Radio avec Linkin Park à l'instant et Steve Aoki, c'était A Light That Never Comes sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Exact. Et plein de messages qui arrivent aussi. Il y a Everything is Magic aussi qui avait envoyé un message là. Où est-ce qu'il est celui-là? Plein. C'est une tuerie, Linkin Park, j'adore. Ah ouais, on adore aussi nous. Let's Be Freaks, il dit: je suis en chaleur, viens vite me souiller, tof. Oh merde, la violence de mes propos, j'ai honte. Il y avait quoi aussi? C'est quelqu'un de lucide. Ouais, il y avait Nico qui dit: moi sur les chiottes, je regarde aussi les magazines de cul. Le pire, quand je chope une érection, j'ai la bite qui sort du chiot et du coup, je peux plus pisser. Génial. Il y a Oliver aussi qui dit: aux chiottes, l'iPad c'est mieux. Le prince Eda qui dit: pour moi, c'est un livre de mots fléchés qui m'accompagne aux toilettes, histoire de me concentrer sur autre chose, j'ai envie de dire. Il y a quoi aussi? Megumi qui dit: je trouve ça dégueulasse de faire autre chose aux toilettes que ce qu'on est censé y faire. Et Laurine qui dit: quand je suis aux chiottes, j'écoute de la musique, je joue à Candy Crush Saga et je surfe sur le net. Je lis aussi parfois des livres. Et puis Mr. Steven qui dit: moi idem, je fais rien quand je suis aux toilettes, je vois pas l'intérêt de rester longtemps là-dedans. Bah ça dépend après, si effectivement tu dois juste pisser, tu fais rien, tu vois, ça va vite. Et puis parfois ça dure plus longtemps. Et puis il y en a qui aiment bien d'être sur les chiottes. Bah ouais, et puis c'est sympa de profiter de l'odeur. Ah ouais, super, ouais, t'es bien installé. On chiotte, on écoute Mickaël No Limit. Oui bah vous sentez pas obligé, hein, DJ Bobru. Let's Be Freaks aussi qui dit: aux toilettes, je prends mon iPhone, mais juste pour lire mes mentions sur Twitter ou mes SMS. Et Younes qui dit: au shot, j'éteins la lumière et je mets l'appli flash en mode SOS party. L'autre il se fait une boîte de nuit dans ses chiottes. C'est original, pourquoi pas. Bon, on va encore faire un ou deux appels avant de faire la demande en mariage là. Mais un oui. Ou deux appels. Allons-y. Sinon j'ai une mauvaise nouvelle. Ah vas-y quoi. Oui, nous avons été bannis d'adopter un mec. Non. Eh si. Oh qu'ils sont cons. Oh qu'ils sont cons. Oh qu'ils sont. Oh qu'ils sont cons. Oh merde. Il y a une raison, ils donnent la raison ou pas? Ouais, compte suspect. Compte suspect. Comment ça compte suspect? On a une vraie meuf qui cherche un vrai mec. Ah ouais, mais nous sommes un compte suspect. Oh qui sont cons. Putain, si vous écoutez chez Adepte un mec, vous êtes pas futé là quand même. Hein, au lieu de prendre renseignement. Au lieu de vous renseigner, sans déconner. Oh qu'est-ce que vous voulez. Bon, allez, c'est parti, on fait encore un petit appel, Toff là. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va, dans le but évidemment, de que tu lances ta Pip School. Voilà, Pip School, voilà, puisqu'en en Russie, apparemment, c'est un nouveau truc un peu tendance. Hein, c'est qu'il y a la possibilité de rendre des cours de fellation. Oui, voilà. Moi je trouve ça une très bonne idée. Bah écoute, je trouve ça une bonne idée aussi parce que il y a beaucoup de filles hein, qui utilisent les dents. Hein. Oui, non, il y a beaucoup de filles qui ont besoin de. Qui ont besoin de cours. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Oula, ça sonne fort là. Allez, c'est parti. On va voir comment ça se passe à cette heure-ci. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'est pourquoi? Bah c'était pour savoir si vous étiez bien sucé à la maison. Quoi? Je voulais savoir si votre femme vous fait de bonnes pipes. C'est qui là? Moi c'est Toff. En fait je viens de créer ma nouvelle école, ça s'appelle la Pip School. Ah, ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça, hein. Bah je suis déçu. Hein. Oui complètement, on le rappelle. C'est parti. Puis on aura Martin Garrix comme premier, Canimals, dans quelques instants. Puis si vous voulez écouter des sons, hein, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas à demander. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, c'est qui? Oui, c'est Toff, j'étais en communication avec votre mari. Oui, c'est qui? C'est Toff. Et en fait, voilà, je vous appelais parce que je viens de monter la Pip School. Et du coup, je voulais savoir si ça se passait bien avec votre mari au niveau du pompage. Qu'est-ce que vous parlez, là? Bah, est-ce que... est-ce que vous sucez bien votre mari? Allô? Et on entend le mec derrière, ben raccroche, hein, c'est un imbécile. C'est un imbécile complet, évidemment. Bon, pas de succès pour l'instant, on en garde encore un sur le côté. Hein. Ouais, je suis assez déçu. Bah écoute, ouais. Bon, allez, c'est pas grave. Avant de reprendre Fabien dans un instant, qui nous appelait, pourquoi Fabien? Sois le bienvenu. Fabien? Fabien? Non, Fabien. Ah, il est là, Fabien de Bordeaux, là. Comment ça va, Fabien? Ouais. Ça va, ça va. Tu nous appelais pourquoi, toi, Fabien? On va parler de quoi dans un instant avec toi? Non, bah on va parler de rien du tout, on va te rappeler Fabien parce que ça ne marche pas du tout le téléphone, c'est pas grave. Loïc avec nous également de Paris, salut Loïc. Ouais salut. Ça va bien? Ouais toi? Ça va tranquille. Bon alors Loïc, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Bah genre j'ai trompé ma meuf et je voudrais des techniques pour m'endormir un peu. T'inquiète, je vais t'aider mec. Ah ouais bah Toff, t'as frappé la bonne porte Loïc, t'inquiète. Ouais, je sais. On va t'aider dans un instant. Mais avant cela, Willy voulait faire une bande en mariage à sa copine et ça c'est beau. Oh oui. Willy le retour. Il va s'en fout là. Allez, c'est parti, t'es sûr t'as bien réfléchi Willy hein. Après tu seras pieds et poings liés. Le mariage va te coûter de l'argent, le divorce aussi, enfin c'est un budget quoi. Est-ce que tu as bien pesé le contre et le contre? Tout est bien posé. Tout est bien posé. Bon, oh et ben écoute. Il n'y a plus rien à faire. Malheureux. On y va. Comment s'appelle-t-elle? Marie-Pierre. Ah ouais, rock'n'roll en plus comme prénom, c'est parfait. Bon, on y va, on l'appelle. Marie-Pierre, elle était super bonne. Ouais, je sais que vous en foutez, mais j'avais envie de partager complètement, ça. Oui, complètement. Bon, on y va, Willy. Tu l'appelles et puis demande en mariage. Mais tu as déjà fait des allusions ou c'est une improvisation totale? Non, j'ai déjà fait. Oh merde, c'était pour savoir si on les laisse marrer, mais a priori, on va pas se marrer. Bon, bah écoute, pas grave. On sait jamais qu'elle soit avec un autre actuellement, on sait jamais. En même temps, il t'a dit qu'elle avait fait des allusions. Ça veut pas dire qu'elle avait dit oui la première fois. C'est pas faux. On y va, on appelle. Bon, on a prévu la marche nuptiale, bien évidemment. Et le cas contraire. Au cas où. Tout est prévu, quoi. Voilà. Et au cas où aussi. Allô? Allô? Oui? Oui, c'est moi. Oui, tu m'appelles en privé? Oui. Bah oui. Dis-moi, là je suis sur... Tu es sur quoi? Sur la radio? Comme d'habitude, ah, oui. Nous allons le laisser en galère. Bah oui. Parce que là, il nous entend pas. C'était pour te demander quelque chose. Oui, vas-y. Donc, la question, c'est... Est-ce que tu veux bien m'épouser? Bah oui, je le veux. Oh. Oh, c'est mignon. Ah oui, c'est beau. Oh, c'est mignon. Oh là là. Alors que ça aurait été quand même vachement mieux que tu répondes. Oh merde, pardon, je me suis trompé. Ça aurait été quand même vachement mieux que tu répondes, je sais pas moi, un truc sympathique comme ça, Marie-Pierre. Au hasard, hein. Nique ta mère. Tu vois, là j'aurais dit, ok. Oh, t'as tout niqué. Là, t'as tout détruit. Mais non, c'est génial. Bon, Marie-Pierre, est-ce que tu es certaine? Réfléchis. Oh, oui, je suis certaine. Non, mais réfléchis un peu. Ouais, réfléchis. Est-ce que t'es sûre et certaine? Je veux pas un t-shirt. Comme, oui, dit Toff, est-ce que t'as pesé le contre et le contre? Ah oui. Bon, bah écoute, là, on peut plus rien pour toi, hein. Ça fera des frais. Le divorce fera des frais. Ouais. Les enfants feront des frais. La maison. La maison, le chien, le monospace. Et c'est après, il va falloir se battre pour avoir le monospace. Lui voudra le chien. La maison fera la couper en deux. Le gosse, il ira le lundi. Voilà, ça va être. Un quart, ça sera mieux. Un quart. C'est une idée. Si tu veux faire 15 gosses, c'est une idée également. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, bah écoute, félicitations en tout cas, Willy. Bravo, Marie-Pierre. C'est notre premier mariage que nous célébrons à 1h19 ce soir. Ça fait plaisir. Bon. À bientôt tous les deux. À bientôt. Vous n'oubliez pas de nous envoyer des dragées. Hein. Nous inviter, ouais. Ouais, ou de nous inviter aussi. Vous voulez pas mettre un peu d'ambiance là, Willy hein? En plus, à Nice, tu nous invites, on vient pour la plage. Hein. Toff, tu veux gratter de la bouffe, quoi. Ouais, évidemment. Évidemment, évidemment. Toff, il fera le DJ sinon. Le presque DJ. Ouais, le presque DJ. Je rappelle qu'il n'est pas vraiment DJ. Enfin, non, il n'est pas suis DJ. Presque DJ. Oui, mais alors, enfin, plutôt presque que DJ. Bon, enfin, faut... bon ben, salut Marie-Pierre, salut Willy, gros bisous à vous deux. Salut. À bientôt. Merci. Salut à vous. Bientôt. Allez, bye. Je rappelle qu'il y a toujours les t-shirts GTA à gagner, les t-shirts officiels, attention, de GTA. Si vous voulez voir à quoi ils ressemblent, ils sont disponibles sur le Facebook de l'émission maintenant. Vous tapez MIKL officiel pour aller voir à quoi ça ressemble. Bon. Loïc. Ouais. Le retour de Loïc. Il y a Banana qui dit aussi, oh putain, gros blanc de taré avant le oui, je le veux. J'ai cru qu'elle allait hésiter. Ah ouais, moi, elle aurait dit mais non. Je crois qu'elle a hésité, hein. Je crois qu'elle a un peu hésité. Il y a Clem qui dit, oh c'est mignon, mais oui. Clem non. Qui dit, grâce à Fun, ils vont se marier. Bon, c'est pas vraiment grâce à nous, hein. On a joué l'intermédiaire, mais bon. Et Stéphanie qui dit, personne n'est intéressé par la Pip School de Toff. Visiblement, la France est bien sucée. Oui. Bah écoute, je suis oui. Très déçu. Ouais, et la Belgique aussi, puisqu'on avait appelé à Charleroi également, et pas de problème a priori, hein. A priori, ouais. Quoi. Et I'm Not Superman qui dit, coup de pelle pour la gueule de Toff. D'accord, ok. Dans sa gueule, c'est aussi simple que ça. Bon, et Clem pour terminer qui dit je vous déclare mari et femme jusqu'à ce qu'une salope vous sépare. Oh, c'est bon ça. Allez, on va la retenir, oh, Clem. Putain. Ah ouais, on va la retenir celle-là. Putain, je c'est la bon ça. Pas, ouais. Ah moi non plus, tiens, je vais la garder. Bon, Loïc. Bon, sois le bienvenu Loïc. T'appelles de Paris, t'as trompé ta meuf et t'as tes potes qui font des allusions et en fait toi t'aimerais bien l'enfumer quoi. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as trompé comment? Avec qui? Dis-nous tout. Ben en fait, c'était avec une autre meuf que on était potes et genre elle m'a chauffé, on a fait des préliminaires et voilà. Ah ouais, après... ouais. Donc tu l'as pas trompé à moitié quoi? T'as bien été jusqu'au bout quoi? Ouais, mais vite fait, voilà. T'as été jusqu'au mais... fond des choses. Ouais, mais après mes potes et la meuf elle a dit à mes potes et maintenant mes potes ils font des allusions devant ma meuf. Bah oui, mais forcément. Mais en plein sens, c'est des connards, ils pourraient quand même fermer leur gueule. Hein. Qu'est-ce qu'ils font comme allusion? Ils font quoi comme allusion à peu près? C'est pas genre des cas des meufs qui passent et disent « Ah, elle est belle, elle, tu voudrais pas baiser et tout. » Tu vois, ils font des trucs comme ça et à force, ma meuf... Ouais, mais tu sais quoi, t'as qu'à dire à ta meuf, tu dis « Putain, c'est vraiment des gamins, quoi. Laisse tomber, vas-y, non, t'as vu, moi, je suis mature et tout. » Elle est sans doute vraiment, tu vois. Ah bah oui, mais bon. Et quoi, la meuf que t'as pécho, là, c'est une amie commune ou c'est vraiment quelqu'un qu'elle connaît pas du tout? Non, ils se connaissent pas. Ouais, mais alors y a pas de risque, tu t'en fous. Bah voilà, c'est ça. Toff, tu fais quoi en général? Moi, j'utilise la technique très simple du genie. Hein, même pris la main dans le sac, en train de lui envoyer un message pendant que je suis en train de la prendre en levrette. Je nie. Toujours nié, quoi. Et l'oubli. C'est-à-dire qu'il change de truc. En fait, il fait comme si de rien n'était. Ouais, c'est ça. Ouais, le changer de conversation, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'une meuf, elle t'embrouille avec un truc et toi, tu pars sur autre chose. Ouais, mais justement, ça fait 3 semaines qu'elle s'en doute. Et à chaque fois, je nie, mais elle commence vraiment à s'en douter fort. Bah... N'avoue jamais. Ouais, non, jamais avoué, hein. Non, jamais. Mais ça c'est clair. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu. Pas lui avouer. Nous avions un grand webmaster, fut un temps, et c'est lui qui m'avait inculqué ça. Comment? Non, un gros webmaster. Un gros webmaster. Grand. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, même si tu te fais griller par ta meuf alors que tu es en plein coït avec ta maîtresse, toujours nier. Tu dis, ouais. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu lui mets le doute jusqu'au bout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas, je ne vois pas. Je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Je ne comprends pas. Voilà. Moi, je vais pas lui avouer, mais voilà, quoi. J'aimerais une technique pour qu'elle soit vraiment convaincue que je l'ai pas trompée. Mais tu fais. Ouais, mec, mais ça c'est chaud, hein. Non, mais non, tu fais le beau gosse, tu lui offres des fleurs, tu vois, le romantique. Je suis pas un pigeon, tu vois. Non, mais t'es pas un pigeon, c'est juste tu fais le romantique pour qu'elle oublie, tu vois. Tu lui fais 2-3 petits cadeaux un peu, tu vois, même des trucs à la con, tu vois, juste des trucs, tu sais que ça lui fait plaisir. Ouais, mais ma meuf, tu vois, c'est pas une conne, tu vois. Bah si, parce que là tu l'as quand même prise pour une conne dans l'absolu, hein. Mais si, mais toutes les meufs elles aiment ça, tu vois, dès que tu montres un peu d'âme. Toutes les meufs sont des connes, je pense. J'étais persuadé que t'allais sortir cette connerie. Non, je ne le dirais pas, mais je l'ai pensé. Mais non, toutes les meufs, franchement, quand on a un doute, on lâche pas l'affaire, hein. Faut arrêter de croire, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais elle va jamais lâcher l'affaire si elle a un doute. Mais si, elle va lâcher l'affaire au bout d'un moment. Mais si, là, non. Comment? Mais non. Dis juste qu'elle veut entendre surtout. Mais ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est ça. Mens lui. Non mais arrête, c'est pas ça. Dites-nous, bon, attendez. Dites-nous les filles, est-ce que vous avez déjà été trompées? Bon là, je pense que le temps d'art va saturer. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Comment vous l'avez appris? Comment vous avez réagi? Et surtout, comment est-ce que le mec a essayé de vous la mettre à l'envers? Voilà. Et puis les mecs, hein, si vous avez déjà réussi à la faire à l'envers à votre copain ou votre copine, là aussi, venez nous en parler. Donc pareil, hein, 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, 02 851 4x0. Tu restes avec nous, Loïc? Ouais, ok. Bon, parfait. Est-ce qu'on a rappelé Fabien là? Est-ce qu'on l'entend mieux? Fabien, t'es là? Oui. Parfait. On va parler de quoi dans un instant avec toi, Fab? Pareil que Loïc. C'est-à-dire, t'as aussi trompé ta meuf et t'essaies de lui faire à l'envers? Oui. Bon bah très bien, bah, on va en parler, spécial infidèle ce soir, c'est cool. Bon, on fait ça dans un instant sur Fun Radio. Et puis on va également lire pas mal de messages qui sont arrivés aussi là. Il y a Enzo qui dit comment on gagne les t-shirts Los Santos, les GTA. Et bah il suffit simplement d'aller sur le Facebook de l'émission maintenant là, facebook.com/mikaelofficiel. Tu fais un like sur la photo où il y a les t-shirts. Et puis on tire au sort tout à l'heure avant 2h du mat. Il y a un message aussi qui est arrivé, moi en trompant ma copine, tout le monde s'en doutait et surtout elle. Donc je lui ai dit, on s'est séparés et on s'est remis ensemble. Et c'est encore plus beau qu'au début, ça ne sert à rien de nier, toujours dit la vérité. Bon, je suis pas d'accord avec ça, non. La vérité ça sert pas à grand chose parfois. Je vous expliquerai pourquoi juste après le son de Martin Garrix. Il y a Soussou aussi qui dit, et là je me marre, si ta nana écoute la radio et qu'elle te grille, elle va t'appeler et t'envoyer chier direct. Ah oui, c'est pas faux, effectivement. Oui, c'est vrai. Bon, on en parle dans un instant sur Fun Radio et on écoute évidemment un son que vous avez découvert dans Party Fun, bien entendu. Le son de Martin Garrix sur Fun Radio, c'est Animals. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h du mat en direct sur Fun Radio. Et oui, ne cherchez pas ailleurs, de toute façon il se passe rien ailleurs. Martin Garrix, c'est maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée, bonne nuit avec Fun. Sur Fun Radio, l'instant, c'était Animals. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous avez encore fait les couilles longtemps, là. Mickaël, Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et dans un instant, je vous cale Basto sur Fun Radio, là, le Belge avec Dance With Me. Voilà, Basto, vous avez aussi découvert dans Party Fun d'ailleurs. Dance With Me sera dans un instant sur Fun Radio et Party Fun tous les week-ends évidemment à partir du vendredi, samedi et dimanche, bien sûr sur Fun Radio. Et si vous voulez écouter un son en particulier, on est encore là pendant 30 minutes, donc allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Vous mettez le hashtag Mickaël et puis vous demandez un son tout simplement. On fait d'ailleurs un petit tour au niveau des top tweetos, Tof. Bien sûr. Ben voilà, puisque je rappelle que tous les soirs, entre 23h et 2h du mat, eh bien, on élit donc le... Eh ben l'auditeur le plus influent, les 5 auditeurs les plus influents donc sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. Le principe est simple, il faut balancer un maximum de messages. Et polluez pas le truc parce qu'on envoie dire vraiment de la merde pour dire de la merde. Hein. Ça sert à rien, laisser des vrais messages quoi. Ça sert à rien de faire du flou ou des trucs comme ça. Je compte sur vous. C'est le but, c'est pas de polluer la page non plus. Donc on voit la personne la plus influente. Voilà, vous mettez le hashtag et Mickaël sur le Twitter. Et puis dans moins une demi-heure, on fera le tirage, mais on vérifiera les résultats. Alors quel est le numéro 4? Le 5 Le 5, c'est Fullness Hope. Fullness Hope, c'est nouveau ça? Non, je crois qu'on l'a déjà eu, mais il n'était pas resté longtemps. D'accord, ok. Bon, en tout cas, il n'est pas là souvent. Donc, bienvenue à toi, Fullness Hope. Numéro 4. Numéro 4, c'est Henri Debuche. Henri Debuche, très bien. Oui, nous l'avons. Et puis, on vous cache évidemment les 3 premiers. Vous verrez tout à l'heure qui sont-ils. Est-ce que le 5e et le 4e vont rester comme ça? On verra bien. Est-ce que c'est serré en tout cas? Alors les quatre premiers c'est serré et la première bon c'est comme d'habitude, c'est des Bifflix pour l'instant, voilà, quoi. Pour l'instant ouais donc en gros elle a de l'avance, donc allez-y en termes de hashtag là, n'hésitez pas surtout. Il y a des messages qui sont arrivés, il y a indissociable, j'imagine qu'il faut le dire à la française. Message qui dit ce son, ma mère gueule parce que je le mets à fond là. Ah oui, Martin Garrix, bah t'as raison, il faut mettre à fond. Stéphanie qui dit aussi, ah oui, par rapport au cocu là, hein, n'est-ce pas Loïc? Ouais. Voilà, qui a cocu sa copine et donc comme il y a ses potes qui lui font sous-entendre à sa copine, bah il aimerait bien essayer de lui faire à l'envers. Il y a Stéphanie qui dit, j'ai su que j'étais cocu en fouillant le téléphone, le Facebook et en installant un keylogger sur l'ordinateur. Putain, on a une meuf qui s'y connaît là. Ah ouais, on a Colombo avec nous là. Non, c'est Joséphine Ange Gardien qui est avec nous. Et il y a une autre Joséphine là justement qui dit, moi Mickaël, mon premier mec m'a trompé avec des meufs que je connaissais trop bien, du coup pour me venger j'ai couché avec son cousin qui était un meilleur ami du coup. Meilleur coup que lui en plus. Waouh, cool. Steven qui dit aussi, il se fera griller en faisant ça, c'est avant qu'il fallait gérer le faire avec une fille que même tes potes ne connaissent pas, il en faut toujours une. Et aussi prévoir sur son téléphone les SMS, etc. Il faut les supprimer. Il y a toujours le risque qu'elle mate avant ou le mieux en fait. De quoi? T'as tout supprimé? Ah bah très bien. Et alors il dit aussi, ou le mieux, tu mets le numéro de ta maîtresse en boîte privée et là ça n'apparaît pas dans ta boîte de réception SMS. Ah putain, on a affaire à un spécialiste. Moi j'ai toujours, bah pour le coup j'ai jamais trompé ma meuf, jamais aucune de mes meufs, mais j'ai tellement la poisse que non, déjà j'arriverai pas à gérer deux vies, c'est juste déjà une c'est difficile, mais deux vies c'est compliqué. Et pour vous dire à quel point j'ai la poisse, un jour je vais avec une copine, donc qui était une copine, hein, j'étais avec ma meuf mais on n'était pas ensemble, donc je vais avec une copine dans un truc pour bouffer, c'est un espèce de pauvre resto pourri quoi, un endroit où j'ai jamais vu personne. J'arrive, qui je vois? Un pote à moi. Non. Qui connaît au plus ma copine. Ah bah dis donc, bah qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je viens manger. Mais il a rien dit, tu vois, c'est pas le problème. En même temps, j'ai rien à cacher. Mais c'est juste pour dire à quel point j'ai la poisse. Première fois où je vais manger avec une copine que ma copine connaît pas, et paf, je tombe sur quelqu'un. T'imagines cette poisse quand même. Ouais. Donc c'est pour ça que je me dis, je laisse tomber, ça sert à rien. Parce que sinon c'est une galère et tout, je deviens ouf. Alors que Tof a plusieurs vies. Oh là. Oh bah mec, c'est-à-dire que lui c'est comme le chat, il a 7 vies. Oh, ouais, c'est ça, ouais. Il en a 7. Mais sauf qu'il retombe pas toujours sur ses pattes, contrairement au chat. Si, je finis toujours par retomber. Ouais, mais les pattes cassées, hein, tu as un chat boiteux quand même. Hein. Oui, bah oui, mais bon, après le chat boiteux se remet et puis il repart en chasse. C'est ça. Il a un laideron dans toutes les villes de France. Exactement, ouais. Exactement. Il y a Megumi aussi sur Twitter qui dit, moi mon mec m'a déjà fait cocu pour me venger. Oh putain, j'ai couché avec son père et je l'ai dit à sa mère et ça a foutu un beau bordel. Faut pas me tromper moi. Wow. Oui, effectivement Megumi, on a bien vu. Hein. Bon, il y a Olivia qui est avec nous maintenant là de Verneuil-sur-Seine dans le 78. Salut Olivia. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Bah ouais, tranquillement, ouais, sois la bienvenue. Bon, tu fais quoi là ce soir là? Tu vas aller dormir bientôt ou tu travailles? Tu fais quoi? Je vais aller dormir. Tu vas bien dormir? Bon bah très bien. Tu travailles à quelle heure demain matin? Je travaille pas en ce moment. Oh bah ça va, donc tu peux rester avec lui jusqu'à 2h. Mais non, je crois pas que non. Oh si, 2h, c'est dans 25 minutes. Ouais. Bah ouais, Olivia, t'as même pas un mec là? Non, j'en ai pas là, je suis mort. Oh putain, c'est la galère quoi. Ouais. Bon attends, on sait jamais. Quoi, Olivia, pardon. Excusez-moi. Là, là, blou, blou, blou, blou, on en dit sa vie immobilière qui démarrait pas. Mais non, mais c'est parce que je sais. Enfin, bon, bref. Non, c'est parce que les gens veulent pas des t-shirts. Enfin, ils me prennent la tête avec les t-shirts là. Ouais, c'est pas grave. Mais si t'en veux pas, Toff, hein, je m'en fous. Hein. Bon, Olivia, combien mesures-tu? Allez, pose caca, roule, petit pose caca. Combien mesures-tu, Olivia? 1,74. 1,74. Combien pèses-tu? 25 kilos. Je vais pas le dire à la radio, s'il te plaît. Bah si, mais si. Donne-lui une fourchette. Non, non. Une fourchette. Je pèse moins de 100, vas-y. Allez, quel est ton tour de poitrine? 95 D. D'accord. D comme Denise. Voilà, je peux te dire que je suis blonde avec des yeux bleus et tout ça. Je peux te décrire mon rêve en fait. Ouais, et ton rêve. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Pardon, j'ai pas entendu. La taille du dernier pantalon que t'as acheté? Je vais pas te le dire, mais tu rêves. Ah ouais. 36. Ouais. 36, ouais, c'est ça. Ouais. 36 pour moi. Comment je rêverais de mettre 36. D'accord, on m'en compte, j'ai pas rien, quoi. Ah ouais, comment je rêverais, ouais. Bon, Olivia, donc toi, tu nous appelais pour réagir aussi au niveau de la tromperie, là. Voilà. De bon, la alors, tromperie. Vas-y, explique. Et je veux que tu me donnes ton point de vue de mec, tu vois. Ouais. Il y a un mec avec qui j'ai été. En fait, je crois pas que j'étais amoureuse, en fait. Je crois que je me suis attachée à la personne. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Le problème, c'est qu'on a commencé à passer pas beaucoup de temps. Tous les jours. Et je reconnais, je suis Colombo en fille, tu vois, moi je fouille, je traque, je sniffe, il dort, je respire. Tu sniffes pour savoir si ça sent mon Dieu. Non, ouais. Dans le cou, tu vois, pour savoir si ça sent pas le parfum bizarre, tu vois. Oh, je fouille, s'il n'y a pas des cheveux par terre, quand ça sniffe. Je retourne les poches pour être sûr qu'il n'est pas allé au restaurant. Ah ouais, et toi, t'es déjà passé dans le confesseur intime, toi, non? Non, pas encore. Ah mais ça va arriver, hein. Avec un mec du tuning. Ouais. Dans mes recherches, tu vois, un matin, il y a un numéro qui appelle sur son fixe, tu vois. Donc ouais, après, vois, le mec, il s'habille, c'est tout beau, tu vois. Et ouais, il vois, fait ouais. une course à faire hyper importante. Donc moi, quand je reste à la maison, je me dis, il y a un bug. Je prends le fixe et je rappelle. Hop, je tombe sur une meuf. Et là, avec mes oreilles ultrasoniques, je remarque qu'il y a un bruit, tu vois. Donc je dis à la meuf, non, je me suis trompé de numéro. Et quand je rappelle mon mec, en fait, je vois avec... Tu vois, je constate qu'il y a le même bruit derrière, donc je conclue qu'ils sont ensemble. Donc quand je rappelle la meuf, elle me confirme, ben oui, j'étais avec lui ce matin. Ouais, il m'a baisé. Non, elle n'est pas allée jusqu'à là, je crois que j'aurais été touchée par le téléphone. Non. Elle me dit, non, mais on sort pas ensemble du tout, hein. Ton mec et moi, il n'y a rien. Donc après ça, je tape un scande, je rentre chez moi. Je tape un scande. Ouais, un énorme scandale. Ouais. Tu me jures, je pleure à la mort, je crie, je mais mors. Mais t'es pas sérieuse, Olivia. Ben, bien sûr que je suis sérieux. Qu'est-ce que t'es relou? Non, je suis pas relou. Ah si, attends, moi je suis avec une meuf comme ça, mais moi je te plaque, même si j'ai rien, même si je suis droit dans mes bottes, attends, non, avoir une meuf comme ça qui me prend la tête. Mais attends, je t'explique, le problème, c'est qu'il est malade, c'est un infomane, il peut se taper une meuf tous les deux jours. C'est tu vois, rien, et comme ça. C'est pas un info ça, une meuf tous les deux jours. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un mec normal, hein. Non, mais tu sais, je vais te dire, en fait, le c'est problème... C'est à cause de vous, tout ça, hein. Ouais, c'est voilà, ça, le ça. Problème dans le cocu. Tu vois, franchement, c'est ce que je lui ai dit. Je m'en fous qu'il trompe. Mais quand j'ai la meuf au téléphone, tu sais ce que le mec, il raconte sur moi? Non, c'est une folle. Elle me court après. Elle et moi, c'est terminé depuis longtemps. Je la connais pas. Mais ça, c'est le vice de tous les mecs, hein. Ouais, ça, il a plein. Tu fais pareil, hein. Bien non, sûr. Non. Ouais, parce que Toff, c'est un... Connard, va. Voilà. Merci pour celui qui a dit connard derrière. Franchement, Toff, j'adore. Mon biographe, mon biographe Polo parle en mon nom. Oui, Toff, voilà, c'est ça. Ça. En fait, Toff, il est là. Il est posé. Et puis, il y a toute une meuf qui vient... Ah bah il est beau, alors que c'est pas vrai, on le bah sait. Oui, c'est ça. Donc Toff, on le voit sur Twitter, hein. Oui, Toff. Les meufs qui disent ah, j'ai envie de me taper Toff, il est tellement beau. Elle veut se faire souiller par ça. C'est la Ligue Braille qui nous écoute ou quoi là? Et donc Toff il est là, elle lui. Alors Toff il sait pas dire non. Ouais oui. Donc ça. Il est là, et puis je sais pas, il est pris dans une espèce de relation, et puis c'est parti. Et puis c'est parti, puis après, mais jusqu'à ce qu'il y ait un mur qui l'arrête. Il en a 5-10 ans, il se fait oublier. Ouais, voilà, c'est ça. Il rend service, en fait. Voilà. Il rend service, on peut voir ça comme et ça, et effectivement. Après, la meuf revient, c'est un humaniste. Mais après, la meuf on revient, applaudit mais je m'en souviens ce grand pas. Ouais, c'est ça, tu parles, arrête ton cinéma, arrête merci ton cinéma. Polo, merci, mais oui, merci, mais Polo. Oui, mais oui. Bon, il y a Stéphanie aussi qui met une question, là, qui est en couple dans l'équipe, là, Mickaël. C'est pas de la drague. Oui, moi, oui, Stéphanie. Bah, Toff, il est en multicouple. Oui, c'est ça. Ou multicélibataire, ou après avoir, quoi. Tout. Voilà, et Polo, lui, 100% pur célibataire. Bah, j'essaye, hein, t'as vu ce 100% midi, pur bœuf. Hein. T'as vu ce midi, j'ai essayé, j'ai foiré encore. Ça a été mauvais. Mais j'ai pas été mauvais. Pour ceux qui étaient pas là ce matin, pour ceux qui étaient pas là ce soir à 23h quand on a commencé, donc on va bouffer avec... T'as entendu, toi, Olivia? tout à l'heure à, 20, à 23h. Ouais. Moi, j'ai entendu, moi. D'accord. Et donc, coup, bah, on va bouffer avec Polo. Donc, la serveuse était gentille. Hein. On avait vu sur son badge qu'il s'appelait Marie. Donc, Polo, il commence à dire Marie, machin, et pourquoi vous me donnez. Enfin, bon, bref, il commence à lui prendre la tête. Donc, à un moment, elle revient et elle dit ah, mais vous connaissez mon prénom et comment vous vous appelez, vous? Et puis, Polo, il dit bah, moi, c'est Polo. Lui, c'est Mickaël. Et puis après, il termine par et vous pouvez nous retrouver sur Fun Radio tous les soirs à partir de 23h. L'autre, il se la ramène. Il lui dit bah, si. Quand tu parles là-dedans, tu parles comme ça. Et tu exactement. Non. Exactement. Et il a même demandé qu'on mette de la musique. Hein. Il était là. Ouais. Et vous le retrouvez sur Fun Radio le soir. Ok, t'as compris, ma belle. Et là, après, il s'est levé. Il a jeté sa carte Platinium. Il est parti. Et elle ne l'a jamais rappelé. Ouais. Mais voilà. c'est pas ce qu'elle rate. Je l'aurais écrit des poèmes. Par contre, c'est ce qu'elle gagne, à mon avis. Hein. Bah non, c'est pas. Ouais, elle sait ce qu'elle gagne, le prix de l'addition. Ouais, c'est ça aussi. Bravo, ouais. Espèce d'enfoiré. Je te défends depuis tout à l'heure et là, tu me défonces. Exactement. Non, je t'ai pas défoncé. Bon, d'accord. Olivia, un mec qui arrive et qui dit ouais, tu peux me retrouver tous les soirs à la radio. Tu kiffes ou tu te dis attends, c'est quoi ce connard? Refais la voix, refais. Tu kiffes ou tu dis c'est quoi ce connard là? Non, refais la voix. Quelle voix? Qui me dit une radio. Bah je sais pas, ouais, imagine, Polo il dit oui, vous pouvez le retrouver tous les soirs sur Fun Radio à 23h. Franchement je kiffe, je prends un taxi et j'arrive. Même pas j'attends à la radio, je fous. Oh là là. Ah ouais, Polo, ouais, t'as peut-être une entrée là. Ouais, mais vu les mensurations là, t'as je peut-être peux une entrée. Pas. Attends, 36, oh. Blonde aux yeux bleus, non, c'est ce qu'elle a dit. Aux yeux blonde, aux yeux bleus, avec la peau un peu, tu vois... 90D. Brûlé, la 95, pardon. Non, mais moi j'aime pas les 95, j'aime pas les gros seins. Et surtout, Olivia, il faut surtout quand même. Ce qui est ça qui est quand même assez exceptionnel, c'est qu'il y a une expression comme ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et quand tu vois surtout la gueule de Toff, parfois c'est quand il fait des chiffres et des traits et qu'il dit oui, quelle horreur. Mais, il faut quand même voir le mec, hein, tu vois, si vous voulez. Hein, donc. Non, il est pas. C'est juste. C'est justement parce que je sais de quoi je parle que je peux me permettre. C'est ça. Ah, tu le trouves bien, toi, Olivia Toff? Bah, je le trouve pas mal, je le jetterai pas à la poubelle. Hein. Merci, Olivia. Oh, bon, bah, merci, je le jetterai pas à la poubelle. C'est comme un vieux yaourt qui est périmé, tu dis, bon, bah, je vais quand même ouvrir, on sait jamais. Ben, non, ça n'a rien à voir. Ouais. J'en connais plus moche. Sympa. Mais prends ça comme un compliment, toi. Mais je le prends comme un compliment. Donc il est moche, mais je connais plus moche. Il est gentil, quoi. C'est ça. Sur une échelle du moche de 1 à 10, je suis à 2, c'est déjà pas mal. C'est mieux que 1. Ça veut dire que c'est mieux que 0. Voilà. Avec le nombre de moches qui réussit à faire rire en un soir, et si on respecte femme qui rit à moitié dans ton lit, Encense-moi. Mais n'importe quoi. Fou, ça, jamais. N'importe quoi. Merci, Olivier. Bon, il y a Soso sur le Facebook, il y perçoit un mec qui me sort et vous pouvez me retrouver sur Fun Radio, j'explose de rire. Mais t'inquiète pas, la vie rigolée aussi, Soso. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Enzo qui dit Polo le dragueur en herbe. Ouais, c'est ça, ouais. Mr. Steven qui dit Polo a vraiment abusé avec la serveuse. Ouais. Je suis sûr qu'il va retourner ce week-end. C'est qu'une serveuse. Mais et alors? Mais bah, tu croyais quoi? J'aime faire une serveuse, moi. Mais toi, t'es qu'un animateur. Et bah. Ah bon, et alors? Bah oui, Gaël aussi qui dit, moi c'est... Attends, c'est quoi? Ah oui, non, ça c'est par rapport à un autre sujet, on le lira tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Bon, attends, il y a aussi Gabriel avec nous, là, d'Avignon, là. Bonsoir, Gabriel. Salut, l'équipe. Comment ça va? Salut, Gabriel. Ça va. Tu peux nous retrouver tous les soirs sur Fun Radio. Ouais, mais il est au courant, t'inquiète, il est là. Bon, alors, Gabriel, donc toi, t'as 33 ans d'Avignon, et tu voulais aussi réagir par rapport à Loïc et Olivia, donc par rapport à la tromperie. Ouais, y a pas de soucis, ouais. Bon, alors on t'écoute, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu veux donner comme conseil? Je sais pas. Comme conseil? Ouais. C'est pas vraiment un conseil, moi c'est une expérience personnelle, après il en tirera des conclusions lui-même. Ouais. Moi en fait ce qui s'est passé c'est que ma femme elle avait sa meilleure amie. On a passé une très bonne soirée ensemble, on est allé sortir en boîte machin, on est revenu. Et en fait on était bien torchés tous les trois, et on a dormi dans le même lit en fait. Ouais. Voilà, les trois. Et dans la nuit, et en fait, je me suis trompé de femme. Le mytho. Qu'est-ce que c'est que cette excuse de merde? Non, volontairement, bien sûr. C'est pas un mytho, c'est pas un mytho. Non, mais toi, t'essaies vraiment de nous prendre pour un con, toi. Hein. Non, c'est ce qu'il... Non, je n'essaie pas de prendre pour un con. Quoi, c'est ce qu'il a dit à sa femme, photos, quoi. Si tu veux, je te passerai des photos. Avec sur, plaisir. j'ai des photos où on est tous les trois dans le lit, problème. Attends, mais qui a pris la photo? C'est moi qui ai pris la photo après. Attends, parce que... Donc, en fait, comment t'expliquer? Vous étiez trois dans le lit? Ouais, on était trois dans le lit. Ouais. Mais genre, t'as pris avec la caméra frontale du téléphone? Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et en fait, donc je me trompe de femme, bon, il se passe ce qui se passe. Oui, et bah oui. Fait, moi aussi, ça m'arrive souvent, je glisse, je tombe sur une autre, bon, bah, je la garde. Mais c'est improbable quand même, si je dors, enfin, j'arrive à la reconnaître. Au c'est début, à la limite, tu t'es à moitié endormi, mais il y a un moment, tu dors pas pendant que t'es en train de la baiser. Bah, au début du deuxième non, mais après, il y a un moment, t'assumes. Voilà. Du moins, tu finis, tu vois. T'es un gentleman, quoi. Tu commences, tu te dis, bon, je peux pas l'arrêter là, la pauvre. Oh, tout à fait ça. Ouais, ok, d'accord, on a bien compris. En fait, ce qui se passe, c'est que ma femme se réveille. Ouais. Ma vraie. Elle se réveille, donc ben là, en fait, je suis pris sur le fait, je peux pas trop nier, en fait. Ah. Non, c'est-à-dire que là, non, à un moment, non. Et le problème qui se passe, c'est qu'après, ben, en fait, c'était genre un de leurs fantasmes à toutes les deux, et ça a fini en partie à trois. Quel enculé! Je veux vivre des choses comme ça. Quelle chance! Ça a fini en partie à 3. C'est de là que l'amitié a été conçue de là, parce qu'après, au contraire, j'ai eu une très forte amitié avec sa meilleure amie. Sans déconner. Oui. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, elle se côtoie toujours. Hein. Je veux dire, c'est pas, elle vient à la maison et tout, c'est pas un souci. Et bien au contraire, il y a rien qui dérange. Et en fait, voilà. Donc, je pense, moi, à mon avis, si ça doit arriver une connerie comme ça, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux même lui dire. S'il vient qu'à faire la connerie, il vaut mieux lui dire directement. Ouais. Et des fois, les femmes, quand on leur dit les choses, elles le croient pas tellement, en fait. Ah ouais, mais moi, il y a un truc que c'est un truc que j'ai déjà expliqué à Olivia, comme t'es la seule fille là. Ah non, il y a Morgane aussi qui est là. Salut Morgane. Bonsoir. Ah, t'es pas une fille, toi, donc. Ah, t'es un homme. Ah merde, je suis très déçu. Mais Morgane, je pensais, mais bon, déception totale. Bon, bah, du coup, t'es la seule fille là actuellement, c'est pas grave. Hein. Olivia. Ouais. Moi, par exemple, si jamais je trompe ma meuf, je le dirai pas. Il y a un moment, parce qu'il y en a plein qui disent ouais, mais bon, faut assumer et tout, mais assume pas, ferme ta gueule, parce qu'au final. Non, mais je prends l'exemple dans le cas inverse, si jamais elle me trompe, je veux pas le savoir. Le problème, je t'explique, c'est que c'est mon avis, hein, mais tu me rends encore plus psychopathe. Quand tu es en face de quelqu'un, c'est comme si tu m'attrapes en train de manger un gâteau, je te dis non, c'est un fromage. Non, okay. Attention, tu confonds. Là, c'était, je faisais la vanne tout à l'heure. Moi, je te parle si ma meuf me trompe, je le sais pas. Je veux pas qu'à un moment elle vienne me dire, bah écoute, faut que je t'avoue un truc et tout parce que je me sens mal, mais en fait, je t'ai trompé. Mais ferme ta gueule. Non, mais si je te grille, alors, si je te grille. Non, si tu me grilles, évidemment, c'est différent. Mais si tu me grilles pas. Mais regarde, tu sais ce qui me stresse dans l'histoire, c'est que la meuf, elle m'a envoyé un texto aujourd'hui, elle m'a avoué que lui et moi on sort ensemble et la meuf s'il te plaît elle met un col nous la paix s'il te plaît hein. Oui et mais lui, ça c'est différent et lui il pleure il dit elle est folle qu'est-ce qu'elle me veut je comprends pas non, mais... j'avais sorti avec elle mais est-ce que c'est pas une histoire à devenir dingue attends parce que ça se trouve effectivement comme il ne veut parce que les meufs elles sont comme ça tu vas pas me dire l'inverse hein. La meuf comme si la meuf était intéressée par ton mec et que ton mec justement a peut-être été honnête pour le coup t'as vu il sa a dit... gueule de quoi t'as vu sa gueule à mon mec. Mais non, j'ai pas vu sa gueule. Mais je veux dire. Non, mais peut-être qu'il avait pas envie, j'en sais rien. Mais ça se trouve, la meuf, si elle a eu un refus, elle est capable d'aller foutre la merde dans le couple juste par vengeance. Hein. Attends, je te coupe pas. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que je t'ai dit la première fois quand j'ai crié. La meuf, elle m'a dit, je suis désolée. Je savais pas que tu me disais avec lui et tout. Mais t'inquiète, on n'est pas censés ensemble. Et quand il revient le lendemain, avec les larmes à l'œil, qui demande pardon, il me dit non, je coupe le contact, c'est terminé, je me sentais pas bien, j'ai discuté 2-3 fois avec elle, et tout. Et pourquoi tu vas me dire, la meuf, elle a dit la vérité sur ce coup-là? Non mais d'accord, il est peut-être pas clean. Il est peut-être pas clean, c'est clair. Bon, attends, Olivia, bouge pas, on va prendre Gabriel, Morgan aussi. Dans quelques minutes, on aura Fabien, on aura Kylian, il y a du monde là ce soir, c'est cool. Et puis on va se mettre Basto maintenant sur Fun avec Dance With Me. On est ensemble jusqu'à 2h du mat. On va faire le top Twitter dans un instant. Donc on rappelle aussi le gagnant là pour les t-shirts, notamment GTA. Là, il y a encore hein, les t-shirts GTA, les jeux GTA 5 également sur le Facebook de l'émission. Allez-y, facebook.com/MIKLOfficiel, tout simplement. Vous y allez, on fait le tirage au sort dans quelques instants. C'est Fun Radio, il est 1h49. Profitez. On est là sans pub sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Bienvenue tout le monde. Le son de Basto sur Fun avec Dance With Me. Et puis en plus, on va terminer la soirée là dans une bonne dizaine de minutes. Il y aura générique bien sûr. Et puis apparemment, on est en top tweet ce soir. C'est bien, 2h du mat, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis on fera le top tweetos aussi. Restez sur Fun Radio, c'est Mickaël Nolimit jusqu'à 2h. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël Nolimit. Fun Radio. Exact, sur Fun Radio, 1h52, là, c'est cool, on est tranquille. Et on va encore faire un petit appel, un petit dernier, avant de prendre tout le monde au standard, là. Allez, allons-y. Ouais, dernier appel, là, pour voir si éventuellement il y a moyen que tu fasses la Pip School. Allons-y. Puisqu'en allons Russie, apparemment, il y a moyen d'avoir des cours de fellation. Oui. Donc on s'est dit, bah, on va essayer de faire pareil. Moi, je vais monter mon école à moi. Exactement. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. On y va, on appelle directement pour essayer de trouver quelqu'un. C'est le message que j'ai reçu aussi de ce numéro-là. Apparemment, c'est quelqu'un de relou, mais qui est de boutard. C'est parfait, merci. Là, il n'est pas debout, malheureusement. Oui ? Oui, bonsoir, madame. Oui ? Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si votre mari était satisfait de vos fellations. Vous plaisantez, monsieur, ou pas ? Non, pas du tout. Je voulais savoir si votre mari était bien sucé. Mais qui vous êtes, monsieur ? Moi, je suis Toff, madame. Directeur de la Pip School. Et donc, je voudrais peut-être vous apprendre à mieux sucer votre mari. Mais je vais porter plainte, monsieur. Mais vous allez porter plainte pourquoi, madame? Je vous appelle pour vous rendre service. Je vous passe mon mari. Ah bah, allez-y, passez-moi votre mari. Oui. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous étiez bien sucé par votre femme. Alors, je vais vous parler et je vais essayer d'être le plus clair possible. Oui. Demain matin, oui. Demain matin à la première heure, je vais déposer plainte à la gendarmerie et je vais tout faire pour retrouver votre numéro de téléphone. Oui. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de très très simple. Oui. Il y a deux solutions. Oui. Ou j'ai pas votre numéro de téléphone et vous avez une chance que vous n'imaginez même pas. Ou j'ai votre numéro de téléphone et où que vous soyez en France, je vous retrouve et je vous explose la tête. Est-ce que je prépare le colis? Je vais te faire très très mal. C'est sinistre, pas le bon commande. Tu as composé le numéro de téléphone et tu te permets d'avoir un discours salace. Tu vas bien m'écouter. Planque-toi. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Ah merde, là, il a raccroché. Et le mec, il s'est cru dans Tekken, tu sais. Ouais, je vais te retrouver. Et je vais t'exploser. C'est un pauvre type. On va le rappeler, on va le rappeler. Il avait l'air tellement gentil. C'est tellement dommage, comme ça, de. Allez, hop, c'est parti. Elle avait l'air chiante, la meuf, pour le coup. Merci à ceux qui nous ont donné le numéro de téléphone. Je pense qu'on a tapé dans le mille, là. Oui. Allô? Oui, alors, écoute, regarde, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas du tout. Mais je pense que tu peux avoir d'autres ambitions dans la vie. Si tu veux, on se rencontre. Si tu veux que je t'aide à faire quelque chose, je t'aiderai. Enfin bon, là, vous me racontez votre vie. Moi, je veux juste vous offrir un cours de pipe. Hein. Non, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Est-ce que tu comprends que dans la vie, il n'y a pas que ça. Tu sais, si tu aimes les filles, ben va voir les hommes. Et maintenant, la prochaine fois. Et oui, je ne veux plus que tu appelles sur ce téléphone. Tu as bien compris? Oui, bah, j'ai alors, compris. Alors arrête, s'il te plaît, ne le fais pas. S'il te plaît. Voilà, pense à... Je pourrais être peut-être ta grande sœur. Ne le fais pas, s'il te plaît. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai du boulot, j'ai des corrections et voilà. Hein et alors, voilà, bonne correction alors. Hein. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Allez. Au revoir. Oh, qu'elle était relou. C'est une prof. Oh, c'est une prof. Manquait plus que ça, tiens. On aurait dit ma mère. Oh putain, manquait plus que ça, dis donc. Merde. Bon, plein de messages qui est arrivé là. Megumi aussi qui dit porter plainte pour une pipe abusive. Ouais, c'est clair. Megumi au corps qui dit Toff est pas moche, le pauvre. Faut arrêter, c'est juste à côté du beau Mickaël. Oui, du beau Mickaël. Il fait tâche normale, mort de rire. Merci Megumi. L'homme est laid quand même. Merci Megumi. Justine qui dit Polo, moi je t'aurais fait. J'écouterai avec plaisir. Ah, voilà une femme de goût. Ouais, tu parles. Banana aussi qui dit. Je trouve que la technique de Polo est pas mal. Il y a Let's Be Freaks aussi qui dit j'ai envie de toi là maintenant tout de suite Toff. Allons-y. Allons-y, c'est ça, très bien. Soula. Il va immédiatement prendre sa belle mobilette et arriver. Mais... Et Rodolphe qui dit Polo le roi du râteau. Ouais, il y a un truc qui se passe entre Let's Be Freak et Toff. Ouais, un couple qui les sent. Je vais prendre la mobilette et hop, une faciale en passant. Ouais, super, génial. Bon, on va récupérer Gabriel du coup et Morgane également là. Salut Morgane. Bonsoir. Ah, ça va Morgane? Ça va et vous? Bon, ça va tranquille, ouais. Bon, alors, toi, tu voulais réagir aussi à la tromperie? Oui, exactement. Alors, vas-y, dis-nous. Dis donc, ouais, t'es où, là, Morgane? Parce que t'es dans une pièce vide? Oui, je suis en travaux chez moi. Ah, parce que j'allais dire, faut acheter des meubles, maintenant. Hein. Je suis en travaux chez moi. Oui, Loïc. Ah, c'est pas Loïc. Ouais. Ah non, mais attends, c'est qui derrière toi, Morgane, qui parle? Derrière moi? C'est mon ami qui était là quand j'ai surpris mon copain. Bon, explique-nous l'histoire déjà depuis le début parce que j'ai l'impression. C'est un baiser, le mec, c'est un baiser. Donc, attendez, chacun son tour. Et dis à son copain de la mettre en veilleuse 2 minutes. Parce qu'on va le retrouver. Ouais. Non, en fait, je suis rentré chez moi plutôt que. Non, attends, je comprends pourquoi est-ce qu'on l'entend si bien. C'est parce qu'en fait, t'as le kit main libre là ou le haut-parleur. J'ai le kit main libre, je m'en. Ah bah, tu peux pas l'enlever parce que là, c'est une galère. Parce que le son, il est pourri, quoi. D'accord, attendez, je le coupe. Ouais. Ah ouais, bah attendez, hein. Ouais, bon, on va attendre, de toute façon, on est tranquille, là, 1h50, ça tourne le temps. Ça y est, Morgane. Non, elle est disparue. Morgane. Bon, elle est partie, Morgane, c'est dommage. Bon, Kylian, avec nous, Morgane. Oh putain, on n'entend plus rien, on entend encore moins qu'avant, bon, bah, c'est pas grave. Bon, Kylian. Ouais. Ah parfait, lui il est là, magnifique. De La Rochelle, Kylian, est-ce que t'as un conseil à donner à Loïc qui donc a trompé sa meuf, ses potes ont fait des allusions devant elle et donc du coup bah, il essaye un peu de lui faire l'envers quoi. C'est pas vraiment un conseil. Alors c'est quoi, c'est ce qui t'est arrivé? Non, c'est plutôt de lui dire d'arrêter tout de suite cette connerie. De quoi, de la tromper? De tromper sa meuf. Oui, dans l'absolu oui, parce que regarde Loïc, oui. Y a tellement des mecs qui sont en chien, qui ont pas l'occasion de trouver une seule meuf, et toi t'en as une et tu vas voir ailleurs. Oui mais c'est non ça, mais c'est non ça, mais genre je l'ai fait qu'une fois. Oui bon enfin c'est une fois de trop hein, dans l'absolu. Ouais mais je vais arrêter après. Oui on dit ça hein. Oui mais le temps que t'arrêtes, la meuf elle chope. Et puis elle a le cœur brisé, parce que si elle se trouvait là, elle avait des sentiments. Oh le canard. Toi Kylian, t'essayes de récupérer la meuf, hein? Non, c'est juste que c'est je suis comme t'as dit le genre de mec qui galère à trouver une copine. Ah voilà. Parce ouais. que des personnes comme Loïc, pire que Loïc même des fois, font des coups de connard quoi dans le dos. Et que du coup, bah nous on se ramasse des vents pas possible. Ouais voilà. Mais non, mais attends, parce que moi aussi j'ai galéré pour trouver une meuf, mais là j'ai une deuxième occasion qui s'est présentée. Oui, non, t'as galéré pour en trouver une, t'en trouves une, et puis là tu la lâches pour une deuxième. Justement, il veut pas la lâcher. Bah mais oui, tu vois, ça marche après dans les deux sens. Après, effectivement, moi, je suis contre la vengeance. Alors, la vengeance sur une personne bien précise, pourquoi pas. Mais genre, par exemple, si ta meuf te trompe, faut arrêter de déconner. Faut pas dire ouais, toutes les meufs c'est des salopes. Eh ben maintenant, je vais me foutre de leur gueule aussi. Un peu comme Toff, tu vois. À l'époque où je l'ai connu, c'était un mec bien. Puis il est sorti avec une meuf qui était bien. Puis c'est devenu une connasse. Donc forcément, du coup, elle s'est foutue de Est-ce sa gueule. Est-ce qu'on peut la nommer parce qu'elle adore ça. Oui. Isa. Voilà. Et donc depuis en fait c'est devenu depuis ça c'est... Va, il est tard, elle écoute pas à ce temps-là. Bon on podcastera. Et depuis c'est devenu le connard qu'on connaît quoi. Voilà, en gros c'est ça le problème, depuis c'est devenu ça. Ouais. Donc tu vois ça marche dans les deux sens en fait. La meuf s'est foutue de sa gueule et depuis c'est devenu un enculé. Et ça marche aussi pareil, voilà, je sais pas, moi si ma meuf me trompe, bah, je la quitte, mais c'est pas pour autant que je vais aller me venger sur les autres. Ça veut rien dire ça. C'est idiot. Je dis pas le contraire. Tu chopes ta meuf en train de te tromper, je dis pas le contraire, tu vas pas te venger. Elle t'a trompé, c'est tout, ça prouve que c'est... Non mais tu peux te venger sur elle, mais pas venger sur les autres qui ont rien à voir dans l'histoire. Oui, tu peux te venger sur elle, mais pas sur les autres, voilà. Bon, voilà. Là, je dis juste que t'es avec une meuf qui t'aime peut-être, que même si c'est juste une fois, que ce soit pour une heure ou deux, ou même plus, une journée ou une semaine, tu la trompes. Ouais. Ah oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, mais t'as même été plus loin que la tromper, hein, j'ai suivi toute l'histoire, t'as même été jusqu'au préliminaire. Donc, à partir de là, c'est... Ouais, c'est pas plus loin que la tromper, parce que plus loin que la tromper, c'est se marier, donc là, il l'a trompé, oui, quoi. Et voilà, quoi. Et donc, du coup, je dis juste que évite de faire ça, juste que tu peux casser le cœur de quelqu'un, et que du coup, nous, après, on passe pour des connards. Voilà, Kylian, le moralisateur. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a le grand frère et puis il y a le moralisateur. Non, mais dans l'absolu, t'as pas tort, hein, Kylian. Bon, Loïc. Ouais. Bon bah écoute, soit tu casses avec ta maîtresse là, et puis tu te concentres sur la première meuf et tu vas dire. Ah mais ça c'est déjà prévu ça. Non mais c'est pas prévu, faut le faire. Hein. Faut pas dire bah tiens dans 3-4 jours je vais le faire. En attendant je vais encore m'amuser une ou deux fois. Faut faire les choses directement. Soit tu restes avec celle avec laquelle tu préfères être. Et puis bah tu vas dire à tes potes que t'as fait une connerie et que c'est bon, c'est pas la peine de remettre le couteau dans la plaie. Et c'est pas la peine non plus de. Gros bâtard aussi. Bah ouais mais dis-leur. Et sinon tu te fâches, tu dis ouais, si vous faites pas ça je vous mets une patate dans la gueule, d'accord. Voilà, sinon tu dis comme l'auditeur qu'on a avec nous, là, Reda, il a des muscles, tu dis ouais, je t'envoie Reda, il va te mettre ta tête au carré. Michael, tu peux faire un coup de lance-flamme sur toi, s'il te plaît. Mais bien sûr, et plutôt deux fois qu'une. Voilà, j'ai dit deux fois. Bah. Voilà. Il commence à faire frais, ça fait du bien. Bah oui, merci. C'est ça, exactement. Bah voilà, c'est fait. Merci Kylian et merci Loïc d'être passé. Hein. Ouais. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi Kylian, tu voulais dire un truc Loïc? Ouais, je peux passer une petite dédicace? Ouais, et tu vas d'abord muer hein, Loïc avant de te taper plusieurs meufs. Hein. Parce que c'est pas sérieux une voix comme ça là. Hein. Bah ta gueule. Oh, oh, oh, oh, oh. Zéro. Eh hey, oh. Eh va muer. Eh va muer. Eh va muer. Polo c'est parce qu'il a mis à se faire insulter, c'est pour ça. Va muer espèce de petit. Non mais Loïc. Ferme ta gueule, c'est toi le bâtard. Va muer. Va muer. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Reda, c'est mon pote Reda, il est à côté de moi, qu'est-ce que tu parles? Non mais Reda, il va te défoncer, il fait une mec. Mais ouais. T'as raison, Loïc. Je défonce bon, personne, ouais. J'aime pas la violence, moi. Oh là là, tout ça pour ce pécho sans gros, là. Bah ouais, oh là là. Bah oui, à l'usure, il va y arriver. Et en plus, il sait qu'il a plus la concurrence de Adopte un mec, alors. Bah ouais, parce qu'on s'est fait tâche on s'est fait jeter d'Adopte un mec, donc ouais, bon. Mais il a peut-être de la concurrence ailleurs, hein, qui ah, sait. Bah non. Oh là là. C'est pas le stagiaire, c'est pas Toff, t'es entre les deux. Donc, comment t'expliquer que. Ouais, mais bah bon, ouais. Arrête ton cinéma. Bah ouais, j'ai une vie. Tu nous as... Mais arrête, t'es en train de pleurer hier parce que t'avais personne. Il y a deux mecs beaux au monde, il y a Michael et après il y a moi. Ouais, c'est ça, mais moi je fais trop attention physique. Voilà. Et David Beckham, moi aussi, dans tout ça. Michael. Quoi? Qui? Ah, d'accord. Ah, oui, il y avait David Beckham au Parc des Princes. C'est une pour ouais, nous. C'est vrai, c'est vrai. Pas. Bon, Loïc, tu veux dire quoi? Ouais, je vais faire une dédicace à vous et surtout à Sandra au standard, parce qu'elle est gentille. Oh, tu veux la pêcher aussi? Hein? Tu veux la pêcher aussi? Ah bon. Non. Ah bah alors, bah, je te la repasse quand poils, même. Si tu veux un peu de poil de Sandra. Oh ouais. Je te la repasse Loïc. Bonne soirée, hein, bonne nuit hein. Ouais, bah, à bientôt Loïc. Et oublie pas de prévenir tes potes qu'on est là sur Fun Radio du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit hein. OK. Bon, je compte sur toi. Salut Loïc, à bientôt. Salut. À bientôt. Allez, ciao à toi. Et puis on va faire et salut à Gabriel également. Merci de passer Gabriel. Ben non, c'est normal, pas de soucis. Bon, merci à vous de m'avoir accueilli sur avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux Gabriel. Salut à toi, à bientôt. Ben, y a pas de problème. Allez, ciao. Ben, on va appeler le gagnant aussi GTA là maintenant, là, c'est parti. Gagnant GTA et il y avait Let's Be Freaks qui dit aussi je veux être la première élève de la Top School. Quelle horreur. Mais pas de problème. Mais pas oui, de problème. Mais oui. Et Megumi qui dit Polo derrière qui dit Souila. Bon, on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante pour GTA. Attention, c'est parti, on appelle. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, il ou elle repart avec GTA 5 et le t-shirt qui va bien avec. Hein. Le t-shirt donc Los Santos. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Jérémy. Salut Jérémy, tu as fait un petit like là sur la page de l'émission. Ouais carrément, j'ai liké la photo ouais. Eh bah parfait, t'as bien fait hein. Bah écoute du coup là bah GTA 5 c'est pour toi, tu veux quoi sur Xbox ou sur PS3? Sur PS3, c'est trop charmé, merci. Parfait. Eh bah on va te filer le t-shirt qui va avec aussi, comme ça tu pourras vraiment être le bon geek. Ah terrible. Avec plaisir. Bah avec plaisir. Bon bah salut à toi et reste au standard. À bientôt hein. Salut. Ciao à toi, bye bye. Bon et bah voilà, merci Reda d'être passé. Merci, c'était un plaisir. Bon et avant de partir évidemment, le générique, ça tombe sous le sens. Ah oui, et le top tweet aussi également. Toff, allez oublier, heureusement que je suis là. Ouais, bah oui, bon, évidemment. Alors. Le cinquième, c'est Storm Dreamer. C'est Stromae. Ouais, donc voilà, ça c'est les personnes les plus influentes sur le Facebook, sur le Twitter de l'émission, donc avec le hashtag Mickaël. Donc numéro 5, tu dis Storm Dreamer, ok. Ouais. Numéro 4. Numéro 4, hein. Justin Bieber. Frenchie 47. Ah, Frenchie 47, c'est bien, number 3. Fullness Hope. Qui ça? Fullness Hope, ok. Fullness number 2. Petit Panda, ouais. Come on Petit Panda, qui est arrivé numéro 2 ce soir, ça peut être très bien. 200 tweets d'avance sur tous les autres. Oh putain. Let's be freaks. Mais alors attention, qu'elle soit souillée par Toff. Ouais, déjà, mais je crois que j'ai trouvé l'astuce de Let's be freaks. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui... qui tweet de 23h à 2h, sauf qu'elle, elle n'arrête jamais. C'est pour ça qu'elle a de l'avance. Et c'est pour ça qu'il y en a qui, entre 23h et 2h, se font bloquer, parce que Twitter, ils aiment pas trop quand on matraque de tweets, donc du coup, ils bloquent qui est une heure ou deux, un truc comme ça. Donc c'est qu'elle, tout au long de la journée, tac, tac, tac, oui, tac, elle envoie, elle envoie, elle envoie, elle envoie. Résultat, elle a de l'avance. Donc moralité, si vous voulez la battre demain, eh ben, il y a une solution, il faut pas arrêter. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on est en top tweet parfois des peut-être, ouais, peut-être, peut-être. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, faut y aller, faut envoyer vos messages tout au long de la journée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah, merci en tout cas à tout le monde d'avoir été connecté ce soir sur le Facebook, sur le Twitter, sur l'Instagram. Je vous rappelle que si vous me faites un follow pardon sur Instagram ou sur Twitter, eh ben c'est pas compliqué, hein, vous allez pouvoir être followé par moi-même. Je le ferai avec grand plaisir. Et puis merci à tous ceux également de plus en plus nombreux, à plus 15 000 depuis avant-hier, wow, c'est gentil. Sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, plus de 145 000 connectés pour une émission qui n'a même pas deux mois, qui aura deux mois dans trois jours. Voilà, dans trois jours, ça fera deux mois qu'on sera sur Fun Radio. Donc merci à vous, continuez à passer le message dans votre bahut au travail, facebook.com/mikaelofficiel. Le générique de fin. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Coupe des mythes, t'as fait sucer, toi l'enculé. Un enculé, t'as enculé ton enculé. Allez, Reda, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton enculé. T'es un enculé. Fais plus dormir ou bien manger, car t'encule ton enculé toute la journée. Pom pom pom pom pom pom. Alors, j'ai préparé Ilou. Suce ma bite. Elle est là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? T'offres à une sale gueule? Quel cauchemar! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Et que veux-tu? Surtout sans droit, toujours célibataire. Ouais. Et Polo s'est pris un râteau. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu sens que vite t'as fait sucer, toi l'enculé. T'aimes ça te faire un, t'es l'enculé. Toi t'as trop, t'es l'enculé. Oui, oui. On est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh ben voilà. Ça y est. Oh, on a été bon ce soir. Bah, je sais pas si on a été bon, mais en tout cas, on s'est bien marré. C'est le principal au final. Hein. On va se retrouver demain pour la dernière de la semaine. Eh oui, dernière déjà. On se retrouvera demain à partir de 23h sur Fun Radio. Soyez bien là. Comme je le disais, prévenez vos potes. Et excellente nuit. Merci Reda d'être passé. Merci de m'avoir accueilli. Et merci à ton pote. Il a beaucoup parlé. Hein. Putain, heureusement qu'il était là. Hein, parce que... comment il s'appelait? Timide, hein, Franck s'appelle. Franck, dis quand même bonjour, Franck. Tu n'as pas venu pour rien. Ouais, putain, t'as rien entendu. Putain, c'est il parfait. A peur, il est timide. Ouais, il a peur de tout ce qui est phallique. Voilà. Je pense que c'est ça le problème. Voilà. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Merci Reda. Et pour 100 euros, je te fais le numéro de Sandro. J'espère, hein. Ou alors contre Amorito, parce que Reda est barman. On s'arrange tous les deux. Ouais, bien sûr, allez, t'inquiète pas. Oh, pas de problème. Allez, bonne nuit, merci à vous toutes et à tous d'avoir été là. Et on se retrouve demain 23h. 23h, 2h. Mikaël. Mikaël. Ferme ta gueule, les colards. No limit. Sur Fun Radio. Bon, on va peut-être pas partir tout de suite non plus, il y a juste JB quand même qu'on va saluer, évidemment. Mais oui, c'est ça, exactement, oui. Comment ça va? Eh ben, bien et vous? Bon, bien. Écoute, tranquillement, là, tranquillement, tranquillement, tout va bien. Hein. T'as vu le générique, tout ça? T'as pas chanté, je suis très déçu. Ouais. Non, mais par contre, j'ai vu votre technique de drague pour les serveuses. C'est pas la nôtre, c'est la sienne. Non, mais oui. Moi, j'étais là, je me dis, oh putain. On l'a tous fait. Bah oui, moi, je l'ai fait tellement de fois, mais ça foire. On l'a tous fait. Ça marche. Là là. Et franchement, ça marche. Mais bien sûr, ça marche. Mais non, ça a pas marché, la preuve. Mais non, parce qu'elle était naze. Mais elle était naze. Eh ben, tu feras demain pareil. Tu feras pareil demain. Je ferai demain pareil. Quelle horreur. Jusqu'à ce que j'arrive. Ah bah, putain. T'as un échec pour 150 réussites. Ouais. Oui, c'est ça. C'est marrant parce que lui, avec la tendance, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez. Bon, on va passer une bonne nuit. J'y vais dans un instant avec le son des Floor jusqu'à 6h sans pub. Ah bah, sans aucune pub, même. Eh ben voilà, sans aucune pub. Que le son des Floor jusqu'à l'arrivée de Bruno de la radio à partir de 6h du mat. Tu sais qu'on a parlé de toi hier en plus, hier matin à 6h. Non, en mal j'espère. Ouais, en mal. Parfait, c'est parfait. Non mais tant mieux. Non mais c'est vrai. Faut bien en parler en mal. On embrasse Jérôme. Exactement, ah oui. Jérôme, le patron de la radio. Putain, il faudrait que je l'appelle là pour lui dire que vraiment c'est bien ce qu'il fait. Non, parce qu'il t'a mis en blacklist là. Il t'a blacklisté là, cherche pas plus loin là, te casse pas la tête. Demain, écris-lui un poème. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, on pourrait faire ça. Oh Jérôme, que tu es beau. Oh Jérôme, que mon salaire aimerait être augmenté. Quel arôme. Oui, oh Jérôme, quel arôme. Tristesse. Même du poème de merde. Non. Ouais, ouais, j'ai essayé, bien essayé, va, mais... Arrida, tu veux vraiment son numéro? Ouais. J'hésite là, franchement. T'as raison, t'as raison. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. JB qui prend soin de vous jusqu'à 6h du mat. Et on se retrouve demain. 6h du mat, ce sera évidemment... Attention, je fais une imitation. Bruno dans la radio, évidemment. Allez, à demain. Et c'est quoi le son qu'on écoute maintenant? Fédé le petit. C'est drôle ça, dis donc. Tu vas voir, le jour il va te mettre une patate dans la gueule. Fédé le petit. Nouveau Fédé le grand. Et puis juste après, il y aura Major Lazer. Bisous Mika. Ah bah, à demain. Salut. Allez, ciao. Fédé le grand maintenant. Et à demain, 23h sur Fun Radio, en pleine forme. Ciao. Bisous.